Salut à tous, bienvenue dans le podcast numéro 32, c'est la rentrée d'Upcast, c'est la troisième saison maintenant d'Upcast, saison 3 d'Upcast, qui va commencer avec un épisode un peu spécial, un épisode de rentrée. On est encore presque un peu en vacances pendant cet épisode, notamment en termes de préparation. pas révéler les coulisses. Non, c'est très très pro bien sûr. Donc vous êtes avec nous pour ceux qui ne nous connaissent pas, et pour ceux qui nous connaissent, je le rappelle, on est un podcast où on parle de divertissement à peu près toutes les deux semaines, de longs débats et de longues choses passionnantes à dire sur le divertissement et son actualité. On parle également, on fait la même chose avec le jeu vidéo et en général également avec la techno. Ça, c'est un peu le programme d'habitude. Et puis, en général, on conclut par une partie où on vous parle de ce qu'on fait en ce moment. Là, on va un peu chambouler le programme pour cet épisode de rentrée, puisqu'on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans notre été, l'été culturel d'Upcast. Voilà. On va un peu longuement débriefer là-dessus. On peut le voir comme une sorte de partie critique-conseil un peu à froid, on va dire, de ce qui s'est passé cet été, de ce qu'on en a retenu au niveau culturel pour nous. Et puis ensuite, on va reprendre un peu notre plan normal. Hein. Donc, on va vous parler des actus un peu divertissement, des actus jeux vidéo et des actus techno pour finir. Et voilà, je crois que c'est un peu l'essentiel. Est-ce que je vais peut-être me présenter? Bah oui, c'est ça, pour ceux qui... C'est la saison 3, c'est la rentrée. C'est vrai qu'on est là, on parle, la rentrée, en plus, personne ne sait qui on est. Donc voilà, je suis Grégoire, voilà, j'anime un petit peu le podcast pendant ce temps. Et puis, je suis avec Julien, salut Julien. Salut à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, à ceux aussi qu'on a perdu, tant plus que souvent, quand vous faites une pause de 2 mois dans l'univers impitoyable des podcasts, vous perdez à peu près 50% de vos auditeurs. Bienvenue à ceux qu'on a perdu, donc. Voilà. Merci de pas J'essaie de les appeler de loin, tu vois, c'est ça, j'essaie de que ma voix porte et que... T'inquiète, la hype va porter, ils sont là bientôt, hein, notamment grâce à Dim. Dim, salut, comment ça va? Salut tout le monde, bah écoute, ça va très bien, content d'être de retour. Ouais. Et je tenais à en profiter pour faire une petite dédicace à deux auditeurs avec qui j'ai pas mal discuté cet été. Tout d'abord, Sho, avec qui on a longuement débattu sur le trailer de Rogue One, sur Star Wars, sur les jeux vidéo de l'été, sur les films de l'été. Donc, salut à toi. Et puis aussi à Captain Miller, qui m'a gentiment prêté Uncharted 4 cet été, et avec qui j'ai pas mal joué à WWE 2016, où on a fait des gros matchs enflammés. C'est un jeu de catch, ça. C'est du catch, ouais. Un super jeu de catch. Ça, c'est un mec bien, Captain Miller, s'il joue au catch, là, j'avoue. Alors, moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un qui nous écoute. Ah, mon Dieu. C'est Jay Bob. Bob FR, ouais, ah, tout ouais. À fait. Je l'ai vu lors d'une IRL, comme on dit, chez les jeunes. Voilà, chez les jeunes, on dit ça. Donc, je l'ai vu, une petite soirée chez un ami commun. Et voilà, donc très sympa. Ça fait plaisir, écoute. Depuis le temps qu'on le voit intervenir sur Twitter. Tout à fait, voilà. Pas eu le temps de parler suffisamment avec lui. On était, je sais pas, une vingtaine, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, grand plaisir d'avoir rencontré Jay Bob FR, qui écoute beaucoup de podcasts, qui est un gros fan de podcasts divers et variés. Pour nous connaître, Yorger. C'est qui sont des gros fans de podcast. Voilà, c'est-à-dire que le type qui n'écoute que Upcast, je ne pense pas qu'il ait aidé. Non, c'était pas ça. Bah écoute, ça fait plaisir s'il habite en région parisienne, hein, Jay et Bob. Non, il habite pas en région parisienne, mais on s'était réunis à un endroit qui était un peu plus loin de la région parisienne, mais je sais plus où il habite. Bon. Mais il leur dira dans les coms. Parce que j'allais lui dire qu'il était le bienvenu s'il voulait intervenir dans les podcasts. Pas. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être, on va préciser un peu les nouveautés de la saison 3. Il n'y en a pas, en fait, c'est ça la grande nouveauté. Alors, la grosse nouveauté, c'est qu'on s'est remis en question et on ne va rien changer. On trouve qu'on était parfait, donc on continue comme ça. Quoi. Stan n'est plus là, on ne sait pas s'il va revenir, on ne sait pas ce qu'il va pour l'instant, il est en pause, on va dire prolongée du podcast. Voilà. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. En fait, il a soldé tous ses congés payés, ses RTT d'Upcast, donc voilà, pour l'instant, il n'est pas là. Mais donc, ça veut dire qu'on a une prise micro de ça marche comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va sûrement avoir des invités. Bah on aimerait bien, en tout cas. Voilà, si vous voulez venir, si vous passez, si vous êtes dans le coin. Donc, nous, on enregistre souvent vers ici les Moulineaux ou vers Paris. Vous êtes les bienvenus. Si vous pouvez venir que par Skype, on le fait aussi avec Skype, comme Dimitri. Donc, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez envie de parler un petit peu de divertissement, si vous avez envie de participer à des débats sur le jeu vidéo ou sur la techno, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas envie de préparer, vous préparez rien. Vous serez en invité exceptionnel. Si vous avez envie de préparer, vous êtes également les bienvenus. Hein. On est partant, on est intéressé pour avoir toujours plus de participants pour Podcast. Voilà, même si vous êtes connu, vous voulez participer comme ça. Alors si vous êtes connu, c'est encore mieux. Voilà, hein, on va essayer d'avoir des stars, je sais pas, voilà, Louis C.K. Voilà, on va essayer de prendre des gens à la mode, des gens. Maître Gibbs. Ouais, s'il veut venir, si tu nous écoutes. Bon bah écoutez, on va peut-être commencer avec le petit débrief de l'été, un petit peu de ce qui nous a occupé pendant cet été. On va mettre un petit jingle à ce moment-là. Voilà, un petit jingle de l'été. Voilà, ça va démarrer. Fond, ouais. Sonore. Bon, du coup, cet été culturel, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec toi, Julien, directement. finalement, première impression, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet été culturel ? Est-ce que c'était un bon été culturel ? Est-ce que c'était un mauvais été culturel ? Bah, déjà, moi, je me suis demandé si finalement, c'était des périodes qui étaient plus propices à, entre guillemets, consommer de la culture, ou si c'est des périodes, finalement, on est en famille. Finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'un été culturel réussi ? Ouais, c'est une bonne question. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, ils se disent, tiens, je vais rattraper un peu les livres que j'ai pas lus, les jeux que j'ai pas encore faits. Donc, voilà, moi j'ai eu un été culturel assez riche puisque en fait j'ai travaillé, donc c'était pas vraiment les vacances, donc c'était pas vraiment l'été. Donc finalement j'étais chez moi à Paris et j'ai pu regarder pas mal de films. T'as pu en profiter, toi. Voilà, j'ai pu finalement faire un été culturel. Ça, t'as de la chance. Mais je sais que toi, c'était pas ton cas. Alors ouais, effectivement, de mon côté, l'été culturel rime avec désert culturel, rime avec déconnexion. Et c'est vrai que pour le coup, on en a profité, on va dire, en famille cette fois-ci. Et j'imagine qu'il y en a pas mal qui sont un peu comme dans ma situation, on va dire. On profite de l'été où on est un peu obligé, on va dire, d'aller dans une location. On n'a pas forcément un très bon wifi, on n'a pas ce genre de choses. Ouais. On va à l'étranger, on est en déplacement, on est avec sa famille, etc. On passe un peu moins de temps connecté, on passe un peu moins de temps dans des endroits où il y a des cinémas, ce genre de choses. Donc l'été culturel pour moi a été plutôt triste, plutôt pauvre on va dire, pas grand chose, j'ai été quand même un petit peu au ciné, on en parlera, mais c'est vrai que j'ai pas eu la chance de faire autant de choses que je voulais on va dire, voilà. Donc je sais pas pour toi Dim, si l'été culturel t'en as eu une impression Bah moi je suis un peu comme Julien, c'est-à-dire que j'ai pas pris de vacances cet été, donc j'ai bossé... Vu que niveau des émissions ou des séries, c'était un peu mort, donc j'ai pu rattraper mon retard. Beaucoup de séries, pas mal de films aussi, enfin un peu tous les gros films, on en reparlera aussi tout à l'heure. Jeux vidéo aussi, je me suis pas mal concentré là-dessus, donc non, ouais, c'était plutôt assez riche. Bon. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une période où finalement, les événements culturels, tu vois par exemple, il y a les blockbusters de l'été. Voilà. Tu vois, finalement, il y a des choses qui sont prévues. Il y a un peu des disques de l'été aussi. Ah bah ça oui, enfin, c'est moins à la mode qu'avant, mais c'est vrai que ça existe toujours. Je parle pas de Wes, de Dan Deo. Comment ça, tu parles pas de Wes ? De la SketchUp. Bien sûr qu'on parle de Wes. Ou de la Lambada, mais il y a souvent des disques un peu... Tu vois, ils sortent dans la bonne période, c'est-à-dire la période un peu plus festive, même si on n'a pas eu un été très festif. Hein, on n'a pas non plus... l'actualité fait que c'est pas forcément le meilleur été qu'on ait eu. Mais voilà, disons qu'il y a une espèce de... comme ça de... Il y a une ambiance qui est propice à la sortie d'effectivement certains produits culturels. Bah notamment, c'est vrai que ça se voit beaucoup pour le cinéma, comme tu le dis, dans les blockbusters, où c'est très calibré pour ça même. Hein. Ils savent très bien quel week-end il faut le sortir ou pas. Ça allait peut-être un petit peu aussi dans les disques. Moi, je me rends moins compte, c'est plutôt toi, notre monsieur audio, on va dire, monsieur musique. Il y a toujours un disque. Après, je pense que ce qui reste des labels attendent plutôt septembre. Ouais. Et les grosses sorties-là sont à ce moment-là, puisque tous les journaux font souvent un numéro double, donc il y a moins de relais presse, il y a moins de relais médias. Après, moi, ce qui m'a surpris personnellement dans cet été-là, mais c'est peut-être parce que j'avais pas de souvenir de comment ça s'était passé les années précédentes, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y a eu plus de séries peut-être à regarder, plus de contenu consommable en série pour cet été. Chaque été, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de séries qui débarquent. Il n'y a plus vraiment de pause entre les saisons. Enfin, l'été, maintenant, il y a toujours des nouvelles séries. Il n'y a vraiment plus de temps mort, en fait. Ouais, c'est ça, parce que moi, je me souviens des longs étés quand on regardait Lost. On se disait, tu vois, ça finit en avril ou je ne sais pas quoi, puis ça recommence fin septembre, début octobre, ce genre de série. Voire en mars pour certaines. Tu te tapes quand même quelques mois où, sur l'activité culturelle série, c'est compliqué. À la télé, il n'y a pas grand-chose. Les rediffusions d'M6 tout l'été, bof, on va le dire tout de suite. Bah, c'est ça, parce que souvent, on parle par exemple tout ce qui est télévision, ça fait complètement relâche l'été. Alors, soit tu as d'autres programmes, mais soit c'est des rediffs. C'est très particulier. L'ambiance à la télévision l'été est très particulière. Et pendant longtemps, j'ai l'impression que le monde des séries a été impacté par ça, parce que tu ne lances pas une série juste avant l'été. Ou alors la série de l'été, mais voilà, ça s'appelle la série de l'été. Voilà, ou La Vengeance aux yeux clairs, ça, c'est très la série de la rentrée. Ça. Ah bon, pardon, je crois que c'était cet été. Ah donc, ok, je pensais que c'était déjà fini en fait. Ça impacte un peu et là j'ai eu un peu moins cette impression. Alors c'est peut-être parce que moi j'en ai un peu comme Dim profité pour rattraper certaines séries. Ouais. Mais c'est vrai que au niveau série j'ai eu l'impression qu'il y a eu un peu plus d'activité. Je fais notamment allusion pour ceux qui l'ont peut-être déjà compris à Stranger Things. On va en parler. Un peu l'événement de l'été dont on va reparler. Alors pour parler un peu des événements de l'été, je pense que le plus gros événement de l'été, alors vous allez peut-être me contredire, mais c'est quand même Pokémon Go. Je ne te contredirai pas. C'est pas fou. Bah, c'était quand même le phénomène de l'été à un degré qu'on ne pouvait même pas imaginer. Moi je me rappelle quand la bêta est sortie, tout le monde disait ça ne marchera pas, c'est un peu bancal, tout ça. Et là c'est un truc, c'était. C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est un des plus gros, je pense, un des plus gros lancements de l'histoire du jeu vidéo. Je pense que certains l'ont qualifié de game changer. Ouais, ça a été le jeu, je crois, le jeu vidéo mobile le plus rentable, le plus rapidement de toute l'histoire, ouais. Devant les Candy Crush et autres choses de King et de sur de boîte. Bah, on peut parler chiffres. Hein. Hier, j'ai regardé un peu à date. Hein. Alors, je ne sais pas si tous les chiffres sont exacts au moment où je vous parle là, mais ça serait surtout début septembre. C'est 500 millions de téléchargements. 500 millions de dollars de chiffre d'affaires monde en dépenses consommateurs. Et tout ça, tu disais, ouais, c'est le plus rapide, 60 jours. En 60 jours, il a atteint les 500 millions. Candy Crush avait mis 200 jours. C'est ça, ouais. Donc c'était un peu un des derniers gros phénomènes Candy Crush du mobile. Et voilà, mais c'était déjà un gros, gros phénomène. Là, c'est carrément, je crois que c'était 3, ça doit faire 3,3 fois plus rapide. Ouais, donc c'est juste énorme, c'est sans précédent, c'est jamais vu. Effectivement, on pourrait presque parler de game changer, puisque, bon, après, sur un plan, on va pas rentrer dans les débats, mais ce genre de choses a eu des impacts même sur Sony, sur la façon dont ils vont considérer les applis. Ils ont fait des déclarations stratégiques, par exemple, Sony a décidé qu'ils allaient peut-être se mettre davantage dans l'économie des applications mobiles. On sait que Nintendo était déjà engagé dessus, c'est très bon pour Nintendo. Il y a eu des événements liés notamment au cours de bourse de Nintendo avec Niantic. Ouais, parce qu'on va préciser, c'est un jeu qui est développé par Niantic. Ouais. Qui avait fait Ingress, qui était leur précédent jeu qui utilisait un peu le même système De Pokéstop, enfin les stops. Ouais, voilà, d'endroits où tu peux te localiser, d'endroits avec des points d'intérêt, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc c'est partagé avec la Pokémon Company et avec Nintendo qui détient la Pokémon Company. Donc en gros, pour faire simple, Nintendo, ils ne sont pas du tout engagés dedans. Mais ils ont quand même des revenus qui sont de l'ordre de 10% sur ce qui est touché. Donc un peu sans rien faire. Et ça a aussi eu des répercussions sur les jeux Pokémon. Parce que les jeux Pokémon ont eu une explosion, les jeux Pokémon notamment sur 3DS, ont connu une explosion des ventes grâce au phénomène Pokémon. Ce qui est logique un petit peu. Hein, quand on voit un phénomène de telle ampleur, on peut s'attendre à ce que les gens commencent à s'y intéresser. Moi, ce que je trouve plutôt positif, le jeu en lui-même, Pokémon Go, tu vas sûrement peut-être nous en parler de ton expérience, de ton retour. Mais... Après, il y a deux choses. La dernière chose sur le côté phénomène, c'est aussi tous les médias qu'il y a eu derrière. Je pense que tous les médias en ont parlé. N'importe où, les journaux, tout le monde connaissait. Moi, je ne sais pas, c'était un sujet. Les députés, les choses comme ça se sont. Il y a eu des affaires autour. Alors, je sais que toi, Dim, tu n'es pas très porté sur ce que peut faire Nintendo, même là, si c'est un peu différent. Mais je pense que tu ne peux pas y échapper, en fait. Bah, disons que moi, ça me fait complètement halluciner cet été. C'est même au boulot où je travaille vraiment dans un milieu, mais clairement pas du tout geek, avec des gens qui connaissent rien du tout, on va dire, à la culture geek. Et des gens, on va dire, de 50, 55 ans, voire 60 ans, qui parlaient de Pokémon, tout le monde parlait que de ça. Mon lieu de travail, c'est un Pokéstop aussi, donc j'avais des gens un peu tournés autour avec leur téléphone. C'était assez hallucinant. Aussi, je me baladais sur Nancy, au parc de la Pépinière, hein, pour ceux qui connaissent, et je voyais, je pense, facilement 60-70% des gens avec leur téléphone en train de jouer un dimanche dans le parc. Et là, tu te dis que c'est vraiment un phénomène complètement fou. Quoi. Assez hallucinant ces images. Hein. D'ailleurs, je fais un petit aparté là-dessus, de se balader. Parce que moi, j'ai été aussi impacté par le phénomène. J'ai pris l'appli. Alors là, je ne l'ai plus, je crois. Je l'ai désinstallé. J'ai pris l'appli. J'ai notamment joué avec ma fille. Bon, je suis allé que niveau 5, donc on a assez vite abandonné. Mais c'est vrai que les scènes que ça a généré, comme tu dis, Dim, sont assez impressionnantes, presque perturbantes de voir dans des parcs presque des foules entières qui sont rivées sur leur téléphone. Bon, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir dans la rue. Ouais. Maintenant, dans les parcs, ils sont tous groupés autour du même endroit, du Pokéstop, etc. Je dois avoir 3 Pokéstop dans ma rue, juste en bas, là. Donc, je voyais sans arrêt des gens. Alors après, c'est sympa parce que quand tu fais partie du groupe, on va dire, ça crée une connivence avec les gens. Je voyais très bien les jeunes qui passaient, on se parlait, on se saluait de la tête parce qu'on cherchait le même Pokémon, on était à la même arène. Maintenant, j'imagine que pour ceux qui restaient exclus, alors ils n'étaient pas nombreux, mais ceux qui n'étaient pas dans le délire de Pokémon Go, ça a dû être un phénomène un peu impressionnant. Et impressionnant, on se sent exclu. On voit tout le monde sur son téléphone, la tête baissée dans un parc et plus du tout à se promener ou ce genre de choses. Ah bah ouais, quand tu vois ça, on va dire, au loin, sans y jouer... Ouais, c'était assez marrant, c'est spécial. c'est spécial. Toi, Dim, tu t'y as pas joué ? Si, je l'ai téléchargé. Alors, pour la petite histoire, j'ai chopé 3 Pokémon. Et ensuite, je me suis tapé un gros bug. Et j'ai vu, il fallait désinstaller le jeu, enlever la carte SIM. Enfin bref, ça m'a saoulé. De toute façon, j'y jouais pas, donc j'ai laissé tomber. Ouais, bah effectivement, je crois que ça a été l'expérience de pas mal de gens. Il y a eu pas mal de désinstallations dernièrement. Je pense que voilà, la mode est un peu en train de retomber, même si les chiffres sont encore assez, assez élevés. Il faut relativiser c'est ça. C'est ce qu'il faut dire, c'est que forcément, quand tu es sur un tel phénomène, au bout d'un moment, bah, tu touches un espèce de plafond. Et les gens qui l'ont installé un peu par hype, parce que tout le monde en parlait, tu vois, des gens qui n'étaient pas du tout, qui pas du tout portés sur le truc ou qui ne vont même pas y jouer, ils l'ont juste installé pour voir ce que c'était. Je pense qu'il y a un phénomène où on veut tester ce que c'est. Et après, forcément, il y a une retombée quand. Donc là, on parle de 20%. Par contre, au niveau de ce que ça génère d'argent, ça génère toujours autant d'argent et ça pourrait être encore plus parce que maintenant ils vont lancer les partenariats, notamment au Japon avec les McDonald's. Là, ils vont faire une rentrée d'argent parce que c'est pas une application qui est très intrusive au niveau du micro-paiement. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire le jeu sans payer. Oui, ça sollicite pas même. C'est presque pas difficile à trouver. Voilà, mais moi, au début, je me suis demandé mais comment ils gagnent de l'argent et j'avais pas compris qu'on pouvait acheter des potions ou je sais plus ce qu'on peut acheter. Alors, tu peux acheter par exemple des Pokéballs. Voilà, des Pokéballs. C'est-à-dire que moi, j'ai été obligé d'acheter des choses parce que je me trouvais. J'étais entre Paris et la campagne. Et le problème c'est de Pokémon Go, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre entre Paris et la campagne, ou entre les grandes villes, on va dire, et la campagne. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais à un endroit, il y avait zéro Pokémon, zéro Pokéstop, donc j'étais obligé en fait d'utiliser des encens pour faire venir des Pokémon comme ça. Ah, j'étais avec ma fille, moi aussi j'avais téléchargé pour ma fille. Donc quand tu te balades dans un endroit et qu'il n'y a pas de Pokémon, c'est un peu dommage pour ta vie. Tu peux en faire venir en payant en fait. Voilà, d'accord. Donc non, en fait, le truc c'est qu'après, on n'avait pas de Pokéstop, donc on n'avait plus de Pokéball. Donc forcément, j'ai dû acheter des Pokéballs. Ah putain. Donc ça m'a coûté, je sais plus, 1,98€ les 40 Pokéballs. C'est un peu les boules parce qu'effectivement, ici, tu descends dans la rue, j'ai au moins 10 Pokéstop dans le quartier. Même à Paris, même proche banlieue, c'est assez dingue quoi. Il y en a partout. Donc, moi, je suis niveau 15, voilà. Waouh, t'es quand même pas mal. Félicitations. Bravo. J'ai quand même pas mal de Pokémon, j'ai fait des photos et tout. C'est un beau but dans la vie que tu as atteint. Tu vois, j'ai été assez étonné finalement du mépris qu'il y avait pour le jeu, par exemple, notamment dans la communauté des joueurs. Je parle de la communauté des joueurs, notamment les forums, quand tu vas sur des forums de jeux vidéo. J'avais un peu l'impression qu'il y avait le même mépris de ces gens-là de la part de gens qui parlent de jeux vidéo. Tu vois, des fois, on entend le grand public qui parle de jeux vidéo, les médias. On a eu des déclarations à l'époque de Nagui, de leur Manoudou, qui disaient « Ah, c'est des trucs à la con, ils restent enfermés devant leur écran, ils sortent jamais voir la vraie vie. » Tu vois, on a un peu ces trucs-là. Et là, j'avais l'impression que ces gens qui étaient pris pour cible à cette époque-là se retournaient contre Pokémon Go en disant « c'est parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de mouvements de foule, on a vu beaucoup de gens. » C'était des images impressionnantes, il faut le dire. C'était des trucs changés, un peu moutonnant, quoi, presque. C'est sûr, il y avait une image un peu étrange. Comme je te disais, tout le monde les yeux baissés sur son portable dans un parc. C'est une image qui peut étonner quand on n'est pas habitué et du coup ça a généré des réactions finalement. Sauf que moi quand j'y jouais, on croisait des gens, comme tu disais, des gens qui étaient près des arènes, on disait t'es quel je sais pas, t'as choisi quel je sais pas comment on appelle ça, les couleurs, t'as jaune, rouge, bleu. Ouais, c'est ça. Et tu vois, finalement ça créait quand même un lien social. Tu marchais aussi, ça c'est quand même une donnée importante qui a été pas mal mise en avant. L'application en soi, enfin moi j'avais trouvé que c'était plutôt réussi au niveau de l'interface visuelle, on va dire, quand tu captures un Pokémon, en tout cas quand tu essaies de capturer un Pokémon, le côté réalité augmentée était hyper, plutôt bien fait. Je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai téléchargé. Honnêtement, la première fois que j'ai attrapé un Pokémon, et il était posé sur un arbre ou je sais plus quoi, sur un banc, c'était bien fait. C'était vraiment bien fait. Après, ma fille se demandait où il était vraiment, elle ne comprenait pas. Il y avait le côté, ça l'a vraiment bluffé. Non, je pense qu'il y a eu des choses positives. Je trouve que le jeu, en termes de mécanique de jeu, si on reste pour parler jeux vidéo, c'est très très limité. Par contre, pour moi, c'est vraiment un jeu de collection. C'est-à-dire, c'est un jeu style, tu vois, je compare ça à un Herbier ou des figurines Panini, tu vas vraiment chercher, tiens, est-ce que je vais avoir le. Et à quel endroit il se trouve, mais en grandeur nature. Et voilà. Et alors, après, je me demandais finalement pourquoi ça a marché. Est-ce que c'est Pokémon ? Est-ce que c'est la réalité augmentée ? Est-ce que finalement c'est la combinaison des deux ? Parce que Pokémon, c'est une licence qui est toujours très très forte au niveau jeu vidéo, mais qui au niveau grand public, qui est peut-être un peu moins sur le devant de la scène avant Pokémon Go. Ouais. Ça marche toujours très bien Pokémon. Je pense qu'après le grand public, même de nom, connaissait Pokémon. Ouais. Tu vois, genre Pikachu, Pokémon, les deux noms, les deux mots sont connus. J'ai envie de dire même par mes parents ou ce genre de choses, on va dire les personnes qui s'intéressent pas du tout à ce milieu, comme les collègues de Dimitri dont il nous a parlé, Non mais les gens qui sont pas touchés d'habitude par la culture geek, le mot Pokémon ils connaissent, limite Pikachu ils connaissent, comme Mario, comme voilà. Du coup tu dis il y a cette appli là qui arrive et en plus effectivement je pense que la réalité augmentée a beaucoup joué. Les ingrédients étaient là. Bon, après, un tel succès. Après, on verra bien aussi si c'est dû à la licence ou juste au jeu en lui-même, parce que je pense, je sais pas, peut-être que vous avez des news là-dessus ou quoi, mais je suis quasiment sûr qu'il y a d'autres studios qui vont faire des jeux similaires avec d'autres licences. C'est sûr que ça. C'est tellement énorme. Moi, j'avais entendu, mais une rumeur très très lointaine, comme quoi ils voulaient faire un Star Wars Go, par exemple, mais bon. Je sais Star pas trop Wars, quoi, mais vous attrapez des Ewoks. Des rancors. Ouais. Là, tu vois, c'était la rencontre parfaite. C'est-à-dire que le principe vraiment de Pokémon, c'est de les attraper. Là, de le mettre dans une forme de réalité augmentée. Enfin, c'est en fait, c'est ça match parfaitement. Ah, le fond et la forme. Le fond et la forme étaient parfaits. C'était typique en un jeu de l'été aussi, parce que après ça, on peut en parler de la suite. Est-ce qu'il y a un futur pour Pokémon Go au-delà du phénomène de mode, puisque beaucoup disent, bah voilà, quand il va faire froid, est-ce que les gens vont avoir envie de se cogner 3 km à pied pour aller chercher un carapuce spécial. J'avais pas pensé à ça, mais c'est pas faux. Ouais. Finalement, c'est quand même un jeu de l'été, t'es dans les parcs, tu les attrapes dans les parcs, t'es avec tes enfants, il y a un truc un peu intergénérationnel, tu vois. Finalement, depuis un peu le phénomène, même Candy Crush était un peu plus un jeu solo. Moi, je compare ça un peu au phénomène Wii, où finalement, t'as rejoint derrière un écran plusieurs générations de joueurs qui venaient s'y essayer. Là, je trouve que c'est un peu pareil, mais est-ce que ça va passer le cap de... Le problème de ce genre de phénomène, c'est que de toute façon, ils sont forcément limités dans le temps. Même la Wii a eu un succès très fort et qui n'a pas duré si longtemps que ça. Une fois que les gens se sont lassés de Wii Sport à l'époque, c'était quasiment terminé. On parle de quelques mois. Je pense que Pokémon va suivre un peu la même dynamique et quelques mois de succès. C'est peut-être même encore plus rapide, vu le nombre d'utilisateurs qui sont partis. Ouais, mais ça, c'est logique. Je pense que il y a des analyses qu'on fait. Moi, j'ai vu beaucoup d'articles. Ouais, c'est la fin du phénomène. Alors, si tu prends les chiffres, finalement, des applications gratuites, c'est déjà... ça reste un phénomène, même encore maintenant, dans le nombre de dollars qui sont générés par jour et dans le nombre d'utilisateurs. Et même, par exemple, en termes de temps d'utilisation, je voyais aux États-Unis, c'est 32 minutes en moyenne d'utilisation de Pokémon Go par jour. C'est énorme. Ce qui est énorme. Ça va sûrement descendre parce que même moi, par exemple, j'utilise beaucoup moins. C'est-à-dire que pendant l'été, quand je faisais le trajet pour aller travailler, j'en attrapais. Quand j'étais avec ma fille, là, c'est un peu, on ouvre moins l'appli quand même. Oui, c'est ça. Surtout qu'on a toujours des roucoules et des ratatas. Donc, normalement, t'en as marre. Comment ça me fait chier ça, les roucoules. T'as les ratatas, j'en ai 55. À Paris, t'as que des pigeons et des rats. En même temps, c'est bien. c'est quand même bien observé. Et dernière chose que je voulais dire, c'est, et finalement, est-ce que c'est pas aussi le triomphe de la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle? Alors, complètement. Soit par contre, d'un point de vue techno, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est que. C'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà, c'est clair, mais tu vois pas encore des masses de gens avec leur Samsung Gear VR, même chez eux. L'aller sortir dans la rue, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Mais justement, là, ça a montré un des avantages de la réalité augmentée, comparativement à la réalité virtuelle, c'est que la réalité augmentée, on peut la sortir dans la rue. Ouais. On peut elle la mettre partout. Elle n'est pas excluante. On peut la mettre partout, géographiquement parlant, c'est faisable. Et effectivement, on peut créer du lien social, même avec de la réalité augmentée. On peut se parler parce qu'on voit quelqu'un qui fait la même application de réalité augmentée que nous, ce qui serait très très compliqué avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Du coup, là, clairement, ce genre de choses, je me suis dit, c'est une très bonne nouvelle pour Microsoft et son HoloLens, par exemple, qui ont misé clairement sur la réalité augmentée, même s'ils appellent ça la réalité holographique, ou je ne sais plus comment ils appellent ça exactement, mais et beaucoup moins pour tous les cas de réalité virtuelle. En fait, ça a beaucoup segmenté les deux marchés, je trouve. Clairement, maintenant, les gens vont comprendre que ce n'est plus du tout la même chose, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et que la réalité virtuelle, c'est plutôt à domicile, et la réalité augmentée, c'est potentiellement partout. Et c'est bien ce qu'a montré Pokémon Go, et avec un succès qui est assez impressionnant. Ouais, c'est peut-être le grand gagnant aussi avec Niantic qui a pu récupérer toutes les données. Et les... Alors, bah, par exemple, il y a toute une polémique. Hein. Moi, je sais que je suis pas très porté sur les grandes théories du complot, et finalement, je me dis mes données elles sont pas grande importance, on va dire. Mais je comprends les gens qui sont complètement attachés à leur vie privée. C'était sûr qu'il y aurait surtout que on connaît un peu le passé de Niantic. Hein. Enfin, le PDG de Niantic a eu pas mal de problèmes. Ah ouais. Je savais pas ça. Vous pouvez lire, il y a pas mal d'articles sur ça qui sont parus sur les sites. Non, il y a eu un truc, notamment, il y a eu une enquête, je crois, de la CIA. Il y a des choses comme ça. Moi, c'est pas quelque chose, je me dis, mes données, finalement, tout ce qui est privé, maintenant, ça devient un peu public, et j'ai pas non plus des données hyper confidentielles, sensible. Et je suis pas tellement à protéger mes données, mais je connais des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas du tout envie, et c'est vrai que c'est aussi un problème. C'était juste pour faire une petite aparté et en parler. Ça sortait un peu dans le cadre de l'été. Après, je sais pas, tu veux un autre phénomène? Je sais pas si tu voulais nous parler des blockbusters ou des séries de l'été. Souvent, c'est vrai qu'on l'a dit en début, en introduction, l'été est assimilé aux blockbusters, gros films. Ouais, on peut parler de ça. Moi, j'en ai vu aucun, donc je vais plutôt vous laisser la parole. Donc. Bon, Dim, je sais que toi, tu es en général assez consommateur. Comme moi, je suis assez friand des blockbusters, et pourtant, en général, je les aime pas trop. Mais je vais tous les étés les voir. Je les attends. C'est la petite tradition. Et puis, moi, j'aime bien après me choisir un peu le blockbuster de l'été, tu vois. Alors. Dim, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'était un peu dur en choisir un. Là, mais... c'est apparemment, c'était pas une très bonne saison des blockbusters de l'été. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Non, pas du tout, quoi. Déjà, en juillet, on avait quasiment rien. Alors, c'était peut-être aussi du fait qu'il y avait l'Euro, après les JO et tout. Tout est arrivé un peu au même moment. Et puis, la qualité dessus est pas forcément. Si vous voulez, je peux commencer par déjà un petit film du lourd. Ouais, vas-y, qu'est-ce que t'as vu dans les blockbusters? Donc, Indépendance des deux. Ah oui, là, c'est vrai qu'il y avait celui-là. celui-là, je commence peut-être même par le pire, parce que c'est vraiment pour moi peut-être le pire blockbuster de l'été. Pourtant, le début était assez sympa, assez prometteur. Ça commence par une uchronie, donc ça se termine, ça commence vraiment, on va dire, par rapport aux événements du premier. C'est-à-dire, les humains utilisent les technologies des aliens depuis 96, donc c'est un 2016 modifié où il y a plus de guerre entre les humains, tout le monde s'entraide et donc il y a vraiment une plus grosse technologie que par rapport à nous. Et ensuite, donc voilà, ouais, 20 premières minutes assez intéressantes, puis ensuite après c'est vraiment la catastrophe, ça veut vraiment plus rien dire, c'est une baston spatiale qui ressemble à une bouillie d'effets spéciaux numériques toute pourrie, quoi. C'est vraiment différent, on va dire, du premier de 96, où bon, bah, après il est stylé, hein, il est con comme la lune le film, mais disons qu'au niveau des effets spéciaux, je l'avais revu juste avant de voir celui-là, et j'étais vraiment surpris, je crois que je l'avais pas revu depuis le ciné. Et les effets spéciaux, ils étaient super, quoi, à l'époque. Enfin, il y avait pas mal de maquettes et tout, ça a super bien vieilli. Alors que là, à mon avis, ça va être dans 5-6 ans, ça va être irregardable. Et aussi, enfin, vraiment, le gros défaut, c'est les acteurs qui jouent la relève. Ils sont vraiment, mais tous nuls, enfin, plus nuls les uns que les autres. C'est le frère de Chris Hemsworth, là, ou je sais plus quoi, l'acteur principal, ouais, là-dedans. Ouais, non, lui, faut qu'il arrête, quoi, je sais pas. Faut qu'il arrête. arrête. Mais... écoute, on a appelé ton agent. Pizza pour Pizza Hut, ou je sais pas, mais qu'il fasse plus de ciné, quoi. Ah ouais, c'est à ce point-là. Je le laisse tranquille. Bon, c'est vrai que L'actrice qui jouait dans It Follows, que j'avais trouvé vraiment super bonne actrice dans It Follows, mais ouais, là, elle est bien, non, ouais. Ah ouais, non, mais là, enfin, à mon avis, elle cachetonne, quoi. Elle a juste été chercher son chèque et basta, quoi. Donc, toi, Greg, je sais pas si tu l'as vu. Si non, Indépendance. J'avoue qu'il me tentait pas mal, mais je crois qu'il est même pas resté très longtemps à l'affiche. Je voulais aller le voir, voilà, pour le côté de délire. Mais genre, moi, je voulais aller le voir à Cinécité ou je sais plus. Enfin, voilà, un de ceux de Paris, et il est resté genre 2 semaines à l'affiche, quoi. C'est une catastrophe, ce truc. Il a pas du tout fait d'entrée. Donc je suis pas trop étonné qu'il ait pas hyper bien marché. J'ai vu d'autres films, on va dire, un peu gros blockbusters, notamment Suicide Squad et Star Trek de mon côté. Le fameux Suicide Squad. Alors ouais, c'était un peu le film, on va dire, c'était le blockbuster de l'été. C'était peut-être le plus gros, celui sur lequel en tout cas on a eu le plus d'articles, ouais. Plus de retombées, de préparation, de marketing, etc. Avec Ghostbusters aussi, mais pour une autre avec raison. Avec Ghostbusters. Je sais pas, moi pour dire mon avis, après on entendra peut-être celui de Dim, mais Suicide Squad, j'ai pas aimé, clairement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après, j'ai pas trouvé non plus que ça méritait l'espèce de bâchage qu'il y avait eu, qui était absolument, enfin voilà, qui était terrible. Parce qu'en gros, à partir du moment où c'est sorti, on a vu des scores terribles sur Rotten Tomatoes, machin, etc. Enfin voilà, ça a été catastrophique sur Metacritic. Et les critiques, on va dire, écrites dans le web français ou dans la presse française étaient d'une violence assez hallucinante. Ouais. Du coup, c'est vrai que je m'étais vraiment préparé à souffrir. Je m'attendais vraiment à une merde absolue. Et peut-être quand on s'attend au pire, on est plutôt en général agréablement surpris. C'est toujours comme ça. Hein. Voilà, et du coup, je me suis dit que globalement, finalement, ça allait. Bon, voilà, c'est pas un bon film, mais je m'attendais à tellement pire. Et par exemple, j'ai trouvé que Batman vs Superman était largement pire que Suicide Squad. Donc après, ça, c'est mon avis, notamment pour Margot Robbie, c'est ça son nom, celle qui interprète. Ouais. J'ai oublié le nom du personnage, mais voilà. Harley Quinn, merci. Où j'ai trouvé qu'elle était super juste et qu'elle faisait vraiment un bon boulot et du coup qui soutenait vraiment le film. J'ai vraiment, vraiment apprécié sa prestation. Ouais, je l'ai trouvé quand même pas terrible, mais moins mauvais que ce qu'on pouvait attendre. Je sais pas pour toi, Dim, ce que t'en as pensé de Suicide Squad. Bah, moi, c'était forcément aussi une déception. J'attendais quand même pas mal le film, hein, même si je me doutais que ça allait être un peu con, mais que ça allait être quand même plus ou moins cool à mater. Après, bon, je vais pas m'étendre non plus sur le montage qui était catastrophique, mais bon, c'est quand même une des rares fois où j'ai vraiment senti que le montage était vraiment fait à l'arrache, où ouais. Ils avaient quand même rajouté de l'humour pour rendre ça un peu plus cool, un peu plus à la Marvel. Quand tu regardes le tout premier trailer qui était sorti au Comic-Con de 2015, mais c'était pas du tout la même ambiance. Non, c'était hyper noir, ouais. Là, c'était beaucoup plus léger. Et même le rythme du film, il y a quand même un gros souci, quoi. Le début, il est ultra speed, avec des présentations des persos un peu à façon jeu vidéo, avec leurs caractéristiques et tout. C'est assez fun, c'est même, je pense, ce que j'ai préféré du film. Mais c'est quand même limite un peu fatigant, quoi. Il y a un flot continu de musique archi connu qui est placé à limite un peu de façon random comme ça. Je sais pas, moi, c'est comme si un mec de la production s'était fait une compile de Zik Cool. Mais ouais, ouais. Bah alors ça m'a étonné parce que. Dans le film, tu vois. Ouais, la Zik, c'est un point vraiment qui m'a étonné. Au début, j'étais quand même agréablement surpris parce qu'on va dire que la playlist est plutôt, je trouve, de qualité. Tu vois, les musiques choisies, je me disais souvent, ah putain, c'est bien qu'ils aient mis ce morceau et tout ça. Mais au bout d'un moment, je me suis quand même dit, au bout de 35 minutes dans le film, je me suis dit, mais il n'y a pas eu un seul moment avec du silence, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une musique de fond, quoi. Après, au niveau des musiques, même, je trouve qu'ils n'ont pas pris trop de risques. Non, c'est du gros tube. Ultra connu. Ouais, voilà. On a reproché aussi au film d'être un peu un sous-Gardien de la Galaxie. Bah, justement, ça utilise aussi des musiques de Gardien de la Galaxie. Non, c'est parce que c'est quoi les musiques Moi, j'ai pas vu le film, donc pour donner un exemple. Je crois qu'il y a du Bowie, il y a des Rolling Stones, mais tu as aussi des trucs plus récents. Il y a Kanye West, il y a Eminem. C'est pas intégré comme dans les Gardiens de la Galaxie où la musique a un gros rôle puisque il a son baladeur à cassette. Tu vois que t'as un mec qui te tape sur l'épaule non-stop et en train de te dire regarde, alors, écoute, j'ai des bons goûts musicaux. C'est ça. Regarde, je te mets du Queen. Après voilà, c'est des bons morceaux donc t'es content de les entendre. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup quoi. On est jamais content d'entendre Queen quand même, non. Ça va, ça peut passer. Ça peut passer. Il a eu 70 ans, Freddie Mercury d'ailleurs pour l'info. Il les a pas eu. Ce que je disais aussi par rapport au film, donc voilà, ouais, le début il fait très très Marvel, j'ai trouvé. Et après, voilà, c'est le problème au niveau du film, au niveau du rythme, c'est qu'au milieu, on va dire, la mission de la Suicide Squad commence, et là, franchement, le film il devient hyper mou, et bizarrement, là, il n'y a plus du tout de musique. Alors, franchement, là-dessus, pareil, j'ai vraiment pas compris, j'ai l'impression en fait d'avoir vu deux films en un, quoi. Un film assez fun et sympa, un petit peu lourd, et puis l'autre, Tu résumes bien les choses, je trouve. Ouais, ça fait un peu un film schizophrène où tu as l'impression qu'il a deux personnalités et tu sens qu'ils ont essayé de rajouter une autre personnalité, un peu de force. Quand ils l'ont bien dit, hein, qu'ils avaient retourné des éléments pour rajouter du comique, qu'ils ont remonté le film une deuxième fois pour ajouter du comique suite aux critiques qui avaient été faites à Batman versus Superman. Le problème, c'est qu'on le sent, en fait. C'est un peu ça son problème à ce film, c'est qu'on le sent. La deuxième moitié, elle est vraiment catastrophique, quoi, face à un vide ultime. En plus, sans spoiler, les méchants du film en image de synthèse, mais c'est juste pas possible. Quoi. En 2016, je pensais pas encore voir ça. C'était juste horrible. C'est mal fait, ouais. C'est clairement mal fait. Bon, du coup. Oh, après, moi, pour revenir encore deux secondes, j'ai encore aimé quand même quelques passages et clins d'œil qui sont quand même assez sympas pour les fans de comics. Et comme tu disais, Harley Quinn, l'actrice, elle joue vraiment bien. Moi, j'ai moins aimé Deadshot parce que, bon, c'est pas Deadshot, c'est Will Smith. Donc voilà. Ça m'a vraiment un peu. C'est vrai qu'il y a Will Smith dedans qui est. Il a eu un rôle important dans le film. En fait, c'est le rôle principal, en fait, hein, concrètement. Ouais. Il y a aussi, ça, on a tendance à l'oublier, le Joker. Sûrement sa plus courte apparition dans un film. C'est un peu l'élément honteux du film. Hein. C'est quand même qu'ils ont mis vachement le Joker en avance. Pas honteux, c'est que j'ai même pas envie de le critiquer. On le voit tellement peu que voilà, je peux même pas dire s'il est bon ou pas. En tout cas, c'est décevant de le voir aussi peu par rapport à ce qu'ils nous en avaient annoncé, quoi. Il y a plein d'autres persos qui sont quand même assez intéressants, comme Katana, Killer Croc, qu'on voit pas du tout. Enfin, dans les comics, ils sont assez cool. Là, on les voit jamais. Je pense que quelqu'un qui ne lit pas du tout de comics, il doit être complètement largué, quoi. Par contre, la dernière petite chose que je voulais dire sur le film, et là, par contre, le film, il marque un très, très gros point, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé un film dans lequel j'ai pu apprécier Jay Courtney. Acteur minable qui jouait dans Terminator Genesis ou Die Hard 5. Mais là, en fait, je pense parce qu'il jouait vraiment son propre rôle, c'est-à-dire un gros beauf qui boit des 8-6 au lieu de se battre, qui raconte des grosses blagues bien vaseuses. Enfin bref, il était parfait dans ce film. Bah écoute, ça conclura ce qu'on peut peut-être dire sur Suicide Squad, qui était donc un autre blockbuster décevant de cet été avec déjà Independence Day. Et je crois que tu as aussi vu, moi j'avais mentionné, mais on va passer beaucoup plus rapidement peut-être sur Star Trek. Sur lequel je reviendrai pas longtemps, à part pour dire que pour le coup ça a été également pas une déception parce que j'en attendais pas grand chose non plus. J'avais pas forcément accroché plus que ça au premier, mais là bon voilà, je trouve que c'est de pire en pire. Il y a rien d'intéressant dans le film, j'ai trouvé. Moi je suis pas d'accord avec toi. C'est clair que c'est pas le film du siècle, mais c'est là aussi que ça démontre que c'était quand même un été aussi assez triste parce que niveau blockbuster US, c'est quand même clairement celui que j'ai préféré. Ouais, bah c'est triste. C'est peut-être même celui que j'ai préféré de la nouvelle trilogie. J'ai pas vu les anciens et tout. Bon, je vais corriger le tir avec Netflix, ça vient d'arriver. Ouais. Et j'ai trouvé que le film était plus posé que les deux autres, avec un peu plus d'interaction entre les persos. Il prenait plus le temps d'avoir des dialogues et tout. Ce qui peut, à mon avis, peut-être ressembler à la série originale qui avait moins de moyens. Et en parlant aussi de la série d'origine, je trouve qu'il y avait un hommage à Leonard Nimoy qui était plutôt bien trouvé, je dirais même presque émouvant. Et bon, après, il y a quand même des défauts. Le scénario, il se calque pas mal sur le film précédent en remplaçant Benedict Cumberbatch par Idris Elba. Mais comme j'en discutais avec notre ami Chaud, l'auditeur, c'est peut-être pas non plus un grand film, mais ça reste un bon film d'aventure et de science-fiction classique, bien foutu. Et ces temps-ci, ça reste quand même une certaine qualité, quoi, vu le nombre de films qui étaient charcutés au montage. Donc moi, je l'ai pas trouvé si décevant que ça, quoi. Ouais. Et t'en as vu un dernier je crois que t'es le seul à avoir vu dans l'équipe Upcast, c'est Ghostbusters. Je sais pas si tu l'as vu. C'est celui-là qui me faisait le plus envie parce que c'est Paul Feig. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, et c'est surtout Melissa McCarthy et Kristen Wiig. Kristen Wiig, ouais, qui est une. Voilà, moi j'aimais beaucoup. Enfin, cool. Mes meilleurs amis, c'était déjà très très bien. Paul Feig, il a fait d'autres films aussi, toujours avec Melissa McCarthy. Donc j'attendais beaucoup. Alors, il y a eu un gros bashing autour du film. Ouais. Parce que quand tu touches à Ghostbusters, c'est un peu le truc sacré. C'est comme s'il y avait un remake de Retour à le futur. On serait les premiers à hurler. Moi, je suis pas un méga fan de Ghostbusters, mais voilà. Non, mais il y avait des choses qui avaient été faites dans les bandes annonces, qui avaient été peut-être un petit peu maladroites, mais c'est vrai que les gens s'en sont emparés sur le net. Et ben, on connaît le net, hein, et Reddit et ce genre de trucs. Quand ils commencent à s'enflammer sur un film, en général, ça va très loin. Ça tourne vite à la shitstorm. Après, c'était pourri. Je sais pas de Div Van. Et du coup, clairement, non. Le film, enfin, moi, je l'ai trouvé moyen, mais je l'ai pas trouvé non plus nul à chier, quoi. C'est vraiment une copie un peu fade de l'original. C'est ça son gros défaut. Je pense que le film, il a vraiment pas été fait pour nous, on va dire, les fans de la série d'origine. C'est vraiment fait pour un nouveau public. Alors après, malheureusement, mon cher Julien, je vais te décevoir, mais les deux actrices que tu as citées, je trouve qu'elles étaient quand même pas mal en retrait dans le film. Ouais. C'était plus, on va dire, ils ont plus mis en avant Kate McKinnon. Vous savez, c'est la blonde avec les grosses lunettes, ouais, qui a un rôle bien, bien loufoque. Elle est vraiment marrante pour le coup. Et surtout, une grosse mention spéciale à Chris Hemsworth, qui est vraiment, que ses meilleurs rôles, c'est en fait quand il est dans la comédie, qui fait un peu le débile beau gosse. C'est vraiment, il a les meilleures scènes, même s'il y a quelques traits d'humour vraiment poussifs, du style « Oh, je m'appelle Kevin, mais avec une musculature pareille, j'aurais pu m'appeler Thor » ou des choses comme ça, tu vois. Waouh, c'est fin. c'est un peu attendu. C'est quand même, il est quand même vraiment marrant, et juste pour justifier ça, cet été au Comic-Con pour Thor Ragnarok, ils ont fait un petit film où ils montraient ce que faisait Thor pendant Civil War, et rien que ça, c'était ça hyper prouve drôle. Le talent de comique de Chris Hemsworth. Mais bon, après, j'étais quand même vraiment déçu par la réalisation, qui est vraiment plate, et surtout qu'avec les moyens d'aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu faire vraiment des trucs assez dingues avec cette licence. Donc bon, ça reste un film assez inoffensif, et surtout plus pour les nouvelles générations que pour nous, qu'on n'aura qu'à se contenter des deux films des années 80, on va dire. Ce qui est déjà pas mal, François. Ce qui est déjà pas mal. Peut-être, j'ai vu qu'on avait en commun sur les listes, juste Dim, je finirai peut-être là-dessus sur le ciné. Peut-être une bonne surprise. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était une bonne surprise. C'était pas vraiment un blockbuster, mais c'est Busan, le dernier train pour Busan. Ou je sais pas si ça se prononce. Busan, voilà. Moi, c'est également un peu sud-coréen. Film sud-coréen de l'été. Nord-coréen ou sud-coréen ? C'est sud-coréen. D'accord. Et c'est un peu mon film de l'été, et justement, bon, ce qui en révèle beaucoup sur l'été, c'est-à-dire que c'est un film que j'avais pas vraiment entendu parler à part à Cannes, où il a eu un petit prix, je crois, il faisait partie de la sélection d'un certain regard ou de la caméra d'or ou un truc comme ça, et j'en avais pas entendu à part ça, et dit, mais un jour, m'a envoyé un texto en disant, tiens, j'ai vu un dernier train pour Busan, c'est vraiment pas mal, va le voir. J'en avais vraiment jamais entendu parler, j'ai même pas vu la bande-annonce avant d'aller le voir, donc je savais pas trop de quoi ça parlait, et honnêtement, moi, ça a été mon petit coup de cœur de l'été, le dernier train pour Busan. Je crois que toi aussi, Dim, t'as bien aimé. Ouais, clairement. Ouais. Surtout qu'en plus, moi, j'en ai vraiment marre. J'en ai ma claque des zombies. Voilà, parce que c'est un film de zombies. Vraiment redonné la foi dans le genre. Hein. Et les trains, t'en as marre des trains et des zombies. Donc là, t'étais au début, merde. Qu'est-ce que je fais là, Non, mais c'est vrai que c'est un film de zombies, ce que je savais pas forcément. Il y avait juste Dim qui me l'avait prévenu, on va dire, par texto. Mais moi, je savais pas, j'avais pas vu la bande-annonce. C'est un film de zombies, mais qui reprend en fait tous les, pas les clichés du genre, qui reprend les codes du genre et qui le fait bien. Et tout ça dans un huis clos, puisque ça se passe dans un train. C'est un peu le transpersonnage avec des zombies, mais mais avec un peu cette ça, logique du transpersonnage, c'est-à-dire assez bien faite quand même, justement. C'est un huis clos pendant quasiment tout le film, et c'est hyper bien fait, cet aspect huis clos. Il est très bien pensé, il y a des super interactions de scènes où ils doivent traverser des wagons de zombies entiers pour rejoindre des êtres chers. Ça fait très jeu vidéo, c'est exactement ça, ouais. C'est comment tu vas passer telle pièce, par quelle astuce tu vas passer telle pièce, quelle faiblesse il faut découvrir chez l'ennemi. Moi, j'ai vu Snowpiercer là, cet été. Est-ce qu'il y a aussi cette idée sociale du train, c'est-à-dire transpersonnage, ils partent de la queue du train, de l'arrière du train pour arriver à... Alors, il y a clairement une idée sociale qui n'est pas aussi clairement mise en avant que dans Transpersonnage, où voilà, c'est le principe du film. Mais là, clairement, tu as une histoire de... Chaque catégorie est représentée. Voilà, chaque personnage représente une catégorie sociale. Tu en as un qui est un SDF, il y en a un qui est un homme d'affaires, voilà, qui réussit, qui est PDG, qui tu sens qu'il ne veut pas que les autres réussissent trop, il prend la place des autres. Tu as le héros qui essaye de survivre un peu dans ce monde-là et qui combat entre ses valeurs et puis les valeurs que le monde lui impose. Et chaque personnage essaye d'incarner un peu ses propres valeurs, ce qui est plutôt la base, on va dire, de ce genre de film, mais qui est bien fait, encore une fois, qui est justement fait. Je trouvais ça plutôt bien joué et honnêtement plutôt bien mis en scène. Et ils se servent des codes du genre sans faire des clichés comme d'habitude dans beaucoup de films zombies. Très bonne surprise, quoi. Très bonne surprise. Ouais, moi, c'est intéressant votre comparatif avec Transpersonnage. Moi, j'avais pas forcément pensé, même s'il y a le train. Moi, c'était un peu plus. Moi, j'avais noté que c'était un peu World War Z et que c'était laissé pousser des couilles. c'est fin comme analyse. C'est la punchline, je la mettrai derrière la jaquette du DVD. Un World War Z avec des couilles. Upcast.fr. Ce qui est bien, justement, c'est que World War Z, il y avait énormément de moyens. Et là, le film, il n'a pas les moyens de World War Z. Il a l'intelligence de ne pas faire dans la surenchère. Ouais. C'est un World War Z aussi à l'échelle plus humaine, comme on disait. Ce qui m'a plu aussi, c'est ce qu'on parlait. On parlait aussi de la relation avec le jeu vidéo. Et moi, chaque wagon me faisait penser, on va dire, à un genre spécifique du jeu vidéo. Par exemple, la plateforme, l'infiltration, les beat'em all. Et ça, c'était vraiment hyper bien, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. C'est une bonne analyse aussi. C'est vrai que c'est très divertissant, en fait. Tu te dis, comment ils vont faire le prochain wagon? On va revoir un peu les mêmes scènes. Et en fait, non, ils trouvent toujours une nouvelle idée pour chaque wagon. Ouais. Il laisse pas de répit au spectateur, quoi. Il y a vraiment énormément de tension et d'action. Non, c'est vraiment, allez-y, quoi. C'est un peu, je pense, je peux parler au nom de nous, on peut le conseiller pour. Parle en notre nom à tous. Mais finalement, peut-être la différence avec les autres films dont on parlait, c'est qu'il y a un réalisateur derrière. On parlait aussi de Snowpiercer. Ouais. Snowpiercer, il y a un très très bon réalisateur, même un très très grand réalisateur derrière. Et c'est peut-être ce qui manque finalement quand au blockbuster de l'été, t'as l'impression que c'est des projets qui peuvent passer de main en main, qui sont réécrits 10 fois, qui sont pensés en fonction du public, en fonction des échecs, des critiques. Bah, tu parlais c'est une vision, de Batman versus Superman. Voilà, c'est toujours des films, on a l'impression, qui sont modelés, détruits, reconstruits, rafistolés. Ouais. Voilà, il y a une espèce de côté où. Ah. Voilà, on parlait des films des années 80, c'était des films qui étaient portés par des cinéastes. Quand il y avait même, on parlait de Ghostbusters, d'Indiana Jones, c'est des films où il y avait une personnalité derrière qui impulsait quelque chose. C'est vrai que c'était des mecs qui disaient. Vas-y, dis-moi. Disons que on en a déjà parlé, mais c'est un peu le problème d'aujourd'hui. C'est maintenant on n'est plus dans un cinéma de réalisateur au niveau d'Hollywood, c'est plus de cinéma de studio, parce que je pense que honnêtement, d'ailleurs, le réalisateur de Suicide Squad, il a quand même une vision des choses. Justin Lin pareil, Paul Feig pareil, mais bon, je pense qu'ils sont vraiment bouffés par les studios. Ouais, hein. C'est des films de studio. Finalement, on a le même problème avec par exemple Abrams et Star Wars. Ouais. Finalement, le cahier des charges est tellement énorme, le studio pousse tellement derrière, Disney, qu'à un moment donné, quelle liberté il peut avoir sur un film comme ça, et qu'il ne fait pas assez de parti pris. Et encore, Abrams, je pense, a une certaine liberté par rapport à beaucoup d'autres réalisateurs qui ont rien à dire. Même, par rapport à Gareth Edwards, qui n'aura pas le montage final de Rogue One. Et d'ailleurs, petit fait amusant, le monteur de Rogue One, c'est le frère du monteur de Suicide Squad. Donc je ne sais pas si c'est si ça annonce s'il a des bonnes choses. En même temps, regarde, tu vois David Guetta et son frère, c'est Patrick Guetta, celui qui fait l'éditorialiste politique. C'est vrai, c'est son demi-frère. Son demi-frère. Ah, putain, comme quoi, tu vois, je veux dire, un parent ou deux parents peuvent donner des frères totalement et diamétralement opposés. Donc on a encore de l'espoir pour On a encore de l'espoir pour Rogue Rogue One, ouais, effectivement, qui sera certainement le gros prochain film dont on parlera dans les actus d'Upcast.fr. Donc, bon, alors, s'il ne faut pas regarder des blockbusters, est-ce qu'il fallait regarder des séries cet été? Ah bah, c'est, peut-être tu vas pouvoir un peu plus nous donner ton avis. Ah non, aussi pas du à tout, toi. En fait. Toi non plus, t'as pas eu l'occasion. Je ne donne aucun avis dans ce Upcast. C'est mon parti pris. C'est un peu ce qu'on s'est dit avec Dim quand on en a parlé un petit peu en débriefant dans nos textos envoyés à travers l'été. C'est que malheureusement, c'était pas l'été du cinéma, mais par contre, on a eu peut-être un peu plus de chance au niveau de l'été des séries qui ont un peu pris le relais. Et Dim, je crois que c'est toi qui m'as dit ça. Finalement, on est dans un moment là en ce moment où on a plus de bonnes choses à voir en série et à la télé qu'au cinéma, malheureusement. Moi, malheureusement, je m'éclate plus devant ma télé qu'à l'UGC. Hein. Je m'éclate plus à la télé qu'à l'UGC. C'est un très bon slogan, encore une fois. Dim, aujourd'hui, il est en mode punchline. Qu'est-ce que tu as vu comme très bonne série, comme chose à nous conseiller cet été, Dim, puisqu'on parle série un petit peu, vous l'avez compris. Je pense qu'on va revenir sur le phénomène Stranger Things, du coup, logiquement. J'imagine que tu vas nous parler de ça. Spoiler alert, j'allais parler de ça. Ah putain, on s'y attendait pas. Ouais, Stranger Things. Oui. Ah non, on s'y attendait pas du tout. Donc tu as aimé. Donc ouais, Stranger Things, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Bon bah voilà, je suis un pur produit des années 80, donc tout ce qui est production en blin, Goonies en tête, moi j'adore. John Carpenter, Joe Dante et tout, donc voilà, bah, c'est une série qui reprend un peu le concept. Bon, c'est pas non plus l'innovation, hein, c'est pas la première à avoir fait ça. Je repense par exemple à Super 8 de J.J. Abrams, ou des choses même un peu moins connues comme Kung Fury, que vous pourrez retrouver gratuitement sur YouTube, ou un petit film australien qui était vraiment bien, qui s'appelle Turbo Kid. Donc je vais pas revenir sur l'histoire, puisque bon, je pense que tout le monde la connaît, et c'est pas vraiment, on va dire, l'histoire le plus important dans la série, c'est plus la forme. Donc pour moi, c'était vraiment l'ambiance qui prime. Bon, après aussi, l'autre point fort, c'est les acteurs. C'est vraiment aussi un plaisir de revoir Winona Ryder, grande actrice des années 80. Hein. Ouais. Tout est relié. Le shérif aussi était vraiment très très bon, et c'est un acteur, un second couteau que j'ai vu dans pas mal de films aussi. Les enfants aussi, pourtant c'est vraiment pas évident d'avoir des enfants qui jouent bien dans des séries ou dans des films, et là vraiment je trouve qu'ils étaient tous très justes et très bons. C'était hyper juste, ils m'ont fait mourir de rire, enfin voilà, leurs interactions étaient hyper bien écrites et ils jouaient avec une justesse hallucinante, ces enfants, ils sont hyper doués quoi. Donc ouais, beaucoup de choses réussies, mais toi tu l'as pas vu du tout du coup, Julien, en fait. Stranger Things. Pas du tout. D'accord, ok. Donc il te reste encore une bonne surprise à découvrir. Alors c'est vrai que peut-être le reproche que je ferai à Stranger Things, tu me diras ce que t'en penses, Dim, mais c'est peut-être un peu le menu best-of des années 80. C'est-à-dire que tu sens vraiment qu'ils en font beaucoup. C'est vraiment genre, regardez, on met des néons, regardez, on met des voitures des années 80, regardez, on met de la musique des années 80. Il y a le poster de The Thing. Enfin voilà, c'est vraiment voyant, ça quoi. C'est genre, on veut que vous aimiez notre série parce qu'on sait que vous aimez les années 80, donc on a vachement insisté dessus, et ça c'est le petit truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Je reprendrai limite ma blague sur Suicide Squad avec les musiques, là c'est pareil quoi, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tape stop sur l'épaule et en train de dire, hey, regarde, on est dans les années 80. C'est un peu ça, ouais. Regarde bien, c'est trop cool. Non, c'est vrai que mais à part ça, bon voilà, à part ce côté un peu insistant, c'est vrai que le scénario est classique sans être complètement fou, hein, il n'est pas hyper compliqué. Justement, mais je me suis demandé, parce que l'histoire elle est un peu intemporelle, et si par exemple on avait fait cette série-là, on va dire à notre époque, est-ce que ça aurait eu autant de succès que ça, je sais pas, hein, parce que c'est vrai que maintenant il y a un vrai revival des années 80, que ce soit avec plusieurs films que j'ai cités, la musique et tout, tout ce qui est Synthwave, Carpenter Brut, Perturbator et tout, ça marche vachement bien. Les jeux vidéo comme le Far Cry Blood Dragon et tout, pareil, ça attire quand même, on va dire, pas mal de monde. Donc voilà, est-ce que si cette série là ça s'était passé on va dire en 2010, est-ce qu'il y aurait eu autant de succès? Je pense que les gens ont vraiment apprécié cet aspect là moi perso. Bon, c'était un des partis pris de la série, hein, clairement. Donc bon, non mais ça c'était vraiment effectivement la bonne surprise de l'été, et qui a bien marché, hein, pour d'être sûr. Je reparlerai peut-être dans les news tout à l'heure, mais qui était un des plus gros. C'est le plus gros carton. C'est leur troisième plus gros carton en fait dans l'histoire de Netflix. Donc donc voilà, on va voir. A priori il y aura une saison 2, on en parlera peut-être plus tard ou pas, mais bon. Voilà, donc ça c'est vrai que c'était la série qui a un peu guidé l'été, parce qu'elle est apparue cet été en plus, enfin elle a été disponible au début de l'été, et elle a eu un bon succès, donc ça a été, moi je te la conseille, Julien, si tu as l'occasion de la voir. Dim, t'en as vu d'autres, des séries qui ont un peu rythmé ton été, qui ont été... Ouais, justement ça fait une bonne transition avec Stranger Things, parce que Stranger Things, je voulais dire aussi, un des gros points forts c'est que c'est pas une série à rallonge, c'est une série en 8 épisodes, et 8 épisodes un peu aussi comme la série 11-22-63, qui s'est terminée cet été. Donc c'est une série qui est adaptée d'un roman de Stephen King, qui est apparu sur la plateforme de VOD d'Amazon, il me semble. Donc, bah, l'histoire, c'est un personnage qui est interprété par déjà un acteur plutôt bon, James Franco. Ça se passe à notre époque, en 2016. En fait, c'est quelqu'un qui lui est arrivé plusieurs crasses, un divorce. Il est dans un boulot où il se plaît pas vraiment. Et il a plus vraiment, on va dire, d'attache avec notre époque. Et il arrive à trouver un passage spatio-temporel, on va dire, qui le fait revenir au début des années 60. Et ce passage-là, il le découvre par le biais d'un de ses amis. Et son ami, il est obsédé par l'assassinat de Kennedy. Et en fait, il veut empêcher l'assassinat de Kennedy pour voir si le monde après pourrait être meilleur ou pas, quoi. Donc ça, c'est un peu le début de la série. Enfin, c'est le tout début de l'histoire. C'est les 5 premières minutes. Et donc c'est une histoire qui tient vraiment en haleine. Comme j'ai dit, c'était en 8 épisodes, donc on n'a pas vraiment trop le temps de souffler. C'est plutôt bien filmé. C'est un petit côté ciné. Avec bon les thèmes assez forts à Stephen King comme les années 60, beaucoup de ses histoires se passent dans les années 60 et je trouve que c'est toujours là où il est un peu le meilleur, donc franchement c'est une série que je vous conseille. J'ai pas trop envie de m'étendre plus que ça sur l'histoire au risque de non, spoiler. Ouais. Faut juste pareil. Je précise ouais. Peut-être c'est produit par J.J. Abrams en plus ce truc, je crois, hein, de mémoire. C'est vrai, c'est produit par J.J. Abrams aussi. Ouais, pour ceux qui aiment bien J.J. Abrams et les séries, je trouve qu'on... Enfin, moi, j'ai regardé qu'un seul épisode, mais je trouve qu'on retrouve un peu sa patte. Et il y a juste une idée sur laquelle aussi je voulais en parler. Moi, j'ai vu que le premier épisode, mais il y a une idée qui est assez intéressante et qui est bien foutue dans les épisodes, en tout cas, qui reviendra peut-être dans les autres épisodes, je ne sais pas, mais c'est l'idée que le passé ne veut pas être changé et se bat, entre guillemets, pour pas être changé, en fait. Enfin, et du coup, il y a une sorte de passé qui est un peu... qui peut parfois, par petites touches, être un petit peu malveillant vis-à-vis du héros qui est retourné dans le passé et du coup, qui crée un peu des moments, bah, justement très Stephen King, quoi, qui fout un peu les boules, qui sont un peu angoissants, un peu malsains. Et c'est ça, genre, il y en a juste par petites touches, c'est très discret pour l'instant. Je sais pas si ça va se développer ou pas, parce que comme j'ai dit, j'ai vu que le pilote, c'est hyper bien foutu. Sans spoiler, hein, évidemment, je vais pas spoiler la série, mais tu vois, tu fais bien d'en reparler parce que moi j'ai trouvé que justement ils en parlaient quand même dans le pilote, mais après c'est un peu c'est la série qui est un peu effacée, tu vois. J'y pensais même plus, tu vois. Ah, c'est dommage, parce que ça c'était une très bonne idée. Enfin bon, voilà. C'est un petit défaut, et pareil, la fin, il y en a beaucoup qui ont un peu critiqué la fin. Moi, je l'ai trouvé bien. Alors après, je sais pas si certains auditeurs l'ont vu, vous pouvez toujours nous donner votre avis. Ouais. Dans les séries de l'été, je parlerai rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est une série de l'été, je pense pas. C'est une série que j'ai rattrapée dans l'été, donc j'en dirai pas beaucoup plus parce que je pense qu'elle commence à dater. C'est American Crime Story, mais je voulais quand même la mentionner parce que donc c'est par les mêmes créateurs que American Horror Story, ouais. Etc. Sauf que là, donc c'est sur le système judiciaire et c'est plus précisément sur l'affaire O.J. Simpson qu'on suit vraiment d'une façon presque documentaire en fait, hein, où les acteurs interprètent les rôles des gens qui ont existé, qui étaient partie prenante à l'époque, O.J. Simpson, etc. Et c'est une série donc judiciaire, policière et judiciaire qui se passe principalement dans un tribunal et qui raconte l'histoire de O.J. Simpson et de son procès et qui est hallucinante. Enfin, moi c'est ma série de l'année pour l'instant, c'est joué de façon absolument hallucinante. Tout le monde est parfait juste dans la série, c'est hyper bien réalisé, c'est très formel, très posé, hyper bien écrit. L'histoire en elle-même de O.J. Simpson, moi je la connaissais pas, enfin en tout cas d'un point de vue européen, voilà, on connaissait le procès, mais les grandes lignes du procès, on connaissait pas les détails. Là on revit les grands moments du procès quasiment en intégralité et avec les transcriptions de l'époque, etc. Donc c'est hyper bien fait, et honnêtement American Crime Story, si vous avez pas encore eu l'occasion de le faire, voilà, et que vous avez encore un peu le temps de rattraper des séries sur lesquelles vous êtes en retard, c'est vraiment celle que je vous conseille, moi, en priorité, avec, voilà, on l'a dit, 11-22-63, qui a l'air de très bonne facture aussi. American Crime Story, pour moi, c'est pour l'instant peut-être la série de l'année. Et je parlerai enfin dans les séries de l'été, pour le coup, et c'est vraiment une série de l'été, c'est The Get Down, dont les 6 premiers épisodes sont apparus sur Netflix, là, au courant de l'été. The Get Down, qui parle de la création du hip-hop. En fait, hein, donc dans le Bronx, à New York, dans les années, voilà, fin des années, on va dire 60, 70, parce que ça revient un petit peu dans le temps par travers certains flashbacks, et on parle de l'apparition du hip-hop et de sa création. Série un peu fraîche, un peu étrange, dont on avait pas mal parlé à l'époque avant qu'elle se fasse, parce que c'est Baz Luhrmann qui est derrière, ouais, notamment le producteur et il a réalisé le premier épisode. Moi, Baz Luhrmann, je suis pas fan du tout, je déteste même. Parce que le style Baz Luhrmann, faut le dire, c'est un style très, en gros, entre guillemets, opératique. Il se passe des choses, quoi. C'est ça. Ça bouge à l'écran, on va dire. On le retrouve. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va dire que le hip-hop et sa création, le hip-hop déjà à la base, c'est un mouvement, on va dire, on mixe, on prend des choses, on les mixe ensemble, on essaye de faire en sorte que ça colle. Ce que fait un peu Bazerman. Et ce que fait un peu Bazerman. Donc le collage, son espèce de montage un peu grand guignolesque qu'on peut retrouver, ben, c'est très déstabilisant, mais du coup, ça colle un peu à l'esprit du hip-hop et un peu à l'esprit de la série. Il garde le style Bazerman. Il garde le style Bazerman, et notamment dans le premier épisode, où moi, il y a des moments où, sincèrement, je me suis dit, bon, dans ce premier épisode, qui est, je crois, un peu plus long que les autres, je me suis dit, c'est ridicule. Il y a des moments où ça fait ridicule, ça fait opéra, ça fait théâtre, ça fait faux, ça fait ridicule. Mais au final, bon, ça s'atténue beaucoup dans les autres épisodes après. Et la série en elle-même parle d'un mouvement que moi j'apprécie plutôt. La création de ce mouvement, c'est assez bien montré. Les acteurs sont bons, il y a des très bons moments. Après, voilà, c'est une série que je considérais peut-être un peu moins pour l'instant, The Get Down, notamment pour un parti pris que je ne comprends pas. C'est-à-dire que même si les créateurs du hip-hop de l'époque sont consultants sur la série, ils ont créé des personnages, en fait. C'est-à-dire que ça suit des personnages imaginaires qui n'ont pas existé. Plutôt que de prendre des figures du hip-hop. C'est ça. Alors, on en voit passer. Hein, on en voit passer. Je crois qu'on ne voit pas encore Afrika Bambaataa, qui est voilà, quasiment le créateur du hip-hop avec J. Cool Herc, qu'on voit, par exemple. Ouais. Mais on les voit peu, alors que par exemple c'est plutôt de notoriété que c'est plutôt a priori DJ Cooler qui est Afrika Bambaataa qui était à l'origine du hip-hop, et on les voit quasiment pas, et on suit plutôt une autre crew, donc voilà, ceux qui sont avec comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, je le repréciserai dans les commentaires, mais voilà, il y a beaucoup de personnages imaginaires, il y a beaucoup de situations imaginaires, et même si ça retranscrit un peu l'état d'esprit de l'époque, c'est presque dommage parce que justement il y avait quand même déjà matière à utiliser des personnages qui ont vraiment existé, en fait. Et alors musicalement, ils ont repris des morceaux de la naissance du hip-hop ou pour le coup ils ont fait pareil, ils ont créé carrément des morceaux? Bah musicalement ils ont créé des morceaux, alors en fait pour l'instant il n'y a pas vraiment de morceaux, titres, phares, etc. qui représentent le hip-hop, mais par exemple il y a une des héroïnes de la série qui est, on va dire, la plus ou moins la petite copine du héros qui veut se lancer dans le disco, et le morceau qu'elle interprète, etc., pour y arriver, c'est un morceau qui est inventé. Moi, après, je l'ai cherché, je me suis dit, mais c'est quoi ce morceau et tout, je l'avais jamais entendu, il est vachement bien foutu. Et en fait, c'est un morceau qui n'existe pas, à part dans la série, quoi. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ils auraient presque pu reprendre une nana qui a percé dans la fin des années disco, début du hip-hop. Il y avait le choix, enfin, ça existait, ce genre de truc. Et bizarrement, ils ont choisi d'inventer plein de personnages. Pourquoi pas, c'est un parti pris que je trouve presque un peu dommage. Mais bon, la série est plutôt fraîche. La réalisation de Baz Luhrmann, en tout cas le premier épisode, peut déstabiliser. Mais je conseille quand même d'essayer et de persister au moins deux épisodes. Ouais, il s'en va après, donc pour les réfractaires à Baz Luhrmann. Ouais, on voit moins son aspect montage un peu gros guignolesque dans la suite. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était tout pour les séries. Est-ce qu'il y avait autre chose de ton côté, Julien, ou Dim? Non, toi, tu n'as pas vu du tout de série. Je suis un peu tenu. Du coup, alors, Dim, Julien, qu'est-ce qui a occupé ton été à part justement, moi, je vais faire une bonne transition sur un disque, disque de hip-hop. Ah, bah tiens. Bon, je vais peut-être le mettre en fond, comme ça, on va faire une des nouveautés de l'été, comme ça, on se rendra compte de ce que. Alors, attention, innovation podcast, la musique de fond avec un iPhone posé sur la table en même temps. Bon, ouais, on l'entend un petit peu. On le remettra s'il faut en post-prod, en fin de podcast, quelque chose. Ouais, j'ai autre chose en fin de podcast. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est Chance the Rapper. Donc l'album s'appelle Coloring Book. Donc c'est plutôt. Alors c'est pas vraiment un album, c'est une mixtape. C'est vrai que maintenant dans le hip-hop, il y a beaucoup plus de mixtapes. Alors. Comment en fait j'ai découvert, il y avait eu, je me rappelle, des singles qui étaient des singles du mois, je crois, sur Pitchfork, mais c'est surtout par le podcast No Fun. Ah, toujours ce très bon podcast. Voilà, toujours dédié à la musique. Fun, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui parce qu'on fera un petit parti podcast, mais c'est vraiment un super podcast, ils n'ont pas encore repris, mais qui parle essentiellement de hip-hop et ils en ont dit beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est peut-être depuis, on va dire, Kendrick Lamar, l'album de hip-hop qui m'a le plus impressionné. Alors c'est par rapport au Kendrick Lamar, c'est un album beaucoup moins politique, beaucoup moins aussi tourmenté. C'est un album beaucoup plus posé. Là, je sais pas si on entend. J'ai choisi un morceau qui est assez cool. On est plutôt dans le groove. Voilà, dans très groove, calme. Pas mal de gospel, pas mal d'influence avec des chœurs. Alors que le Kendrick Lamar était, il y avait un côté assez angoissant. Il y avait des trucs plus street en fait. Ouais. Enfin, très très dans la rue quoi. Ouais. Et puis c'est là dans cet album là, Chance the Rapper, il raconte une histoire d'amour. Donc voilà, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit que Kendrick Lamar, qui était un peu, tu le sentais, très angoissé. Il y avait je me rappelle, les interludes dedans sont. Il raconte l'histoire de l'Amérique, en fait, Kendrick Lamar. L'histoire de l'Amérique. L'histoire de la ségrégation. Enfin... Et puis ses problèmes personnels. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est un peu. Qui est plutôt tourmenté. Là, c'est complètement différent. C'est un album qui est vraiment accueillant et qui accueille beaucoup de monde, puisque dedans, on retrouve Kanye West. Lil Wayne, d'ailleurs, qui a annoncé, je crois qu'il a arrêté, il a arrêté sa carrière. Young Thug et Future, donc un peu, on va dire, tout ce que le rap actuel US compte de meilleur, mais c'est pas un album d'invité. C'est vraiment un album de Chance the Rapper. Il se fait pas manger, en fait, ça reste son disque, C'est pas un album de featuring, c'est un album qui est presque, comme on disait à l'époque, conceptuel. Mmh. Tu vois, tu peux l'écouter du début à la fin. Il y a des morceaux, là, j'ai Blessings, c'est un morceau qui est beaucoup plus posé. Il y a des morceaux plus rentre-dedans, notamment celui avec Kanye West ou notamment Problems, qui est vraiment excellent. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, un album qui fonctionne très très bien l'été. Il passera l'été parce qu'il est sorti d'ailleurs un tout petit peu avant. D'accord. Mais voilà, moi, c'est vraiment un album qui m'a accompagné. Je le conseille vraiment. Parce que finalement, les autres albums de l'été que moi j'avais écoutés, c'était également l'album de The Avalanche. Ouais. C'était mes trois albums de l'été, c'était ça, c'était Chance the Rapper. J'ai beaucoup entendu leur titre là de qui est sorti. Frank Sinatra. Frank Sinatra, ouais, je l'ai un peu trop entendu. Ouais, qui est vraiment excellent. Puisque pour ceux qui connaissent pas The Avalanches, ou je sais pas si on dit The Avalanches, moi je dis, moi en tout cas moi je dis ça, mais. C'est un groupe qui est australien, qui avait sorti un premier album et un seul album il y a 16 ans. Ouais. Qui s'appelle Since I Left You. Il y avait un truc qui s'appelait Frontières Psychiatriques notamment, ouais. Qui était un tube qu'on pourra, voilà, si vous connaissez pas, on vous mettra le lien sur le podcast, ils avaient marqué notamment, ouais, par leur capacité à mixer des trucs complètement. Bah, c'était un peu l'époque du mashup où il y avait aussi Too Many DJs qui était. Mm. C'est pas du tout, ça sonne pas pareil. Non. C'est plus d'ailleurs, je trouve que tous les albums, enfin les deux albums de The Avalanches, c'est vraiment des albums de l'été, c'est des albums assez frais, qui sont à la fois assez dansants, tu peux les mettre en fond, enfin il y a un côté super festif dans leurs disques. Ouais, ils sont drôles presque. Voilà, hein. C'est assez drôle, qui retrouve complètement, c'est un album. Alors c'est un peu aussi sa limite. Je trouve que c'est un album ça aurait pu être le côté face B de Since I Left You. C'est pas faux, ouais. Il est vraiment dans le même esprit. Tu retrouves la façon dont comment ils incluent beaucoup de gens du hip-hop. C'est un peu, il est vraiment construit pareil. Donc c'est un peu sa limite, moi c'est un peu ce qui m'a déçu. Maintenant je trouve sortir 16 ans après un autre album, il y a le risque que tu sois complètement hors propos, has-been, et que finalement ton album il sonne comme il y a 15 ans et ça fonctionne pas. Or là, ça s'écoute vraiment très très bien, l'album est vraiment cool. Et l'autre album qui était pour le coup une surprise, bon, beaucoup plus grand public, c'est l'album de Calypso Rose. Donc Calypso Rose, c'est une vieille dame de 80 ans qui a un peu fait son Buena Vista Social Club, qui est revenue avec un album qui mélange d'ailleurs la Calypso, qui mélange plein de courants, qui est produit par Manu Chao, ouais. Qui est bien meilleur en producteur d'ailleurs que chanteur, même si on l'entend sur un morceau qui est plutôt un bon Salut morceau. Salut Manu. Voilà. Donc je voulais en parler parce que je l'ai beaucoup écouté cet été. C'est vraiment un disque de l'été. On en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de magazines qui l'ont relayé. Beaucoup de magazines. Ça passait même à la télé sur France 2, je crois, qui était partenaire. France 2. Ils ont fait un peu la chanson de l'été. On en parlait quand il y a eu la Lambada. Wes, qu'on adore avec Greg. Bien sûr, Wes. On est des grands fans de tous les morceaux de l'été. Connaissez Wes, vous connaissez vous-même, vous savez. Voilà, donc on peut remonter très loin dans les chansons de l'été, on peut remonter à David et Jonathan. Voilà. D'ailleurs, j'avais intitulé cette chronique « Qu'est-ce que t'as fait pour les vacances ?» C'était un peu le truc. Et d'ailleurs, en préparant, j'avais retrouvé aussi le truc des nuls qui m'a beaucoup fait rire. « Qu'est-ce que tu vends pour les vacances ?» Voilà, ceux qui pourront revoir le sketch, c'était très très drôle. Voilà, donc Chance the Rapper, Coloring Book, je vous conseille vraiment de l'écouter. C'est un très très bon disque avec plein d'invités. Si vous aimez le hip-hop, depuis Kendrick Lamar et PNL, on va quand même les citer. Non, on ne citera pas PNL, Julien, ça tu nous saoules avec PNL. Bon, en tout cas, on va essayer de suivre ton conseil avec donc Chance the Rapper. Ouais. Et Coloring Book, et c'est pas les seuls trucs que t'as mis dans tes oreilles cet été, hein. Je crois qu'on peut parler un petit peu de podcast, notamment si tu comprends ma transition subtile et fine, parce que c'est vrai que t'en as sélectionné, je vois quelques-uns là sur le conducteur, et j'en connais certains et j'ai envie de dire très bon choix. Ouais, donc... j'ai sélectionné un cinéma, un jeu vidéo, un musical et n'importe quoi. Voilà. Alors pour nous parler peut-être de jeux vidéo, je vois que t'as mis au bas gauche droite. En fait j'ai pris les podcasts qui avaient pas fait relâche pendant l'été, parce que nous on avait fait relâche. Nous on fait relâche. Mais finalement il y a des courageux. Ouais, il y a des stakhanovistes du podcast. Je pense qu'au bas gauche droite on peut parler stakhanovistes du podcast. Ouais, voilà, ils ont pas fait de pause et il y avait leur numéro 200, donc c'était l'occasion pour eux de faire un peu les mémoires de au bas gauche droite. Donc ça fait 4 ans, je crois que c'est 4 ans, ouais, c'était assez émouvant d'ailleurs. Épisode 200, donc en deux faces, hein, face A, face B, notamment la face B. Donc là, surtout de la face B. Là. Voilà, il est sur 3 heures, donc c'est un peu long, mais c'est peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est pas c'est le bon épisode. C'est un peu long, non, c'est la durée d'un podcast. Voilà, oui, c'est ça. Non, mais pour eux, parce que eux d'habitude font plutôt 1h30, 2h. Là, eux-mêmes, ils disent que c'est un peu long, mais moi, j'ai trouvé ça assez émouvant d'entendre un peu comment ils étaient connus, comment ils sont arrivés sur le podcast, comment ils l'avaient vécu aussi. C'est intéressant pour documenter comment les podcasteurs peuvent vivre leur propre passion et comment ils travaillent derrière. Ouais, parce que pour préciser comment c'est fait, c'est-à-dire qu'ils ont, c'est donc Hobbs interroge tous les gens importants de bas gauche droite, parce qu'ils sont quand même assez nombreux et ça tourne beaucoup, mais on va dire les principaux, et ils leur demandent des anecdotes, ils leur demandent de raconter quand ils sont arrivés, les épisodes d'Upcast qu'ils ont préférés, des anecdotes d'enregistrement. Donc les épisodes d'Upcast qu'ils ont préférés, parce que les épisodes d'Upcast on aime beaucoup les épisodes d'Upcast, ils reviennent de désolé, c'est des formations professionnelles. Non, nous on ne le fera pas, mais non, voilà, je trouvais que c'était, comme tu dis, c'est assez émouvant. Ouais, c'est assez émouvant. Tu vois, on sent, ce que j'ai bien aimé dans le podcast, c'est qu'on sent qu'ils doutent. Ouais, toi, on sent qu'il y a des difficultés. Je crois que c'est Fudge aussi, à un moment, qui doit dire, Fudge, un des intervenants de Bas Gauche Droite, dire, ouais, je sais pas, machin, on m'a fait des réflexions sur ma diction, là, je sais plus trop de quoi je vais parler, je joue plus exactement le même jeu vidéo que vous, est-ce que je vais continuer, c'est une question que je me pose, et ils le disent clairement, et ils en discutent, et Hobbs dit à la fin qu'ils savent pas vraiment où ils vont, là, pour les prochains numéros. Ouais, mais tu vois, Hobbs, qui est pourtant quelqu'un qui a une très bonne expression, qui est très agréable à écouter, clairement, tu vois, doute beaucoup de sa voix, de ce que, tu vois, je trouve, je dis beaucoup, j'aime pas m'entendre, et écoute, personne n'aime s'entendre. Si tu nous écoutes, nous, on adore au Bas Gauche Droite. Clairement, non, c'est vrai que c'est un des podcasts qui nous a beaucoup influencé. Et justement, ils se posaient la question, ils se disaient, on n'a pas de concept. Or, moi, pour moi, le concept de Bas Gauche Droite, c'est que c'est un podcast de qualité. C'est-à-dire, je pense que quand tu vas écouter au Bas Gauche Droite, tu sais que tu vas rencontrer des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent, qui préparent leurs trucs, qui sont super pointus. Moi, je trouve que c'est le meilleur podcast de France devant les podcasts professionnels, les radios. Ils sont hyper renseignés, ils te proposent, moi je trouve que leur ligne éditoriale, ils l'ont pas assez dit peut-être dans le numéro 300, dans le numéro 200, c'est de quand même présenter des jeux vidéo dont tu n'entends quasiment jamais parler ailleurs, et ça c'est une force absolument hallucinante. Moi je suis pas un gros connaisseur de jeux vidéo, ils sont très larges, mais je les écoute quand même parce que ils découvrent, ils parlent du média et ils font travailler même le média. Je trouve qu'ils le font avancer, ils le font grandir, ils ont des podcasts thématiques qui sont hyper intéressants, ils sont beaucoup revenus dessus dans le numéro 200 parce que c'est vrai que c'est des numéros qui marquent les podcasts thématiques. Je sais que toi t'aimes un peu moins, mais moi je suis moins fan des... je les écoute hein, mais il y en a un sur l'histoire que j'ai pas encore écouté. Moi je l'ai pas encore écouté non plus, enfin je suis en train de l'écouter. Non, c'est vraiment un grand podcast, c'est vrai que ça fait plaisir de savoir qu'ils sont déjà arrivés à leur numéro 200 et qu'ils ont 4 ans, donc bon anniversaire à eux, bravo pour ce numéro 200 et on espère pouvoir en écouter 200 autres quoi. Bah ouais, carrément. Donc ça c'était un de tes podcasts, c'était le podcast jeux vidéo. Tu nous parles d'un podcast ciné aussi. Je pense que tout le monde l'a écouté ici, Super Ciné Battle, qui est mon gros coup de cœur de l'année là pour l'instant. Donc pour présenter, c'est donc Camille Robotics qui est on va dire presque suractif sur les podcasts. Je sais pas comment il fait pour en faire autant. Donc Daniel Andreev, hein, qui est sur Game Cult, qui est un spécialiste notamment du jeu vidéo japonais, qui est aussi sur des podcasts ciné, qui est sur After Eight, qui a beaucoup de podcasts, beaucoup de projets podcasts. Donc tu peux faire une petite overdose de Camus. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son style et tout ça, mais c'est vrai que parfois je suis un peu en overdose. Et là par contre, je trouve ça super intéressant. Il est avec donc Stéphane Boulet, qui est un ancien de GK, papa, Plugin Baby. Et c'est une conversation du cinéma, c'est-à-dire que les auditeurs envoient des listes, t'envoies une liste de 3 films. Et eux, ils vont établir un classement. Alors, plus que le classement, ce qui est intéressant, c'est la discussion. Bien sûr. Parce que c'est une conversation. Ils sont que deux sur le podcast. Moi, c'est ça que j'aime bien. Faire un podcast à deux, c'est hyper dur pour ceux qui l'ont. On l'a fait une fois avec Julien et c'était dur. C'est super compliqué. Mais en même temps, ça fait deux points de vue pas forcément qui s'opposent. Ça peut se répondre. Mais c'est différent quand t'es trois ou plusieurs. Tu te répartis la parole. Et là, donc, ils sont partis des années 80. Ils ont fait 7 ou 8 podcasts sur les années 80. 7 ou 8 podcasts. Et là, ils sont passés aux années 90. Donc, ce qui me ravit encore plus, parce que je connais beaucoup mieux le cinéma des années 90 que des années 80. Et je sais pas si tu veux dire. Moi, ce que je dirais juste, c'est que j'ai envie de leur voler leur idée, quoi. Parce que je trouve qu'ils ont eu la meilleure idée de podcast. C'est la meilleure idée de podcast au monde, je trouve. Juste, filez-nous des listes de films, n'importe quel film dans les années 90, vous en donnez 3, et nous, on va faire un classement de tout ça. Et cette idée-là, c'est une super excuse pour parler de cinéma, c'est une super idée pour parler des films qu'on aime, pour rigoler sur des nanars, mais aussi parler des bons films et essayer de savoir pourquoi nous, on trouve que c'est un meilleur film qu'un autre. Et mine de rien, pour tous ceux qui aiment un tout petit peu le cinéma, on a passé des centaines d'heures avec Dim, par exemple, à parler de cinéma quand on était plus jeune, et ça c'est un peu, je retrouve un peu cet esprit là t'as deux potes qui parlent ciné à bâton rompu, c'est génial. Moi ce qui m'impressionne aussi c'est que j'ai l'impression ils font ça en plus sans notes ni rien, ils font ça sans préparer, ils te sortent un film et tout, bam, ils te sortent le réalisateur et tout, même genre le monteur son, le directeur photo, enfin tu vois, ils s'y connaissent à mort, quoi. Et puis même quand ils savent pas, c'est pas le podcast où tu vois, ils vont dire non, on sait pas, ils le disent ou. Quand il y a des oublis ou des trucs où sont moins précis, c'est pas. Ils disent je prendrai pas la parole sur celui-là parce que je le connais pas assez bien. Ils le disent clairement, mais c'est vrai qu'il y a ils ont une forte connaissance de tous les films qui sont cités. Une grosse culture ciné. Les auditeurs qui envoient les listes jouent vachement le jeu parce qu'ils envoient des listes parfois super drôles. C'est thématisé. Très bons films. Et alors parfois, moi j'aime bien aussi justement quand ils classent un peu les films du milieu, les films un peu difficiles à classer, parce que c'est vrai que les anciens années 80. Forcément, un Pulp Fiction ou un truc comme ça va marquer un peu tout le monde, donc va aller assez vite pour les classer. Même s'il y a des choses à dire, c'est intéressant. J'aime bien quand il y a des films où tu sais pas trop ce qu'ils vont en dire. C'est les Ghostbusters, ce genre de truc. Est-ce que c'est vraiment des bons films ou pas? Les Gremlins, j'en sais rien. Ils ont toujours leur film du milieu en plus, les films pivot, on va dire, si ça va être bien ou pas bien. Et là, c'est les ailes de l'enfer. Over the Top, et là, c'est les ailes de l'enfer. Et j'ai adoré qu'ils prennent les ailes de l'enfer comme film pivot des années 80. Film culte, les ailes de l'enfer. C'est vrai que c'est vu 3 fois au ciné à l'époque. Il y a eu 3 fois. On dit, mais il va falloir qu'on parle quand même. Non, en plus, je trouve que c'est assez représentatif d'une nouvelle cinéphilie qui est plutôt la cinéphilie des années 70, voilà, où c'était très, très compartimenté. Là, finalement, tu peux passer d'un gros nanar à un classique du cinéma. Tu peux réhabiliter des gens, tu vois. Pour des gens à une époque, Carpenter, c'était pas un grand réalisateur, ou je sais pas, à l'époque Friedkin. Enfin, il voilà, y a des finalement maintenant, je trouve que tu peux tout mixer, tu peux parler de entre guillemets tout et n'importe quoi. Tu peux parler d'un Van Damme comme tu peux parler d'un film d'auteur, comme tu peux parler d'un film coréen. Je trouve qu'il y a une explosion en fait de toutes les barrières du cinéma mondial. C'est agréable aussi parce qu'ils se prennent pas non plus pour les cahiers du cinéma. Enfin, ils sont pas non plus dans une conceptualisation du cinéma, etc. Ce qui est important aussi, qui peut bien sûr plaire, mais qui est moins mon délire personnel, on va dire. Et du coup, un film, il le juge vraiment en tant que spectateur aussi sur les émotions que ça aura pu leur faire ressentir à l'époque. Et ce côté humain, mine de rien, genre ce film, je suis désolé, mais je le mets super haut parce qu'il m'a fait pleurer quand j'étais gosse. C'est des arguments à la con, mais qui font plaisir à entendre quelque part quand t'es dans un débat, parce que le cinéma c'est aussi ça. Hein. C'est, parfois tu t'aimes des mauvais films et t'y es taché. Quoi. Voilà, moi je dirais juste le truc, c'est le, comment Daniel m'a fait rire sur American Historic. Cette espèce de haine d'American Historic. Il a vomi, donc on vous spoil un peu un épisode, vous les écouterez quand même, ça vaut le coup, mais il a vomi sur American Historic et sur Les Évadés. La ligne verte. C'était la ligne verte. La ligne verte, Les Évadés. Parce que c'était les films numéro 1 IMDb, c'est ça. Ouais, c'est les films adaptés de Stephen King qui ont super bien marché sur IMDb, un truc comme ça. Et effectivement, il a vomi sur ses films d'une façon, mais vraiment, il les détestait. Voilà, surtout American History, qui est plutôt, moi, je trouve plutôt un bon film. Voilà, bah, voilà, en tout cas, bien aimé, je l'ai pas revu depuis. Donc ça si vous êtes curieux, j'ai envie de le revoir. Quoi, avec ah, bah ouais, ouais, carrément. Ouais. Donc ça, c'est Super Ciné Battle. Hein, allez écouter ça. Je sais pas trop la périodicité parce que j'ai l'impression que maintenant, ils ont déjà dépassé le nombre de numéros d'upcast. Tellement il y en a. Tu vois, c'est comme After Eight. Théoriquement, je crois que c'était un toutes les deux semaines, mais il me semble qu'à un moment, ils en ont fait un par semaine parce qu'ils justement eux-mêmes ils sont fans de leur concept et ils en discutent tout le temps en fait. Ils sont au numéro 9 là. Je sais que le papa il a toujours envie d'enregistrer et non le 10 est sorti aujourd'hui ce matin. Ah d'accord, ok. Putain bah voilà, c'est ça qui a écouté. J'espère qu'il y aura du Lynch bientôt. J'ai hâte de voir que Lost Highway est tout en haut de la liste. Bien sûr que c'est numéro 1, Lost Highway. Voilà, on espère. Donc, Requiem pour un Twister, qui est un autre podcast dont tu veux nous musical. Parler. Musical. Ouais, là, pour le coup, c'est plus une émission qu'un podcast, puisque c'est quelqu'un qui s'appelle Alexandre, qui a aussi un petit label hip-hop. Pas hip-hop, pas du tout. un label, comment, qui s'appelle Croc Macadam, qui est un label de plutôt rock. D'accord. Donc, Requiem pour un Twister, c'est sur Radio, je vais bien le dire, Radio Campus Paris. D'accord. Et c'est, alors, je sais plus la périodicité, mais en fait, ça va se prolonger au-delà de l'été. D'accord. Donc, en fait, le principe, c'est qu'ils passent des disques autour d'un concept. Donc, ça peut être, je ne sais pas, il y a... là, par exemple, dernièrement, il avait fait un truc qui s'appelle Ouvre les yeux. Donc, c'était plutôt sur un côté psychédélique garage. D'accord. Alexandre, en fait, pour situer, moi, je l'ai rencontré à une époque... dans les concerts, en fait, il a fait ce blog à la base qui était avec son frère, et c'est quelqu'un qui a une culture musicale super étendue. Je le connais pas tellement, mais c'était quelqu'un, tu vois, qu'on rencontrait toujours dans les concerts, qui était toujours au premier rang, qui devait être très très jeune à l'époque, parce que là, je pense qu'il a 25-26 ans. D'accord. Et en fait, qui achetait des vinyles tout le temps. C'est un grand acheteur de vinyles. Donc, et en fait, le truc, c'est que il passe des morceaux hyper précis, hyper pointus. Tu vois des faces B d'un truc polonais. Et en même temps, c'est complètement thématisé parce que tu vois, il va prendre des. Voilà, ça va être Ouvre les yeux sur le garage psychédélique, mais dedans, il va y avoir un morceau polonais, il va y avoir une face B, il peut passer un truc, il peut passer du Eddie Mitchell, du France Gall. Tu vois, il va vraiment concevoir une sorte de voyage musical, des trucs du Moyen-Orient, c'est super large. Et en même temps, c'est extrêmement. Ça dure une heure chaque épisode, c'est extrêmement cohérent. Donc c'est plutôt une émission de plutôt une émission radio. Ce que je veux dire, au niveau technique à la con avec mon appli de podcast habituel, je peux pas m'abonner à son émission. Alors c'est un peu le problème, moi j'ai pas trouvé sur iTunes. D'accord. Donc moi je l'écoute sur tu vas sur Radio Campus Paris ou tu tapes Requiem pour un Twister émission puisque si tu tapes Requiem pour un Twister, tu vas tomber sur le morceau de Gainsbourg. Ouais. Mais voilà, tu tapes émission ou Radio Campus Paris et toutes les émissions sont listées. Voilà, donc tu vas avoir, il y en a un sur le dance floor, il y en a un, je disais, sur le rock garage, il y en a un qui parle de Star Trek. Mais alors, est-ce que c'est pas un peu, c'est la question que je me pose, parce que pour ceux qui connaissent dans nos auditeurs, ils savent que voilà, t'as une culture musicale assez pointue déjà, et toi tu te dis de cette émission que le mec a une culture musicale encore très pointue. Ouais, est-ce que c'est pas trop pointu, ou très très pointu, un peu intimidant presque pour quelqu'un voilà, comme moi qui a une culture musicale basique? Non, est-ce qu'on va se retrouver là dans ce genre d'émission? Non, je pense qu'il faut que tu le prennes comme un voyage, et si t'es aventureux, que t'as envie de découvrir des choses. Après, forcément, il y a des trucs. Moi, j'ai cherché sur Spotify parce que je me suis fait une playlist Requiem pour un Twister. Et il y a des trucs que j'ai pas trouvé. Ah oui, parce qu'il y a vraiment, tu vois, des faces B d'un groupe polonais, un groupe brésilien. Donc, c'est pointu. C'est quand même un peu pointu. C'est pointu, mais comme en fait, c'est du pouce-disque. Hein. Il parle très, très peu entre les morceaux. Il donne 2-3 anecdotes en disant voilà, j'ai choisi ce morceau plutôt que celui-là. Voilà, c'est vraiment une émission de radio. Mm. pour le coup. Et parce que finalement, c'est sur une radio, hein, c'est pas un concept de podcast. Mais je pense pour les gens qui ont envie de découvrir des morceaux, qui ont envie vraiment de voyager et pas de rester dans des standards de trucs qu'on entend tout le temps. Voilà, je trouve que si tu veux découvrir, c'est un super podcast. Et ben on va écouter ça avec attention. Donc, Requiem pour un Twister, émission sur internet. Vous tapez ça sur et Google. Et vous pouvez le suivre aussi, je crois. Il y a un Twitter et il y a son label aussi, Croc Magadam, un petit label de vinyle. Bon, intéressant. Intéressant. Ouais. Et dernier podcast dont tu veux nous parler, que je connais aussi pour le coup. Là, c'est un peu mon coup de cœur. Ah, il est absolument génial. Je sais de quoi tu veux parler. Dis-moi, je sais pas si tu connais. C'est Riviera Détente. Voilà, c'est ça. Riviera Détente. Ah, pas du tout. Pas du tout. Bah, je te conseille vraiment de l'écouter. Il y a une douzaine de numéros. Alors, je sais pas comment le décrire parce que c'est totalement indescriptible. C'est une émission, on va dire, humoristique. Un podcast humoristique. Voilà, ouais, un podcast, comme son nom l'indique, Riviera Détente. Ils se situent sur la Riviera. Ils ont envie de se détendre et ils ont envie de détendre leurs auditeurs. Les membranes, comme ils disent. Voilà, comment est ta membrane? Voilà, avec un même nom, tout ça. Enfin, voilà, ils ont leur propre. En fait, c'est des gens, c'est des potes. Je connais pas leur nom. Moi. Alors, il y a Henri Michel, voilà. Celui qui anime. Il y a Patrick. Patrick. Donc, il y a Raphaël, maintenant El Chinito depuis le podcast sur Voyage et Plaisance. Là, voilà, on sait pas trop pourquoi. Alors, oui, parce qu'en fait, il y a quand même un concept par émission. Je sais pas trop. Par exemple, là, le dernier s'appelait De l'Audace. Ouais. Mais finalement, il n'y avait pas de concept dedans. Il y en avait un où il y avait Raphaël Cinto, c'était sur les bateaux. Il était marin, donc il interviewait un marin. Qu'est-ce qu'on fait en mer? Est-ce qu'on baise en mer? Est-ce qu'on tue en mer? Donc plein d'anecdotes. Mais en fait, parfois, d'ailleurs, il le disait, je crois que c'est l'épisode sur le Japon. Ils avaient trouvé le sujet pendant le générique. Voilà. En fait, il y a pas. Enfin, oui, c'est plus des ensembles de discussions qui se suivent. Limite, parfois il y a des sketchs. Ouais, il faut le savoir. C'est-à-dire que là, ils se disent, tiens, on va faire une. Je sais plus, dans un des derniers numéros, il y a un truc genre on va imiter un porno ou tu veux réparer le câble, je sais pas quoi. Et ces sketchs-là sont entrecoupés donc de discussions, parfois d'extraits musicaux, parfois de. Il fait un peu une sorte de détente zen, mais un peu ridiculement drôle en même temps. Et en fait, tout donne le sourire. Tout est hyper drôle. Il y a une ambiance. Le mec qui anime, donc Henri Michel. Il a une voix, mais dès qu'il se marre, pour moi, c'est terminé. J'arrive plus du tout à écouter ça. Je explose de rire tout seul dans le tram comme un con. Et puis surtout, je trouve qu'ils ont. On parlait. Il n'y a pas tellement un contenu précis. Non. Mais il y a un concept autour. C'est-à-dire que tu as l'impression de retrouver des gens que tu apprends à connaître. C'est exactement ça. Moi, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, j'écoutais Max sur Fun Radio, le Star System. Donc pour ceux qui connaissent, avec Gérard de Surel. Et pour le coup, où tu avais l'impression que tu avais envie de revenir parce que c'est des gens qui faisaient presque un peu. C'était un peu ta famille. Ouais, c'est ça. Et là, je trouve qu'ils arrivent à recréer cette ambiance, donc très détente. Les Riviros, donc tous les gens qui écoutent Riviera Détente, c'est les Riviros, et ils arrivent comme ça. Des fois, ils parlent de rien, tu vois. Non, c'est ça. Et puis ils se marrent juste. Ils se marrent. Mais c'est vrai que ça fait une communauté. Une communauté. Voilà, assez... D'ailleurs, c'est un podcast qui marche très bien, je crois. Ouais. Ils ont beaucoup d'écoute maintenant. Et ça m'étonne pas. Si vous connaissez pas Riviera Détente, honnêtement, ça dure en général entre une heure et demie maximum. Ouais. Dans les transports, moi je sais que le matin ça me fait marrer quand je vais à une réunion, ce genre de truc. On passe 40 minutes à se marrer en écoutant un numéro, c'est vraiment hyper drôle. Et d'ailleurs, justement, je crois que c'est Henri-Michel qui définissait le podcast en disant voilà, on a plein de podcasts qui font du contenu, nous on travaille sur l'absence de contenu. Ah c'est très réussi. C'est un peu ça. C'est très réussi. Moi je trouve que c'est le truc qui me fait le plus rire. Il y a un côté aussi, je trouve un peu ce que faisait Edouard Baird et je sais pas si ça lui fera plaisir ou pas. Si. Mais tu vois, ce côté totalement décalé, totalement un peu pas forcément. Un peu en roue libre, on arrive, tu vois, avec des circonvolutions à passer d'un truc à l'autre, d'une discussion. Je dirais bien fait quand même, parce que tu sens qu'il y a du montage, tu sens qu'il y a des moments où ils gardent pas les blagues qu'ils ont eues, etc. Ça coupe un peu parfois bizarrement, ce genre de choses. Parce que derrière, quand même, ils veulent que ton heure à écouter le podcast soit, on va dire, pas utile, mais réussie, enfin que l'intégralité du podcast finalement se passe bien, il n'y a pas un moment plus raté qu'un autre, etc. Tout se suit, tout s'enchaîne sans vraiment de cohérence, et pourtant, à la fin, tu as l'impression d'avoir juste passé une heure marrante. En fait, à 15 minutes, ils ont parlé de rien, mais t'as l'impression qu'il y avait beaucoup de choses. Donc voilà, c'est très iconoclaste, très original, très décalé. Et franchement, moi, je trouve ça super drôle. C'est très prometteur comme podcast. Ils ont fait quoi? Ils ont 11 numéros, je crois que là, c'est le 11e. Ouais, Riviera Détente, allez écouter ça sur vos podcasts. Abonnez-vous, ça va vous faire passer un beau moment. Et comme c'était très bien pour cet été, ça va continuer à être bien pour l'hiver pour nous remonter un peu le moral quand le mauvais temps va s'installer. Oui, parce que c'est leur but. Parce que là, ils en ont fait deux cet été, mais l'idée, c'est plutôt d'avoir un podcast d'été qui est diffusé l'hiver. Qui est diffusé en dehors de l'été. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de l'été? De tout ce que vous avez fait. Ouais, moi j'avais juste un film. Moi je voulais juste parler d'un film, mais je vais donner la parole à Dim. Il y a Dim qui va nous parler, je crois, d'une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, une chaîne YouTube que j'ai découvert cet été et que je trouve vraiment exceptionnelle. C'est pas la plus populaire, mais elle mériterait vraiment de monter un peu plus. C'est la chaîne de Paul. Norman fait des vidéos. C'est pas trop connu, c'est un petit mec comme ça. Non, plus sérieusement, ça s'appelle la chaîne de Paul. La chaîne de Paul. Ouais. Okay. Le principe de la chaîne, c'est de raconter la vie d'une personne, alors soit réelle, comme George Lucas, George Martin, le créateur de Minecraft, Mark Wahlberg et plein d'autres. ou soit des personnages de fiction comme Mad Max, Terminator, Godzilla, les Tortues Ninja, Astérix, et encore plein d'autres aussi, et de raconter son histoire de ses origines à son succès, le tout avec pas mal d'anecdotes vraiment intéressantes et surtout peu connues. Par exemple, enfin voilà quoi, si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'aime bien Star Wars ou genre Lucas. Ouais. Je connais quand même pas mal et j'ai quand même appris beaucoup de choses à son sujet. Ah là, je suis surpris, ouais. Donc le style est relativement sérieux, même s'il y a quelques points d'humour. C'est aussi très télévisuel, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ça fait vraiment penser à de très très bons reportages qu'on pourrait par exemple retrouver sur Arte ou je sais pas, mais enfin, en tout cas c'est pas hyper speed comme beaucoup de vidéos YouTube actuelles. Après, il sort pas énormément de vidéos, mais il prend bien son temps pour explorer chacun de ses sujets. Et franchement, ça se sent, c'est super bien travaillé, c'est très bien réalisé. Voilà, en plus il arrive à intéresser avec ses sujets, par exemple, je sais pas, la dernière vidéo en date c'est sur le créateur de Minecraft, moi j'ai jamais joué à Minecraft, et bon honnêtement je m'en fiche un peu, et il arrive quand même à intéresser le public et accrocher quoi. T'as vraiment envie de savoir comment il a fait son jeu, comment il a réussi à être connu et tout, et c'est vraiment super intéressant. Et bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais Le format, ça dure combien de temps? C'est des trucs assez courts ou c'est... Alors, au début, ça durait plus dans les 10 minutes. Maintenant, on est plus dans les 20 minutes. Voire, je crois même qu'il y a un épisode, je sais plus lequel, peut-être celui sur George Lucas, c'était 30 minutes. D'accord, donc mais, ça reste quand même des formats assez courts. Voilà, mais je vous mettrai le lien de la chaîne si vous voulez dans la chaîne de Paul, hein, c'est ça? Exactement. D'accord. Bah écoute, ça a l'air super intéressant. Et Julien, tu vas la finir par un film. Ouais, un film, parce que moi, finalement, cet été, j'ai eu pas mal de films et d'anciens films. Enfin, qu'ont 6 mois, hein, puisque c'est les films qui sortent. Et on parlait tout à l'heure, j'avais eu enfin Snowpiercer, le Sils Maria de Assayas, Trois souvenirs de ma jeunesse aussi de. Comment de Desplechin. Desplechin, ouais. Mais finalement, en fait, j'ai choisi de parler rapidement d'un film qui s'appelle Le Nouveau, donc de Rudy Rosenberg. Moi, je le connaissais pas du tout. C'est son 4e film, je crois. Il avait fait un film qui s'appelait 13 ans et Aglaé, mais alors, pour le coup, jamais entendu parler. Et ça, on en avait parlé. En fait, c'est Stan qu'on avait parlé. Voilà, c'est Stan. C'est-à-dire qu'on on avait un peu. Voir. Pourquoi j'ai voulu en parler? Parce qu'on avait c'est un Max peu. Boulbil, là. Voilà, il y a Max Boulbil dedans et on avait un peu raillé Le Nouveau en disant. Ah bah. Ouais, parce qu'on l'avait choisi, on s'est dit tiens, un film français, une c'est comédie Stan, française. Voilà. Mais moi aussi, je crois que je l'avais choisi. Et finalement, je voulais faire amende honorable puisque c'est excellent. Ah bon? Donc je l'ai vu, Le Nouveau. Donc en fait, ça raconte quoi? C'est très très simple. C'est un petit garçon qui a 13-14 ans et qui arrive dans un nouveau collège à Paris, puisqu'il vient du Havre. Hein, ses parents s'installent à Paris et donc il va être le nouveau de ce collège. Donc c'est comment il s'intègre. Donc c'est pour le coup, c'est beaucoup plus proche des beaux gosses version 13-14 ans que de LOL ou de Élèves du Kobu, c'est ça? Ouais. Voilà, tu vois, c'est pas du tout. C'est plus un film qui s'adresse à ceux qui ont déjà vécu cette période, un peu comme les beaux gosses. Plutôt qu'à ceux qui sont en train de vivre cette période. D'accord. Donc c'est plus un film pour les gens qui ont un peu notre âge ou qui sont un tout petit peu moins âgés. Mais voilà, c'est pas vraiment un film qui va parler, c'est plus un film avec des souvenirs, comme s'il avait, le réalisateur avait les souvenirs de cette époque-là. Et en fait, je trouve que c'est un film qui est super fin, super juste en fait. C'est ce qui est toujours difficile dans les films comme ça, avec des adolescents, ça joue pas toujours très bien. Souvent, ils cherchaient un peu à en faire des tonnes, et là, pas du tout, c'est super juste. Parfois, même, ça rappelle plus les films de Siama, tu sais, La naissance des pieuvres, ou même Tomboy. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de façon d'observer, c'est plus, pour le coup, c'est moins dur, moins chargé, mais il y a quand même une cruauté qui est, forcément, l'adolescence, c'est une période assez cruelle, la façon différente dont on la vit, mais il y a à la fois un peu comme ça de cruauté les uns envers les autres, et en même temps, beaucoup d'humour, beaucoup de délicatesse. Voilà, c'est un film qui est toujours à bonne distance. Ce qui est important dans un film quand tu parles d'enfants, quand tu parles de ces périodes-là. Voilà, donc moi je le conseille vraiment. Max Boulbil, il est excellent. Il a un tout petit rôle d'ailleurs, mais il joue je crois que c'est son oncle qui squatte chez eux en fait et qui fait rien, qui est un ancien DJ, mais voilà, il y a des scènes super drôles. Et voilà, donc Le Nouveau de Rudy Rosenberg. Voilà, pour tous ceux qui ont un peu de nostalgie ou même un peu de dégoût de cette période, ça va rappeler des souvenirs. Sans que ça soit non plus complètement, tu vois, c'est pas un fait divers, il prend pas des faits divers, il y a rien de tragique dans le film, mais il y a comme ça une espèce de petite mélancolie, un peu comme il y avait dans Les Beaux Gosses. Ouais. aussi. Où, bah, voilà, c'est aussi réussi, c'est vrai que c'est intriguant. Parce que c'est très court, hein, ça dure 1h15, donc ça passe très vite, mais ça ne nécessite pas plus. Hein. Je pense qu'en 1h15, il ferait vraiment bien le tour du sujet. Bon, bah écoute, super, le nouveau. Ça voilà, le nouveau, on l'avait raillé, et finalement, c'est un excellent film. Je crois que Justin nous avait dit que c'était un bon film. Ouais, ouais, c'est un bon film. Donc, j'ai vu pour tout dire, j'ai déjà vu deux fois. Donc, tu confirmes, donc, ouais. Ok. Bon, bah super, bah écoutez, ça va conclure, je crois, notre longue partie débrief de l'été. Pour ceux qui veulent, voilà, on va vous retrouver maintenant pour la partie plus classique, ce qu'on fait d'habitude dans les autres podcasts, à savoir, on va parler un peu de l'actualité, divertissement, jeux vidéo et techno. On va essayer d'être un peu plus rapide du coup pour pas durer 4 heures. Il y a un peu moins d'actualité, mais on se retrouve tout de suite donc pour la partie divertissement. Bienvenue dans la partie divertissement, si vous nous rejoignez directement ici en ayant sauté le chapitre du long débrief sur l'été, malheureusement pour vous, j'ai envie de dire c'était super, on a conseillé plein de choses, donc franchement retournez en arrière, on vous impose, je vais pas faire de chapitrage, bon bref. Donc on est dans la partie divertissement, et dans la partie divertissement d'habitude on parle souvent de séries et de ciné, et je vais commencer peut-être, hein, si vous m'y autorisez, avec une news. Je commence avec une news en fait qui m'a marqué dans les deux dernières semaines, à savoir que Sam Mendes, hein, vous le savez, va travailler, enfin vous le savez peut-être pas, c'est ça la news, va travailler pour Disney. Disney, vous le savez, a trouvé un nouveau filon, c'est redonner une nouvelle jeunesse à ses films d'animation en les adaptant en live. On a déjà subi pas mal de choses. Hein, depuis 2010, on a vu Alice au Pays des Merveilles et sa suite, on a vu Maléfique, Le Livre de la Jungle. Là, en ce moment, je crois encore au ciné, il y a Peter et Elliot le Dragon. Je sais pas si Le Livre de la Jungle était pas mal quand même. Je l'ai pas vu, moi, j'ai pas été voir. Tu dis subir, mais je trouve que Le Livre de la Jungle, il est au-dessus des autres quand même. Non, franchement, il est pas mal. Ah, c'est vrai que parce que moi, j'avais une mauvaise expérience d'Alice au Pays des Merveilles, Maléfique, j'avais trouvé ça quand même assez moyen, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y avait des beaux noms, hein, John Favreau, Tim Burton, et là donc, comme je le disais, Disney tourne autour de Sam Mendes, hein, qui a repris sa liberté de James Bond, puisqu'on a appris qu'il allait arrêter les James Bond, et notamment que bah, là, il est sur un projet qui s'appelle The Voyeur's Motel, hein, qui va raconter un petit peu bah, voilà, un certain Gerald Fuss qui a acheté un hôtel dans lequel il pouvait observer ses clients durant leurs ébats. Ça, c'est le projet sur lequel il est en cours, mais selon Deadline, on a appris donc que Sam Mendes a été choisi pour mettre en scène la nouvelle adaptation par Disney du livre de Roald Dahl, James et la grosse pêche, publié en 1961. Donc, on avait déjà eu un film, hein, James, motion, et, ouais, c'est ça, James et la pêche géante, hein, qui était un film qui date de 1996, qui était réalisé par Henry Selick et produit par Tim Burton, déjà à l'époque. Donc là, c'est une info qui est vraiment très, très en amont, puisqu'on en est au tout début du process, tout début des négociations pour développer et filmer donc, James et la grosse grosse pêche. Donc on sait pas exactement encore qui va poser cette grosse pêche. Si il est à la mode. On sait juste que le scénario sera écrit a priori par Nick Hornby et que Joe Ross pourrait produire le film, mais on sait pas beaucoup plus derrière. À part Sam Mendes, moi plutôt j'ai plutôt du respect pour le réalisateur. Ouais. Et Nick Hornby, c'est l'écrivain anglais. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. C'est un homonyme, hein, peut-être, je ne sais peut-être, pas. Mais... Je ne sais. Je pourrais pas t'en dire plus, en tout cas. C'est voilà. Pas lui qui avait fait About the Boy, là. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Mais en tout cas, du coup, c'est vrai que Disney continue, en tout cas, sur cette stratégie d'adaptation live des films. Bon, qui marche à fond. Moi, perso, je commence déjà à en avoir marre, mais je pense qu'on va encore s'en taper quelques années. Il y a Dumbo aussi qui doit être réalisé par Tim Burton. Ah oui, exactement. Ouais, Dumbo. Alors là, en plus, Tim Burton est quand même moins inspiré que dans certaines années, je trouve, dernièrement. Son prochain a l'air pas mal. Enfin, on en reviendra quand on fera les sorties à l'occasion. Ah, il y en a un qui sort, là ? Ouais, prochainement, au mois d'octobre. Ah, d'accord. Bon, voilà, ça c'était pour ma news pour Disney. Toi, Julien, tu veux nous parler de Shia LaBeouf. Ouais, Shia LaBeouf, parce qu'on avait le point Channing Tatum, il n'y en aura pas aujourd'hui. On avait peut-être même un point PNL, on ne sait pas si. Non, il n'y en aura plus jamais. On a le point projet pourri, et je pense qu'on devrait instaurer un point Shia LaBeouf. Alors, je ne sais jamais si on dit LaBeouf, LeBeouf. Je crois que c'est LaBeouf. Là, ça s'écrit LaBeouf. Moi, j'ai toujours dit Shia LaBeouf. Moi aussi. Donc, LaBeouf, ça lui va bien. Continuer à dire Shia LaBeouf. Puisque, voilà, tellement l'acteur du formidable Crâne de Cristal, hein, ça on le répétera. Jamais assez sur podcast. Putain, dégage. Il semble à la fois assez perché, complètement iconoclaste, assez drôle aussi, incontrôlable. Moi, je l'aime beaucoup, perso. Et donc, en ce moment, il est en promo pour American Honey, donc le film qui a été primé à Cannes, un prix du jury d'Andrea Arnold, à qui on doit d'ailleurs le très bon Fish Tank. Je sais pas si vous aviez vu ce film avec Michael Fassbender. Non, j'avais pas vu. Non. Voilà, très très bien, je vous le conseille. C'est un conseil dans le début. Ça y est, c'est parti. Conseils. Et donc, ce bon Shia LaBeouf, il s'est lâché dans le magazine Variety, notamment à propos de Steven Spielberg, dont il était très fan enfant et avec qui il rêvait de tourner. Et alors, il a eu des déclarations quand même assez violentes sur Spielberg. Donc, il a déclaré, je cite, vous êtes là et réalisez que vous ne rencontrez pas le Spielberg dont vous rêviez. Vous faites face à un Spielberg très différent et à un stade différent de sa carrière. C'est moins un réalisateur qu'une putain de société. société. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il a, il a beaucoup travaillé avec Spielberg, à la fois sous sa conduite dans Le Crâne de Cristal, ouais, et également en tant que producteur, Spielberg producteur pour Transformers. Ah d'accord, je savais pas ça. Donc il a quand même pas mal côtoyé, côtoyé Spielberg. Donc il ajoute, tout doit être méticuleusement préparé, il faut que vous sortiez telle ou telle réplique en 37 secondes, vous faites ça pendant 5 ans, vous avez l'impression de ne plus savoir ce que vous faites pour vivre. Donc ouais, en même temps, ça ne m'étonne pas que Spielberg prépare tellement ses films. On sait que c'est un grand maniaque du rythme dans les films. Hein, c'est, il est aussi connu pour ça. Mmh. Donc ça ne m'étonne pas qu'il essaie de faire dire à ses acteurs des choses en tel temps pour que voilà, le film soit quand même rythmé. Donc après, je ne sais pas qui a raison entre Shia LaBeouf et Spielberg. Donc toujours dans Variety, il déclare détester tous les films qu'il a fait en collaboration avec Spielberg, sauf Transformers 1. Bon, en même temps, il aurait pu l'inclure, ça ne m'aurait pas dérangé. C'était pas un chef-d'œuvre. Et alors, on se souvient que lors de... Ça reste le moins mauvais, on va dire. Et il faut savoir qu'il avait fait notamment un happening qui s'appelle, je crois que c'était un hashtag All My Movie, ouais, où il s'était regardait... filmé en train de regarder ses propres films. Et il était notamment parti au moment de Transformers 2. Voilà, il s'était éclipsé de la salle, je ne sais pas s'il est revenu après, mais on le voyait. Donc, ouais, on le voyait face caméra en train de regarder ses films dans une salle. Et parfois il pleurait, parfois il rigolait. Voilà. Et le gars là, c'est une usine à gif à lui tout seul. Ah, mais il est génial ce mec. Ah ouais, il est complètement embarré. Un peu dans les... Enfin, tu vois, dans un genre différent aussi, Joaquin Phoenix, hein, qui est capable comme ça de faire des happenings. Bon, il est un peu moins barré, je pense qu'il contrôle un peu plus que Shia LaBeouf, mais il a ce côté aussi complètement imprévisible et un regard sur sa carrière assez intéressant. Et autre révélation, on va dire plus cinéma pour le coup, qu'il a fait à Variety, en fait il aurait pu faire partie du casting de Suicide Squad pour le rôle de G.Q. Edward, qui est interprété par Scott Eastwood. Donc je sais pas du tout s'il est bon, Scott Eastwood, dans le film dans Suicide Squad. Il est complètement transparent, on le voit quasiment pas, donc... Voilà, ça aurait pu être Shia LaBeouf, mais en fait la Warner a mis son veto. Je crois qu'elle lui a dit non, t'es pas fait pour ce genre de film. C'est vrai que maintenant il fait beaucoup moins de blockbusters, il va plus aller apparemment vers le film d'auteur, le film de cinéma indépendant américain. Peut-être qu'il y reviendra aussi. Bon, en tout cas, je doute qu'il nous joue dans le prochain Spielberg. Je pense pas qu'il va reprendre son rôle de fils d'Indiana Jones. Je pense que c'est compromis pour le cinquième Indiana Jones. Bon, moi je vais vous parler un petit peu d'un projet aussi dont on a entendu parler entre ces deux semaines. C'est le prochain projet de Richard Linklater, hein, celui qui a réalisé Boyhood, qui a donc valu l'Oscar et le Golden Globe du meilleur second rôle à Patricia Arquette, ainsi que le Golden Globe du meilleur film et meilleur réalisateur à Richard Linklater. Là, en fait, on a appris récemment, dans les deux dernières semaines, qu'il prend, comme d'habitude, hein, son habitude, il aime bien passer beaucoup de temps sur ses films, et en fait, depuis 2006, il travaille sur un film. Il travaille sur l'adaptation du roman de Daryl Ponixan, Last Flag Flying, publié en 2005. Donc voilà, il va. En fait, c'est un peu compliqué. C'est une sorte de suite d'un autre film qui était lui-même inspiré d'un livre de Ponixan, à savoir La Dernière Corvée de Hal Ashby, sorti en 1973 avec Jack Nicholson, Randy Quaid et Otis Young. Donc La Dernière Corvée, ce film sorti en 1973, avait valu notamment un prix d'interprétation à Cannes à Jack Nicholson. Et ça racontait l'histoire de but de ski, un sous-officier de l'US Navy aux côtés de son équipier Mull Hall, qui était chargé d'escorter un jeune ado en prison, condamné pour 8 ans. Mais en fait, voilà, comme dans un récit initiatique, ça bousculait un petit peu les plans qui étaient prévus. Et il faisait découvrir la vie un petit peu à ce jeune condamné, finalement. Et donc, cette suite, ce film a inspiré à l'auteur une suite en livre, donc Last Flag Flying, qui se déroule cette fois-ci durant la guerre en Irak. Et les mêmes personnages, donc Billy, Badass, Buduski, Mule, décident d'aider cette fois-ci Larry Meadows à rapatrier le corps de son fils tombé au combat. Donc à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que Richard Linklater avait déjà prévu de réunir le casting du film original, en fait, pour réaliser la suite de la suite Last Flag Flying. Mais bon, voilà, Nicholson est plus ou moins en retraite, ouais, plus ou moins officiel. Il a dit qu'il faisait plus vraiment de choses. Otis Young, malheureusement, est décédé, donc forcément, il a dû un peu improviser, changer de son casting. Et on a eu des news aussi sur ce casting, sur ce projet qui est encore au tout début. C'est Variety qui nous annonce qu'a priori, ça serait Bryan Cranston, Steve Carell et Laurence Fishburne qui seraient en pourparlers avec les studios pour reprendre les différents rôles. Donc, je trouvais l'info intéressante parce que déjà, Richard Linklater, il a une filmographie que voilà, j'ai envie de suivre, on va dire, que je trouve assez... assez intrigante. Et puis les acteurs annoncés, Bryan Cranston, Steve Carell, Laurence Fishburne, moi c'est des acteurs que je trouve assez intéressants aussi et que j'aime bien suivre. Donc c'est un projet qu'on va suivre de près, donc Last Flag Flying de Richard Linklater. D'accord, pas facile à dire, Last Flag Flying. J'ai l'impression que tu vas nous parler de musique, toi, Julien, maintenant. Bon, comme tu veux, si tu veux, je peux continuer dans le cinéma. Écoute, alors si tu peux continuer dans le cinéma, continuons dans le cinéma, hein, tu vas nous parler de Dolan. Ouais, parce qu'en fait, il y a une association acteurs-réalisateurs qui m'a plutôt surprise, qui est plutôt étonnante, puisqu'on a vu quelques images du prochain film de Xavier Dolan qui s'appelle The Death and Life of John F. Donovan. Donc ça va être sa première réalisation en langue anglaise. Hein. Là, pour le coup, il sort un film, je crois, la semaine prochaine. Dans deux semaines, je crois. Dans deux semaines, non, ouais. C'est même là, mercredi juste prochain, la fin du monde, là. Juste la fin du monde, dans deux semaines. Ouais. Donc là, ça va être son premier film anglais. Et pour le coup, on va retrouver dedans Kit Harington. Alors peut-être ça vous dit rien, je pense que ça te parle, mais c'est Jon Snow. Donc Jon Snow chez Dolan, hein, je trouve que c'est quand même une association. Bah écoute, pourquoi pas. Moi, je trouve qu'il a une tête d'acteur qui pourrait faire des films un peu indépendants comme ça. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il a un physique, tu vois, qui passe bien dans ce genre de film. Un peu, il a un peu un physique torturé, Jon Snow, quoi. C'est vrai. Après, au niveau du jeu d'acteur, je sais pas trop parce que bon, dans Game of Thrones, c'est très. J'ai entendu soupirer Dim. Il a un peu, ouais. Il a un peu une seule expression. Moi, la seule fois que je l'ai vu en dehors de Game of Thrones, c'était dans la suite de Silent Hill. Et il était mauvais, mais comme la mort, quoi. Bon, ouais, je l'ai vu dans Cendrillon. Et il était mauvais aussi, donc bon, ça c'est un autre débat. Il mais est voilà. Très bon dans Jon Snow, hein, pour le défendre. Ouais. Donc le film en fait raconte l'histoire d'une star hollywoodienne, donc qui sera jouée par Kit Harington, qui entretient une relation secrète avec un jeune britannique. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en même temps, la rédactrice en chef d'un tabloïd tente de détruire sa vie, donc un truc tabloïd, voilà, donc une histoire amoureuse plus une destruction de cette histoire. Il y a un casting plutôt intéressant et assez éclectique, on va dire, puisqu'on va retrouver donc Kit Harington, Jessica Chastain, Nathalie Portman, Suzanne Sarandon et Adèle, la chanteuse Adèle, qui d'accord. va faire ses premiers pas au cinéma, donc sous la caméra de Dolan. Hein, putain, il y a du beau nom quand même, encore voilà, une fois. Donc, apparemment, Dolan, de ce que je lisais, n'est pas évident en tant que metteur en scène. Donc ouais. Peut-être pour Adèle, ça va être un baptême du feu assez intéressant. Donc, intéressant, en tout cas, comme annonce. Mais du coup, c'est un film américain, ça y est, c'est son ouais. premier film américain. Ouais. Donc, Alors, je ne sais pas si c'est produit, c'est un film en langue anglaise, mais est-ce que c'est produit par des Américains? Je ne sais pas trop comment ils... quels sont intéressant. De bon réseau, de, ouais, de, je ne sais pas si ça va être un film indépendant, si c'est un film produit par un studio. Bon, il y a quand même un gros casting, donc plus Jon Snow dans un... Tu vois, il est bankable, comme on dit. Ah, je pense que c'est bankable, moi, déjà. Mais voilà, que... je trouve ça intéressant de voir... Moi, je suis plutôt client de Dolan, donc... Je suis assez client aussi, je dois l'avouer. On en reparlera, du coup, en fin de podcast, quand on parlera des 15 prochains jours au ciné. Je vais vous parler aussi de deux réalisateurs dont je suis client. Ça va faire terminer notre partie cinéma. Déjà, je vais vous parler d'Alfonso Cuarón. Hein, donc, voilà, on sait qu'il y a eu 3 ans qui s'est déjà déroulé depuis Gravity, qui a été un vrai succès, on peut dire, critique et public, finalement, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur. Et là, on a appris qu'il avait un nouveau projet, on ne sait pas encore grand-chose. Il était déjà associé à des noms, il y avait des rumeurs, notamment quelque chose qui s'appelait Overlook Hotel, qui était un préquel de Shining, qui était potentiellement intéressant sur le papier. On avait également parlé de Cuarón pour Fantastic Beasts and Where to Find Them, donc le spin-off de Harry Potter, sachant qu'il avait déjà réalisé un Harry Potter, hein, Cuarón. Ouais. Donc tout ça, c'était murmuré, mais ce n'était pas certain. Et là, en fait, on a appris plutôt officiellement cette fois-ci qu'il avait un vrai projet et qu'il allait être plutôt un changement radical par rapport à Gravity, puisqu'il s'agit d'une chronique familiale de la classe moyenne de Mexico dans les années 70. Donc ça va être le retour de Cuarón au Mexique une quinzaine d'années après Y tu mama también. Et du coup, voilà, ça m'a intrigué. On n'en sait pas beaucoup plus. Ça va commencer à être tourné cet automne. On va quand même suivre ça de près, parce que mine de rien, c'est le dernier Oscar, enfin Oscar meilleur réalisateur pour Gravity. Moi, j'aime beaucoup Gravity. J'aime beaucoup Les Fils de l'Homme, notamment. Donc, j'ai vraiment envie de suivre ce qu'il va faire. Deuxième projet dont je voulais parler dans les projets qui vont venir. Je crois que tu en avais déjà parlé dans un précédent podcast, Julien. C'est Paul Thomas Anderson. Donc là, on est sûr, hein, maintenant, près d'une décennie après There Will Be Blood, ils vont renouer un partenariat entre Paul Thomas Anderson et Daniel Day-Lewis. Hein ? Donc voilà, les deux monstres du cinéma d'auteur, ou du cinéma même tout court, vont se retrouver dans un drame sur l'univers de la mode, a priori. Hein, donc c'est ça dont on avait parlé. C'est ça, donc voilà, je le répète. Voilà. Finalement, c'est un nouveau film. Donc c'est officiel. C'est officiel. C'est centré sur l'industrie de la mode dans le New York des années 50, a priori. Le tournage débuterait courant 2017, donc on a encore pas mal de temps. Et le drame s'intéresserait donc à la vie du couturier anglais Charles James, auquel donc Daniel Day-Lewis prêterait ses traits. Reste tout ça à prendre avec réserve, c'est encore très secret. En général, ses projets sont assez secrets à Paul Thomas Anderson. Mais voilà, un réalisateur encore que j'affectionne beaucoup, donc je suis content de savoir qu'on va avoir dans quelques années un nouveau film de PTA. Et Julien, on va terminer peut-être la partie divertissement avec justement cette fois-ci de la musique. Alors, si ouais, parce que avant la grande vacance, on avait appris la disparition après 21 ans d'activisme pop de la revue Magic. Ouais, avec tristesse. Voilà, et on avait fait une petite news dessus. Eh bien, retournement de situation. puisque la revue Pop Moderne, hein, comme elle s'appelle, va finalement revenir dans les kiosques en format papier en janvier prochain, donc janvier 2017. Donc en fait, on a appris ça via un communiqué que la rédaction a annoncé cette bonne nouvelle. Il y aura toujours les plumes qui étaient dans Magic, il y aura des nouvelles et il y aura un nouveau rédacteur en chef qui s'appelle Vincent Théval, hein, qui est producteur du label Pop sur France Musique, hein, pour ceux qui connaissent. Et alors l'anecdote sympa, c'est qu'en fait la reprise du journal, elle s'est concrétisée grâce à, je cite donc dans le communiqué, un lecteur passionné de Magic depuis 95 qui s'appelle Luc Broussy et dont la société EHPA Press est devenu propriétaire du titre en juillet. Ça, c'est beau comme histoire. Voilà, donc tu te dis, quelqu'un qui est fan du magazine qu'il rachète, c'est toujours meilleur signe que quelqu'un qui veut faire un coup en rachetant un magazine. C'est ça. On en connaît. Et puis nous, on n'avait pas de tari d'éloge sur Magic et sa qualité de plume et d'interview notamment. Ouais. Et on est content de pouvoir les voir revenir. Je vais peut-être essayer de me rabonner. Ça a peut-être marché cette fois. Peut-être qu'ils auront un service d'abonnement un peu plus performant qu'avant. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Mais parce que c'est vrai que ça manquait dans le paysage. C'est-à-dire que les Inrocks, c'est devenu un peu un news culturel. Donc c'est plus trop consacré complètement à la musique, au cinéma, il y a un peu de tout et beaucoup de n'importe quoi. Il y a les Tsugi, les trucs comme ça. Mais bon. Ouais, alors, mais ça, c'est très musique électronique, mais quelque chose qui était très pop. Il n'y avait plus tellement. Bon, on a toujours Rocket Folk qui est là, qui fait aussi un peu. Voilà, mais qui a aussi une ligne directrice. Ouais, qui a autre chose. Mais je trouve que Magic, ils avaient vraiment une place et ils étaient vraiment sur un segment qui manquait un peu. Très pointu en plus, et je pense j'imagine que vu que c'est un fan qui a racheté le magazine, qu'ils vont garder un peu cette ligne éditoriale. Oui, et puis Vincent Théval du label Pop, c'est plutôt quelqu'un qui est. Ouais, c'est une bonne nouvelle, on ne l'a pas souvent. Bon, ça va conclure notre partie. Ah non, parce que j'ai une news secrète. Ouh là là, on l'a pas vu venir celle-là. Je la dégaine de. Est-ce que tu es prêt, Dimitri, pour la news secrète? En général, il faut deviner des choses. Alors, peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais là, je crois que c'était pendant cet été. La BBC a établi un classement des 100 meilleurs films depuis l'an 2000. Donc, c'est très très court comme période. D'accord, donc depuis 16 ans en fait. Voilà, donc ils ont demandé à 177 critiques cinéma d'établir leur classement. Selon les critiques, d'accord. Voilà, selon les critiques. Hein. Donc, c'est 177 critiques de cinéma du monde entier. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être voir combien vous pouvez m'en donner. On va considérer, je vais pas faire sur les 100, mais sur les, on va dire, je sais pas, 20 ou 30 10, premiers. 15, ouais, voilà, 20. Allez, 20 premiers. Les profs avec Kev Adams. Alors, moi, je connais déjà le premier. On va faire chacun son tour. Pas, je... Ah, c'est dur. Hein. Ah, tu sais le premier, bah, tu peux le dire si tu le sais. Bah, Boyhood. Bah, ou alors je laisse Greg le deuxième. Alors, Greg, t'as dit Boyhood, il est effectivement cinquième. Ah, et attends, et déjà c'est un très bon score, je pense que je suis très fier de moi. Boyhood cinquième, alors vas-y, dis-moi si t'en as un là. Bah, dis pas le premier si t'en devines d'autres, ouais. Ouais, non, mais j'ai juste le premier en tête, alors après les autres, je sais plus. Big Mama, non? Non, non. On est très penché sur lui. Il est 102ème, je crois, donc malheureusement, il a pas plus. Non, mais peut-être Mother, enfin je sais plus comment il s'appelait justement le Dolan là, où il parlait de sa maman là, c'était Mother, Mamie, ouais. Je crois pas qu'il y soit. Comment ça, il y est pas? Alors là, je suis surpris. Ah, attends, je cherche, mais parce qu'il y en a beaucoup, hein, donc. Déjà, est-ce qu'il est sorti aux États-Unis Ah, est-ce que c'est que aux États-Unis? Non, mais non, je veux dire, est-ce qu'il est sorti ailleurs qu'en France? Ouais. Attends, putain, dans les 16 dernières années, en fait, ce qui est difficile, c'est de se dire, est-ce que ça s'est sorti dans les 16 dernières années ou pas? Non, file-nous des indices, vas-y, donne-nous des indices. Bah, essayez de penser aux grands réalisateurs, même qui étaient déjà dans les années 90. Steven Spielberg, il a pas fait de très très bons films dernièrement. Je crois qu'il a qu'un film, Spielberg. Bah, alors là, je vois le film pas, qui est numéro 1, on a cité son réalisateur tout à l'heure. Ouais. On a déjà parlé de ça? Ouais, c'est un réalisateur qui fait plus de films maintenant. Il fait de la méditation transcendantale. Ah, c'est, Lynch. Ouais. Ah, c'est Mulholland Drive. Ouais, Mulholland Drive, qui est le numéro 1, qui revient très très souvent. Ah, c'est mon film préféré de Lynch, donc je suis entièrement d'accord avec ce choix. Non, mais c'est assez difficile, du coup, vas-y, donne-nous un petit peu des noms, donne-nous à manger. Parce que alors, moi, je vois pas, je sais pas si toi, Dim, t'en as certains en tête là, mais. J'ai juste retenu Mulholland Drive, en fait. Ah, c'est difficile à deviner, en donc fait. Là, on vient de parler juste avant d'un réalisateur que t'affectionnes beaucoup. Ah bah ouais, du coup, There Will Be Blood, il est... Ah oui, mais troisième. Tu vois, j'avais hésité. Troisième meilleur film, hein, 2007. Ah, 2007, en fait, ouais, non, c'est largement bon, en fait. Gravity, du coup, ce genre de truc, est-ce qu'il doit être dedans? Il n'y a pas Gravity. Ou c'est trop gros, peut-être? Non, parce qu'il y a un peu de tout, hein, mais... Mark West, There Will Be Blood, c'était quand même déjà un gros budget. Bah, tu voulais que j'en cite quelques-uns? Bah, vas-y. Donc, Mulholland Drive est premier, le deuxième, c'est In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. D'accord, ok. Putain, ouais. Le quatrième, c'est un Miyazaki, c'est donc Spirit Away, donc c'est Chihiro. D'accord. Le voyage de Chihiro. Cinquième, Boyhood, hein, tu l'as dit. Premier français, c'est Michel Gondry, qui est sixième avec Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Terrence Malick avec Tree of Life. J'aurais peut-être pas mis si haut, moi. C'est hyper haut, je trouve. Ouais, après, c'est un film assez particulier. La ligne rouge, ça date de quand? C'est avant, ça va être dans les années 90. Ouais, parce que j'aurais mis celui-là plus haut quand même. Film aussi, je crois qu'il est chinois, Edward Yang, c'est Yi Yi. Que j'ai vu, qui est plutôt un beau film. Je suis encore étonné de la place de Wong Kar-wai, si tu veux, là. Du deuxième. Into the Love. Ouais, je suis pas aussi fan que ça, moi, disons. Enfin bon, bref, c'est personnel, hein, mais bon, voilà. Le film d'Asghar Farhadi, dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Une Séparation. Très beau film. Putain, il est bien classé. Il est 9e. No Country for All Men des frères Cohen. Moi, qui est peut-être le frère Cohen que je préfère dans les années 2000. Par contre, juste au-dessus, Inside Llewyn Davis des frères Cohen, qui est un bon film. Ouais. Alors, il va être 11e meilleur film des années 2000-2016. Ouais, non, je suis pas d'accord non plus. C'est quand même bien classé, mais c'est clair. Hein. Surtout le mettre devant Zodiac de Fincher, qui est quand même pour moi. Qui est un de tes films préférés. Ouais, qui est un des meilleurs films. Qui est un très bon film. Ouais. Mais il y a un autre film. Il n'y a pas de Social Network. Si, mais il est un peu plus haut. Il est, parce que moi, j'allais le mettre, il est 27e. Je l'aurais mis haut, moi, celui-là. Après, y a on parlait d'Alfonso Cuarón, il y a Children of Men, donc 13e. Ah bien, ouais. Act of Killing, alors je ne sais pas du tout, Joshua Oppenheimer. Act of Killing. Peut-être que le titre français est différent, j'ai la version... Donc il y a le film qui avait eu la palme d'or à Cannes, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, du roumain Christian Mugiu. Encore un français, Holy Motors de Léo Scarax. D'accord. Et ensuite, on a Labyrinthe de Pan, je trouve un peu haut quand même. Bon, j'aime bien Labyrinthe de Pan, mais c'était dans les années 2000, ça. C'est un bon film quand même. Ouais, 2006. Ah putain, ouais. Tu vois, en fait, c'est ça qui est difficile dans cette question. Moi, j'ai l'impression que ça date d'il y a 20 ans, ce truc-là. Le Ruban Blanc de Michael Haneke. Ouais, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu plutôt intéressant. J'ai pas mal de réserves sur le film, mais ça reste un bon film des années 2000. Mad Max Fury Road, qui est 19e. Ah ouais. Putain, c'est vrai, un film récent. On est nul, Dim, en fait. Hein. Je suis pas perçu en entendant les titres. On est nul en fait en entendant les titres. Ouais, t'as vu trouver. Ah ouais, c'est facile en fait. Un Charlie Kaufman, moi je l'ai pas vu celui-là, Synecdoche New York. Ah, je l'ai pas vu non plus. Ouais. Ah, moi non plus. Intéressant. Alors après, on a. Voilà, alors le truc qu'il faut noter, c'est qu'il y a que un Tarantino. D'accord. Inglourious Bastard. Plutôt Midian Go. Ouais, Inglourious Bastard n'est pas son meilleur film. Hein. Il y a deux Nolan, hein, je crois. Il y a Memento et il doit y avoir Inception. Il y a Dark Knight, il y a trois Nolan. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup trop. Ouais, c'est beaucoup. Zéro suffisant. Moi, je préfère plus. Voilà, j'aurais pas dit comme toi, mais disons que je trouve que c'est beaucoup quand même aussi. Donc après, on trouve Old Boy aussi. Ouais, ok. Qui est 29e. On trouve pas mal aussi de Pixar. Donc je crois qu'il y a Ratatouille, il y a Wall-E. C'est là où tu réalises qu'en fait les 16 dernières années ont été quand même assez riches en termes de cinéma finalement. Ah ouais, ouais. Quand tu vois la liste là, je me dis mais en fait la plupart de ces films dans ma tête étaient entre guillemets vieux et machin, mais en fait ils ont ils ont 15-16 ans. C'est... Et alors pour les films français, pour faire un peu du cocorico, il y a donc, je parlais de Léo Scarax. Bon, Eternal Sunshine, c'est un peu différent, c'est un film de Gondry, mais c'est un film en langue anglaise. Ouais. Il y a La vie d'Adèle de Kechiche, moi que j'aurais mis beaucoup plus haut que 45e. Il y a Claire Denis aussi avec White Material et Carlos de la Sayas. Ouais. Voilà, je trouve qu'il manque quand même un dépléchin. Moi, j'aurais mis un dépléchin. Non, voilà. Il faut leur écrire. Après, je sais plus les dates de Roi et Reine ou de Un conte de Noël ou même le dernier qui est un conte de Noël, c'est récent. Hein. C'est récent, ouais, ça doit être 2007 ou 2008. Ouais, ouais. Même le dernier, Trois souvenirs de ma jeunesse, qui est vraiment. Ah, vraiment tu le mettrais excellent. Carrément dans les 100 premiers, hein, Trois souvenirs de ma jeunesse. Ouais, peut-être plus Roi et Reine. Ouais. Peut-être le film le plus somme. Donc, pas mal de films asiatiques aussi. On parle de Miyazaki, de Wong Kar-wai. Il y a aussi, alors moi, un réalisateur qui est très très couru par la critique, qui est Happy Chapong, Where Is It Cool. Ah oui, donc c'est. Tropical Malady, mon oncle. Mon oncle Bonnemi, là. Bonnemi, ouais. Moi, j'ai vu surtout Tropical Malady, exclusivement Tropical Malady. Qui fait beaucoup rire, j'avoue que c'est une private joke avec ma femme, ce mec, parce que l'année où il a gagné la palme, là, avec mon oncle Bonnemi, tu vois, c'est un film qui dure, genre, il a l'air de durer 3h30, ça se passe dans les bois, tu vois, des trucs chelous. Tu te dis, mais c'est vraiment le truc. Il n'y a que à Cannes que tu peux voir ça. Quoi. C'est très, c'est un cinéaste qui est très couru par la critique. Très conceptuel, très le truc que tu verras jamais à part en temps dormant. Enfin, je dis ça, j'en ai absolument, bien sûr, jamais vu un seul et je critique sans avoir vu. Je suis comme ça, comme un gros beau. Donc voilà ce qu'on disait, il n'y a qu'un Spielberg, je ne sais plus lequel c'est. Il y a un seul Tarantino, un seul Scorsese, mais ça ne m'étonne pas trop. Il y a trois Nolan. Ouais. Mais en même temps, Scorsese, c'est pas si meilleure période. Et même Tarantino. Le Loup de Wall Street est un bon film. Bah, il y est. Ouais. Ah oui. C'est quand même un très bon film. Mais c'est à mon avis le seul très bon Scorsese des années 2000. C'est pas faux, mais par contre il mérite d'être très haut, je trouve. Enfin perso, enfin voilà. Je sais plus combien il est, mais il y a pas de, par exemple, il y a pas de Gus Van Sant. Il parle d'Elephant. Mulholland Drive le premier, il y a pas Elephant. Ouais. Tu dis Elephant, pour moi je l'aurais mis dans les, peut-être c'est dans les 20 films. Si, les plus je pense importants. Que si Stan nous écoute, je crois que lui il l'aurait quasiment mis dans les 5 premiers, parce que je crois que c'est un de ses films cultes. Mais classement intéressant, voilà, et c'est vrai que ça fait réaliser quand même qu'on a eu du bon matos au cinéma. On a beau se plaindre, hein, Dim, on a passé quand même pas mal d'heures au cinéma ensemble à voir des daubes, des Vercingétorix, ce genre de conneries. Des Dracula 2000, là. Tu vois, il y avait du monde, mais alors ça, pour voir les bons films, on n'est pas capable d'en trouver. Hein. Donc juste pour rappeler le podium, hein, donc... Numéro 1, c'est Mulholland Drive de Lynch. In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Voilà, hein, je te sens sceptique. Voilà, ouais. Donc pour le premier, je suis d'accord. Et après, There Will Be Blood, hein, de Paul Thomas Anderson. Tu vois, entre There Will Be Blood et Mulholland Drive, je crois que je mettrais There Will Be Blood. Pour le côté, le formalisme de la réalisation me plaît plus que dans Mulholland Drive. Après, voilà, Mulholland Drive est une expérience qui est quand même assez hallucinante à vivre, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais classement intéressant. Ouais. Je mettrais juste Zodiac plus haut. Parce que... Et les Tortues Ninja 2, qui n'est pas dans le classement. Ouais. Dimitri le mettrait en numéro 3. Bon, ça va nous faire partir. Ça y est. Est-ce qu'on a terminé avec les news art ludiques, du coup? Avec les news divertissement. Ouais, c'est bon. Non, bah, on va se retrouver pour les news art ludiques tout de suite. Partie art ludique, on va donc parler principalement de jeux vidéo hein, dans cette partie art ludique. Et notamment, Julien, t'as pas mal de petites actus. Au début, on s'est dit on a rien. Puis finalement, dans les derniers jours, ça s'est un peu précipité. Ouais, c'est-à-dire que là, ça a vraiment repris, notamment avec le PlayStation Meeting. On a eu le 1er septembre un Nintendo Direct dont on parlera juste après. Ouais. Mais c'est vraiment le PlayStation Meeting qui était la conférence la plus attendue. C'était le 7 septembre à 21h, heure française. Et il y avait des rumeurs qui traînaient sur Internet depuis des mois. On avait déjà des machines déballées, des choses comme ça. On avait déjà tout vu. Non, mais c'était hallucinant. Et alors du coup, qu'est-ce que t'en as retenu de ce PlayStation Meeting? Alors ça ressemblait un peu à une keynote d'Apple, hein, ouais, tu vois, le côté. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment soporifique. Ça a duré une heure. C'est pas faux. C'est-à-dire que depuis quelques années, Sony était coutumier du fait, mais avant l'époque PS4. C'est-à-dire depuis, je trouve qu'ils avaient vraiment fait des bonnes conférences. C'était souvent très très rythmé. On pense notamment à la dernière conférence E3 qui était excellente, hyper réussi, avec l'orchestre et avec du jeu. Là, on a eu quand même pas mal d'auto-congratulations, pas mal d'explications techniques. Bon, en même temps, ils présentaient du hardware. On va pas non plus leur demander quand ils présentent du hardware de parler des jeux. Mais j'ai trouvé, notamment par les intervenants, donc c'était Andrew House qui présentait et Mark Cerny, donc qui est l'architecte de la PS4 et également le créateur de NAC, hein, Nobody's Perfect, qui a vraiment une voix soporifique. Alors, à part s'il vient chez toi pour endormir tes enfants, mais tu sais, il a une voix d'intelligence artificielle. Tu sais, quand tu l'entends, il parle hyper lentement, tu sais, avec une espèce de voix un peu robotique. Ouais, c'est pas faux. Ah, il m'a fait flipper. Et après, on a eu le défilé des pontes de tous les studios donc pour présenter le Call of Duty, le Mass Effect Andromeda. Donc, je trouvais que ce n'était pas une conférence très rythmée. Après, il y avait quand même des annonces, notamment la PS4 Slim. Hein, tu en parlais juste là. Bon, c'était leaké avant. Ouais, des gens, je ne sais pas où, en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Ils l'ont déjà acheté. Ils l'ont déjà depuis 3 mois. Ah ouais, il y avait déjà des unboxings, alors qu'elle n'était même pas annoncée. C'est fou, ça. Bon, ceci dit, hein, c'est pas très très grave dans le sens où les Slim, c'est souvent des. Ouais. On les annonce, on les sort une semaine après. On s'y attendait largement, enfin tout le monde le savait. Ouais. Elle sort vendredi, je crois. Hein. Oui, c'est ça, elle sort là au milieu. Super du rapidement, mois. Donc elle vient pour remplacer la PlayStation 4 de base. C'est un modèle plus petit, on espère qu'il fera moins de bruit, puisque c'est, à mon avis, un des problèmes de la PS4. À 299€, ouais, c'est ça. 299€, donc un tarif quand même assez intéressant. Assez intéressant pour une console quand même PS4, voilà, qui a déjà bien vécu et qui est encore assez puissante, etc. 299€ pour une Slim, c'est pas mal, là, je trouve. C'est pas mal, c'est un bon prix. Bah, c'est le même prix que la One S. C'est ça. Voilà. Donc là, ouais, ça y est, on a un marché des Slim, on va dire, qui est déjà à maturation et qui est là. C'est une bonne nouvelle. C'était pas la seule annonce. Est-ce que c'est. Enfin, je sais pas si tu veux en dire plus sur la Slim. Non. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. Non, c'est, voilà, les Slim, c'est, bon, c'est surtout la plus, en fait, la Pro. Oui. Donc la PS4 Pro, qu'on appelait avant Pro. PS4K, PS4 Neo. On savait pas comment l'appeler. Donc Pro, déjà, alors le nom, bon, c'était très un mal peu choisi. Une surprise. C'est très très mal choisi, je trouve. Ça fait très Apple, hein, très iPad Pro. À qui ça s'adresse? Qu'est-ce que ça veut dire Pro? Parce que Pro, ça renvoie plutôt pour nous au monde professionnel. Bah, c'est ça. Donc tu te dis, c'est une PS4 pour les entreprises. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va jouer dans les. Attends, je vais aimer aller au boulot. On va jouer à God of War au boulot. Bon, c'est cool. Mais non, donc Pro, ça s'adresse plutôt donc aux pro gamers, j'ai envie de dire. Tu vois, aux gens qui en veulent plus. Je sais pas. C'est ce qu'ils laissent sous-entendre, mais j'avoue que le nom m'a un peu choqué. C'est un peu mal choisi, puis bon, on va dire sur les caractéristiques techniques, tu vas en parler, mais est-ce que c'est vraiment pro? Alors, 399€, donc ils sont au prix du lancement de ce qu'on appelle la Vanilla, la première PS4. Donc ça sort le 10 novembre, assez rapide quand même, parce qu'on pouvait plutôt, on avait un peu peur que ça sorte plutôt en mars. Ouais. Mais bon, voilà, c'est une annonce assez rapprochée, c'est pas une nouvelle. C'est pas la PlayStation 5, donc c'est une nouvelle machine PS4 dans la gamme PlayStation 4. C'est comme un iPhone S, quoi, quelque voilà, part. Voilà. On est dans cette comparaison, puisque pour parler un peu de ce que c'est concrètement, donc cette PS4 donc Pro... Donc c'est une machine deux fois plus puissante. Donc maintenant, c'est l'unité de mesure de la puissance, c'est les teraflops. Donc je crois qu'elle est à 4,8 teraflops. Ce qui est déjà quand même assez conséquent. Voilà, donc elle est en gros deux fois plus puissante qu'une PS4 de base. Donc Sony a vraiment mis en avant... Le 4K, je mets entre des guillemets à 4K parce qu'on est plutôt dans l'UHD. Hein, le 4K, c'est encore un format qui est un peu bâtard. Qui n'existera pas vraiment. Qui n'existera pas vraiment. Non, voilà. On va rester entre l'UHD et puis après, on passera à autre chose. Et le HDR. Ouais. Donc, alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont beaucoup parlé de ça. la conférence, alors ils ont fait des graphiques où tu vois des fenêtres en disant regardez. Donc après, ils ont montré le HDR, ce que l'œil humain voit. Le HDR, c'est un principe de couleur plus avancée dans la gamme chromatique. Sur la lumière, en fait. Travailler sur la lumière. Sauf que l'HDR, ça va servir que pour les jeux, puisqu'en fait, dedans, il n'y a pas de lecteur UHD, ce qui était une des grosses surprises quand même de cette annonce, puisqu'on voit que la Xbox One S a un lecteur UHD Blu-ray. Ouais. Et là, il n'y en aura pas. Mm. Donc, ils ont justifié en disant que maintenant, c'était plutôt les contenus dématérialisés qui fonctionnaient. Ouais. Donc, sauf que le HDR, ça fonctionne uniquement sur les Blu-ray en disque. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas de HDR via Netflix, par exemple. Pas pour l'instant. Peut-être qu'ils vont trouver un truc ou qu'il y a des négociations qui sont en cours parce qu'ils ont quand même fait ce choix qui est un parti pris qui est assez fort, effectivement. Ouais. J'imagine que derrière, ils ont de quoi dire oui, en fait, on a fait ce choix parce que voilà, on sait qu'il y a du contenu qui arrive ou un truc. Enfin, j'imagine qu'il y a quelque chose parce que c'est vrai que c'est un peu surprenant. Alors, est-ce que certains avancent que c'est des raisons de prix ? C'est-à-dire, si tu veux maintenir une console à 399 qui soit deux fois plus puissante que PS4 qui intègre un lecteur UHD, on sait aussi que Sony n'a pas encore lancé ses propres lecteurs UHD. Ouais. Je crois que c'est à l'année prochaine qu'ils lanceront les premiers ou peut-être là, je sais plus. Ils veulent pas se cannibaliser en fait. Enfin... Ouais, et puis je pense qu'ils ont peut-être ils se sont souvenus de l'erreur qu'ils avaient fait avec la PS3 avec le lecteur Blu-ray qui faisait vraiment gonfler le prix de la machine à 600€ au lancement. Mm. Donc là, c'est vrai que 400€ maintenant c'est le prix de base de tout leur device. La première PlayStation 4 c'était 399, le PlayStation VR c'est 399. Donc peut-être que c'est un prix aussi un prix psychologique, un prix palier qu'ils veulent pas franchir. Peut-être, ouais. Voilà, mais donc c'est un peu bizarre de faire une promotion de la 4K de l'UHD, sachant que tu as beaucoup de limitations. Alors peut-être que s'il l'avait vendu, c'est vrai qu'on a déjà du mal à faire du 1080p 60 images par seconde. Alors te vendre de la 4K, parce qu'il faut savoir que ça ne sera pas forcément de la 4K native aujourd'hui, mais sur un gros PC pour faire de la 4K native sur un AAA, c'est pas vraiment possible. Mm. Donc t'imagines sur une console à 400€. Non, c'est clair, c'est pas possible. Donc ça sera de l'upscale, ça sera peut-être. Alors je sais pas, dans The Witness, il y aura des menus en 4K. En 4K native. Waouh, il est trop beau ce menu. Alors apparemment, quand même, je crois que c'est le dernier Tomb Raider. Alors ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est qu'ils vont proposer plusieurs options. C'est-à-dire tu pourras être en 4K 30 fps, tu pourras être en 1080p 60 images secondes et un autre truc, je sais plus. Enfin voilà, c'est-à-dire que tu auras des choix un peu comme tu as sur PC. Tu fais ton compromis quoi. Tu fais ton compromis. On voyait ça déjà dans le jeu Nioh, tu pouvais choisir entre la fluidité, c'est-à-dire le nombre de FPS et les effets. Mmh. Voilà, on sait qu'aujourd'hui l'industrie elle est plutôt côté effet, c'est-à-dire qu'on est plutôt là à essayer que le jeu soit le plus beau possible. Alors que pour en mettre plein la vue. Les joueurs sont plutôt côté FPS. Alors que les joueurs aimeraient bien qu'on soit plutôt du côté FPS et qu'on arrête le 30 FPS, voire même pas locké. Donc voilà, je trouve que c'était un positionnement un peu étonnant de faire la promo sur ça. Alors après, ils ont quand même montré des jeux. Donc montrer des jeux qui étaient ils le montraient en version 4K et après ils montraient la version qui était avant en 1080p. Sauf que quand tu regardes ça sur un stream, mauvaise qualité... Bah oui, déjà ton écran n'est pas 4K, donc tu vois pas la différence en fait. Enfin... Donc ils essayaient d'expliquer, avec notamment pour le HDR, ce que ça l'apportait, la lumière, ils essayaient de montrer des schémas. Tu sais, quand tu passes, par exemple, tu fais un balayage, et c'est, à un moment c'est tout flou. Mmh. Et après, ouais, la 4K, regarde comme c'est net. Ouais, t'as l'impression qu'avant, t'étais... C'est les experts, tu sais. Bah, avant, t'avais besoin d'aller chez l'ophtalmo, quoi. Bah... Tu voyais les trucs, tu... Ah, mais c'est très laborieux, en fait, comme démonstration, juste pour dire qu'ils vont faire des belles images, quoi, concrètement. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils arrivent à justifier ce prix de 100€. Bon, c'est compliqué, parce que l'argument de la 4K, visiblement, c'était pas le bon. En tout cas, ils ont eu du mal à le faire passer. Ouais. Et en plus, ils ont du mal dans les aspects techniques après à le supporter. C'est-à-dire, comme tu le dis, l'UHD, on va pas le voir en fait concrètement tout de suite. Surtout que ce que disait un des pontes de Sony, c'était que ce qui avait motivé la sortie de la PS4 Pro, c'était vraiment le marché 4K qui pourrait, selon eux, exploser. Moi, j'y crois moyennement, mais voilà. C'est qui... tôt, hein. Faut voir le renouvellement des télés, Perso, ça me paraît hyper tôt, mais bon, bref, ça c'est un autre point. J'imagine que derrière, il y avait aussi, je crois qu'on n'a pas encore trop parlé, mais l'idée de mieux peut-être supporter la réalité virtuelle. Ouais, alors ils en ont parlé, mais ils n'en ont pas parlé tellement. Et pourtant, c'est ce que j'avais compris comme ça, moi, à la base, en fait, la PS4, Neo, 4K, etc. J'avais compris que, ils sortent leur casque de réalité virtuelle. Leur console actuelle peut le faire tourner, mais va souffrir beaucoup et vous allez entendre votre ventilo, mais comme jamais. Et du coup, ils se sont peut-être dit on va donner un peu plus de puissance pour pouvoir mieux faire tourner ça et rendre l'expérience plus profitable. Je pense que ça sera le cas. Après, là, ils l'ont pas forcément. Ils en ont un petit peu parlé, mais ils ne sont pas forcément insistés. Après, c'est toujours le problème de la VR. Comment tu montes de la VR ? Ça, c'est toujours un problème. Ils ont montré, je crois que c'est Farpoint, qui apparemment bénéficiait, d'après ceux qui l'ont testé, il n'y a pas une grosse différence avec la version, mais peut-être que faut voir les prochains jeux qui vont arriver après sur VR, Voilà, c'est toujours bien d'avoir un gain de puissance supplémentaire pour la VR, parce qu'on sait que la PS4 va être un peu légère pour faire vraiment tourner de la bonne VR, donc c'est pas un mal. Mais c'est vrai que là, ils l'ont pas forcément mis en avant. Mais c'est curieux, cette PS4 4 Pro, du coup, enfin PS4 Pro, pardon. Ouais, c'est ça, c'est finalement, moi je me suis demandé, est-ce que c'était le bon timing pour eux ? Est-ce que c'est une bonne idée de sortir que Sony ? On sait que finalement, c'est une vraie bonne question, ça, la NX va arriver après, ouais. On aura la Scorpio qui est annoncée comme un monstre de puissance, on verra. On a le temps, ouais. C'est plutôt fin d'année. Est-ce qu'ils avaient besoin comme ça de se précipiter, alors qu'ils dominent nettement la gêne ? Ouais. Y a pas, voilà, même si la PS4 parfois elle rame sur certains trucs, je veux dire, le grand public s'en fout un peu, que ton jeu il soit à 30 FPS ou à 60 FPS, c'est pas un truc qui vraiment intéresse le grand public. Donc je sais pas, est-ce que c'était le bon timing ? Ça m'a posé une vraie question, et en fait j'ai plus l'impression que c'est une question où ils se sont répondus par l'affirmative, par la positive, plus pour un point de vue stratégique et de ce qu'ils voudraient faire sur le marché, plus de ce qu'il est vraiment en ce moment. Et concrètement, ce qu'ils veulent faire sur le marché, c'est qu'ils veulent l'appeliser, ils veulent l'iPhoneiser, ils veulent faire voilà, des PS4K, S, PS4S, PS4 Slim, S bleu, violette, machin, en sortir une tous les deux ans pour qu'en fait raccourcir... Élargir la gamme. Élargir la gamme et raccourcir le cycle de vente, parce que concrètement, ils ne peuvent pas être face... Concrètement, là, les concurrents de Nintendo et de Sony aujourd'hui et de Microsoft, c'est pas... Enfin, bien sûr, Sony est concurrent de Microsoft, mais ils sont aussi concurrents face à Apple, qui va vendre des applications de jeux ou qui va en proposer. Et du coup, les cycles de renouvellement des machines téléphones mobiles n'est pas du tout le même que des machines de consoles qu'on a chez nous. Et eux, ils veulent raccourcir ce cycle-là. Ils veulent essayer de tout faire pour pouvoir vendre des machines plus souvent et du coup, augmenter un petit peu leur performance pour pouvoir inciter les gens à se rééquiper, etc. etc. En gros, ils veulent raccourcir leur cycle de vente pour se faire plus d'argent et coller mieux à ce que proposent les téléphones portables. Ouais. Il y a aussi de coller plus au marché. C'est-à-dire que maintenant, 3 ans, la PS4, elle commence. C'est-à-dire que c'est une console qui était pas hyper puissante à la base. Il y avait eu des compromis. La One, c'est encore moins puissante. Mais il y avait eu des compromis qui avaient été faits pour trouver un juste prix. C'est ça. Et maintenant, tu vois, par rapport à un gros PC, c'est à la ramasse. Donc peut-être aussi, ça permet d'être plus agile technologiquement. C'est plus de puissance pour les développeurs. Donc c'est aussi un calcul qui se fait dans ce sens-là aussi. Après, tu sens que c'est un peu au forceps, quoi. C'est un peu genre, nous, on veut que notre marché se raccourcisse, on veut que nos cycles de vente se raccourcissent et se rapprochent de ceux, pourquoi pas, entre le PC et le smartphone, quelque part. Tu vois, un PC, tu changes tous les 2 ans et demi, 3 ans. Smartphone, tu peux le changer tous les ans et demi. Eux, ils voudraient être entre ça. J'ai l'impression qu'ils veulent nous faire changer de console à peu près tous les 3 ans maintenant. C'est bien, hein, ils ont cette intention. Maintenant, est-ce que ça va prendre ? Là, ça fait vraiment forcément, je trouve, cette PS4 Pro. Genre, voilà la nouvelle PS4. En plus, il n'y aura pas de jeu vraiment dédié à celle-ci. Donc, non, ça, c'est aussi une de leurs volontés de ne pas segmenter le marché. Voilà, alors ils veulent segmenter le marché, mais sans le segmenter vraiment. Et ils veulent plutôt segmenter les cibles. C'est-à-dire, en fait, tu as une PS4, on va dire, premier prix. Ouais. 299€, c'est un prix assez agressif pour le grand public. Et une PS4, on va dire, haut de gamme. Bah, je me pose vraiment la question de qui va l'acheter, en fait. Enfin, c'est vraiment ma question. Je me dis, les gens qui voulaient vraiment une PS4, qui sont vraiment des joueurs intense, ils ont leur PS4 depuis 3 ans, tu vois, ils l'ont acheté le jour de la sortie limite. Du coup, est-ce qu'ils vont se racheter une PS4 juste encore un peu plus puissante pour voir ? Après, je pense pas qu'il y ait de risque pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont toujours leur PS4 qu'ils vont vendre 299€, que la Pro marche moins bien ou qu'elle s'adresse vraiment aux fans de la marque, à des gens qui veulent un peu plus de puissance, c'est pas très risqué en fait. C'est pas un risque, mais un peu quand même, parce que plus tu inondes les consommateurs de produits différents, plus tu les perds aussi quelque part. D'autant qu'il faut rappeler que là, ils vont sortir, donc ils ont sorti la Slim, là, ils sortent la Slim le 15, ouais. Le 13 octobre, le PSVR, ouais. Le 10 novembre, la PS4 Pro. Donc ils ont trois hardware en 2 mois, donc c'est quand même pas facile à vendre. Moi je dis qu'il y a un petit risque. Toi tu vas l'acheter le PSVR ? Ouais, moi je l'ai commandé, donc je sais pas encore si je vais acheter la Pro, peut-être. D'accord. On verra. Et Dim, alors je sais pas si t'avais un avis sur... T'as une PS4 déjà ? Ouais, moi j'ai déjà une PS4, je compte pas la changer, quoi, parce que bon... Enfin, disons que c'est vrai que si c'est plus dédié pour la 4K et tout, moi j'ai pas de télé 4K, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Après, ouais, faut voir aussi plus pour tout ce qui est fonctionnalité du casque PSVR. Si ça apporte vraiment une vraie plus-value, après je me dis pourquoi pas. Si j'attends déjà de voir ce que va donner la réalité virtuelle sur PlayStation, quoi, si ça vaut vraiment le coup, si c'est pas juste un gadget. Après, pourquoi pas, quoi. Je pourrais peut-être basculer sur la Pro, mais pour l'instant, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Même si t'as pas de télé 4K, tu devrais normalement avoir des jeux qui sont plus fluides, avec plus d'effets. Tu peux aussi bénéficier, c'est vrai qu'ils l'ont pas forcément mis en avant, mais c'est aussi ce que beaucoup de monde attend. Il faut savoir que le parc des télé 4K, je crois que c'est 7%. C'est ridicule. Ridicule. Mais ça veut dire que même si t'as pas de télé 4K, tu pourrais quand même avoir une machine un peu plus qui rame moins, qui a plus d'effets. Donc ça peut être aussi intéressant pour les gens qui ont que, entre guillemets, une télé ultra HD. Une télé HD. Après, faut voir aussi si ça vaut vraiment le coup, quoi. Je sais pas si toi, par exemple, qui a une PS4, si ça te gêne vraiment, si ça ralentit ou pas. Moi, je me suis jamais trop senti lésé par rapport à ça, quoi. Non, après, c'est quand tu vois la différence finalement. C'est-à-dire quand t'as ton jeu et que finalement t'as pas d'autres éléments de comparaison. Là, peut-être que si à un moment tu le vois tourner en 60 FPS et toi t'as ton truc à 30. Bon, après, c'est le principe quand t'es pas joueur PC, hein. C'est-à-dire que tu vois, je sais pas, Witcher 3 à fond sur PC et tu l'as sur PS4 ou One, bah c'est pas le même. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça peut influencer, effectivement, toi, si tu vas acheter donc le casque VR. Ouais. Moi, c'est surtout pour le casque. Si l'expérience avec le casque VR, tu as des ralentissements, etc., ce genre de choses, ça va vite te donner la nausée. Et si c'est beaucoup plus fluide sur la PS4 Pro, là, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'acheter, tu vois. Si t'as vraiment envie de faire une super expérience en VR, mais après, c'est vrai que. Je pense qu'on pourra peut-être plus se faire un avis au lancement du casque. Mmh. C'est là, à mon avis, on pourra vraiment voir les différences. Après, pour revenir sur la PS4 Pro, là où aussi elle peut marquer des points, c'est justement sur les joueurs PC qui sont des très gros gamers et qui veulent peut-être faire les exclus PS4 classiques, par exemple Uncharted 4 qui n'est pas sorti sur PC. Ça peut peut-être les intéresser, quoi, de le faire en 60 FPS. Peut-être ce genre de public. Ouais. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un public en tout cas restreint. Je pense que Sony le sait. Hein. Oui, ça reste pas d'idée. Ouais. Et alors, parce qu'on parlait après par rapport à la concurrence, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, je ne pense pas que la NX jouera dans le même. Ah, bah ça, on va en parler justement. Voilà, mais par exemple, par rapport à la Scorpio, c'est-à-dire qu'on sait que la Scorpio va arriver plus tard, donc maintenant, on voit mal Sony, après la Scorpio, ressortir une PS4K+, enfin PS4 Pro+, qu'elle pourrait, mais. Ça sera plutôt la PS5, je pense, qui sera en concurrence de la Scorpio. J'ai l'impression que c'est vraiment la génération d'après, la Scorpio, et du coup, la PS5 sera en face, parce qu'en plus, la Scorpio, quand même, si je me souviens vaguement des caractéristiques annoncées, mettait encore une grosse claque par rapport à la PS4 Pro qui va sortir là. Ouais. Donc, je pense pas qu'ils essayent de concurrencer ou de court-circuiter Microsoft, qui eux-mêmes ont fait un espèce de move assez étrange en annonçant ce truc-là. On en avait parlé, on comprenait pas cette annonce. On sait pas encore les conséquences que ça aura, parce que c'est quand même très très lointain. Et puis, ils peuvent très bien nous dire, finalement, on a changé le projet et l'architecture de la console appelée Scorpio va encore évoluer et fait autre chose. Mais parce qu'un an dans la technologie, c'est long quand même. Ah, c'est très long, ouais. Et ce qu'ils avaient annoncé n'était pas définitif, je pense. Enfin, tu vois, c'était pas écrit dans le marbre. Donc, non, je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Bon, c'est vrai que le concurrent le plus proche, finalement, en termes de console de salon pour la PS4 Pro, en termes de timing, j'entends, ça sera du coup peut-être la NX, en fait. Oui, donc tu voulais savoir les rumeurs. Pour vous cacher, on ne vous cache rien dans le podcast. On s'est dit, mais moi, j'ai dit à Julien, je ferais bien un point NX parce que j'ai rien suivi de l'été. Et comme Julien, lui, il suit beaucoup l'actualité jeux vidéo, j'ai envie qu'il me fasse un point rumeur parce que j'ai quand même lu des petits trucs, genre ça serait peut-être des cartouches, il y aura peut-être des écrans, il n'y aura peut-être pas de zonage. Enfin, j'ai lu ce genre de rumeurs. Toi, qu'est-ce que tu as entendu en fait pour l'instant sur la NX? Tu m'as dit tout à l'heure même, il est possible qu'elle soit annoncée là pendant qu'on enregistre. Ouais, alors c'est une des rumeurs qui court comme quoi elle serait présentée juste là pendant le TGS, puisque le TGS ouvre demain ou après-demain. Je crois que demain il y a la conférence Sony mardi. C'est ça. Donc on est le 12 septembre, donc voilà, dans le 13-14 septembre, là, elle serait annoncée. Ouais, donc hier, il y a eu, alors ce qu'on appelle les insiders, les gens ne savent pas trop d'où ils pop, ils sont sur NeoGAF, ils ont un compte soi-disant certifié. Donc quelqu'un a dit qu'il l'annoncerait aujourd'hui pour une présentation demain ou après-demain. Donc le 12 septembre serait annoncée la NX. Alors, aujourd'hui, donc on est le 12. Ouais. Ça serait annoncé demain, d'accord, donc le 13. D'accord. Enfin, elle serait présentée demain, le 13 ou le 14. D'accord. Pour toujours une sortie en mars, a priori. Pour toujours la sortie en mars, ça n'a pas bougé. D'accord. C'est Nintendo qui l'avait annoncé. C'est un des seuls éléments officiels qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, eux ont toujours dit on parlera de la NX avant la fin de l'année. Voilà. Il leur reste du temps quand même. Autre rumeur, c'était plutôt une présentation qui serait sur début octobre, les tout premiers jours d'octobre. D'accord. Voilà, donc deux rumeurs, on verra. Parce que de toute façon, tout le monde. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas comment ils vont la présenter. Est-ce qu'ils vont faire un Nintendo Direct? Est-ce qu'ils vont faire un événement? Je ne les vois pas faire ça au Tokyo Game Show. S'ils font un événement, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu envoies les invites. Tu ne peux pas dire bon, bah, demain, vous venez, je ne sais pas où c'est, n'importe où, je te dis à Tokyo. Ouais, ouais. Vous venez à Tokyo? Bah non, ça se passe pas comme ça. Tu vois, le PlayStation Meeting, ça a été annoncé une semaine. Il faut quand même un peu de temps pour. Alors après, s'ils font un Nintendo Direct, il n'y a pas de problème. Ils continuent avec leur circuit de communication. Et les Nintendo Direct, généralement, ils les annoncent le soir pour le lendemain, voire un ou deux jours puis après. Puis ils les maîtrisent maintenant, les Nintendo Direct. Ils savent comment les faire à peu près bien. Enfin, tu vois, c'est leur mode de communication principal, finalement, depuis pas mal d'années. Et ça marche bien. Moi, je le vois plus comme ça perso, c'est mon avis. Mais... Ou alors, ils ont vraiment tenu un grand secret. Ils vont faire un Nintendo Direct et ils vont présenter la console au TGS. Tu pourrais y jouer au TGS. Ça aurait fuité déjà des masques. Ouais, l'autre truc, ça aurait fuité. Le truc, c'est que pour l'instant, il y a assez peu de choses qui fuitent sur la NX. Autant tu vois la PS4. Par exemple, tu vois, la Slim, c'était quand même hallucinant. Voilà, on la voyait, on savait à quoi elle ressemblait, on savait tout. Alors qu'elle n'avait pas été annoncée. Ouais. Là, il y a quand même très peu de choses. Alors, tu parlais de... Des rumeurs un peu. Parlons rumeurs, parlons de ce que tu saurais éventuellement, de ce que tu as lu en tout cas. Alors, le problème, c'est que le retour des cartouches, c'était venu à l'époque où, dans, je crois que c'était au dos, enfin sur un prospectus, je ne sais pas si c'était chez Capcom ou pour Zelda, il y avait écrit donc cartouche. Donc on s'est dit, ah ben ça veut dire quoi ? Mais c'est vrai que comme il y a toujours les rumeurs d'une console hybride, les cartouches, il y en a toujours eu sur la 3DS. 3DS, ah oui. DS, oui, ils n'ont jamais laissé tomber les cartouches. Donc si la NX est une portable ou une hybride, c'est logique qu'elle ait des cartouches. Donc le retour des cartouches, je trouve que c'est un peu bizarre comme appellation. C'est pas vraiment le bon titre. En fait, ça serait juste que, surprise, cette console utiliserait des cartouches. Mais surprise, c'est une portable. Si alors par contre voilà, ça c'est donc l'autre rumeur, c'est est-ce que tu as plus d'infos sur sa forme actuelle ? Ouais, c'est-à-dire que Eurogamer avait sorti ça à un moment, ça a été confirmé, donc Emily Rogers aussi qui est quelqu'un qui est assez proche de tout ce qui est Insider Nintendo, dit que ce que a déclaré Eurogamer c'est vrai, donc ça serait une hybride avec une console qui serait en 720p au niveau de l'écran, multitouch avec des manettes détachables. D'accord. Voilà, donc des manettes qui se clipseraient sur le, comme une sorte d'écran. D'accord. Voilà, et après on aurait un dock. Donc tu peux partir avec la manette de chez toi dans le métro et tu joues sur ta manette tu en fait. Tu pourrais la clipser et tu pourrais par exemple l'utiliser comme une Wiimote. D'accord. D'accord. Donc je sais pas quelle fonctionnalité ça aurait. Bon. Et ensuite il y aurait un dock pour faire la partie console de salon. Donc là l'idée c'est simplement voilà, vraiment un dock avec. Alors on sait pas si c'est un dock avec plus de puissance. En fait on sait rien. Ouais mais en fait on sait rien à part que c'est pas une cafetière. C'est encore. Ah je pensais tu vois je m'attendais à des rumeurs beaucoup plus précises là parce que j'ai l'impression que dans l'été ça s'est affolé justement. J'avais entendu parler d'Emily Rogers, j'avais entendu parler de tout ça. En fait c'est encore assez flou concrètement sur ce que c'est. Si c'est annoncé aujourd'hui ou là ils ont vraiment bien tenu le secret quoi. Bah, parce que t'as même c'était Bethesda qui disait qu'ils savaient pas s'ils allaient aller sur NX et qu'ils iraient sur NX seulement si elle est d'une puissance comparable à ce qui se fait actuellement. Pour avoir des portages de jeux faciles. On sait que la Wii U, c'était difficile de faire des portages. Donc finalement, c'était trop cher de faire un portage pour ce que ça allait rapporter. Or, aujourd'hui, pour avoir les éditeurs tiers, il faut que, faut que tu leur facilites le travail. Donc tu es en train de me dire que même les développeurs même sont Bethesda en train de parler ne savent avec pas. Des si, voilà. Avec des on ne sait pas la puissance. C'est-à-dire que là, à 6 mois, tu peux penser qu'il y en a quand même qui ont des kits. Bah putain, j'espère, ça voudrait encore dire, sinon ça va être que des jeux Nintendo, Mario Golf et les conneries comme ça. Quoi. Mais peut-être qu'ils gardent un élément secret, peut-être que déjà les gens, enfin tu vois, les studios ils peuvent travailler sur des specs, voilà, ils peuvent leur dire bah, ça sera tel spec. Mais on sait rien, c'est-à-dire que pour le moment, Nintendo a réussi à tenir quand même secret, ou alors peut-être que finalement tout ce qui a été révélé, l'hybride est vrai, mais il n'y a pas vraiment de choses très concrètes, et tu vois, comme la Slim, on disait, bon, voilà. Et si l'hybride se révèle vrai, t'en avais pensé quoi, globalement ? Alors on parle de rumeurs, donc je ne te laisserai pas développer des masses de temps, mais ça va être, t'avais donné une bonne idée, ça t'avait paru une bonne impression, ce truc ? Bah après, moi, le problème d'une hybride, c'est qu'il y a deux choses, tu mets tous tes œufs dans le même panier, donc ça peut être une bonne chose dans le sens où il y aurait beaucoup plus de jeux. Imaginons que les tiers ne vont pas dessus. C'est-à-dire que là, t'imagines finalement si Nintendo avait sorti la Wii U et la 3DS en une seule console, tu aurais eu tous les jeux Wii U et 3DS. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de remplir de garnir le calendrier. Pas faux. Après, le problème, c'est quand tu fais une portable, c'est la puissance. C'est-à-dire que tu dois avoir un compromis entre l'autonomie, entre la qualité de l'écran, entre la batterie et au niveau du prix. Donc, si tu veux t'aligner sur ce qu'est aujourd'hui une PS4, est-ce que tu peux faire une mini PS4 portable ? Est-ce que c'est jouable de le faire à un prix de portable ? C'est-à-dire qu'un prix de portable, c'est plutôt 200-250 euros. C'est-à-dire que si tu vas au-dessus, tu rentres dans des sphères de prix de console de salon. Nintendo, ils n'aiment pas trop vendre des consoles à 3000 euros. Ouais, et puis déjà, la Wii U, ils l'avaient vendu cher. Ils ne l'ont jamais vraiment baissé à part à l'époque Ils ne l'ont jamais vraiment vendu. Ils ne l'ont jamais vraiment vendu. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de baisse de prix. Tu vois. Non. Et elle était quand même très, très chère par rapport à une PS4 pour ce que ça embarquait comme matos. Donc là, c'est compliqué. C'est-à-dire peut-être qu'ils vont arriver avec une portable qui sera une très bonne portable, mais finalement une console de salon un peu en deçà de ce qu'est la PS4 et la One, sachant que si tu veux les tiers, il faut que tu aies une puissance équivalente, sachant que maintenant on est dans l'ère de la PS4 Pro et bientôt de la Scorpio. Donc je trouve qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises, il va falloir qu'ils soient vraiment très habiles pour vendre le concept. Ou alors, ça se trouve, c'est pas du tout une hybride. Oui, non, mais ça, on discute avec des si. Si on parle d'une hybride, tu te dis, il y a quand même un compromis à trouver qui va pas être évident. Après, ils veulent peut-être se rapprocher plus dans la puissance, hein. Je parle plus d'un iPhone, d'un téléphone portable, parce qu'on sait qu'ils sont en train de se recentrer sur ce marché-là et qu'il est très très rentable. On l'a vu cet été avec Pokémon Go, on en a parlé. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans la partie techno si on parle d'iPhone et de la conférence Apple où on a vu justement. Ouais, mais je vais peut-être plutôt en parler là. Je vais parler du Nintendo Direct rapidement, puisqu'il y a eu un Nintendo Direct le 1er septembre. Alors pour le coup, je vais pas en parler longtemps parce que c'était des Amiibo, du réchauffé. Et puis on a appris que finalement, la nouvelle Wii U, c'était la 3DS. Voilà. Puisqu'il y a eu l'annonce de deux. deux portages. Yoshi Woolly World qui devient Pucci and Yoshi Woolly World, hein, du nom du chien. Pucci, c'est ça. Je suis cool. Je suis Pucci. C'est sûr qu'il est complètement insupportable dans le jeu. Moi, je supporte pas. Donc voilà. Alors, c'est quoi ? C'est le jeu complet version Wii U avec des niveaux inédits pensés autour de Pucci. Et sachant qu'on aura, voilà, je pense que c'est l'argument d'achat, c'est l'amiibo Pucci en laine. Ah bah, ça, on le veut. Hein. Donc. Il était très très bien, Woolly World, ouais, c'est un très bon jeu. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt ? Bah, il y a un intérêt financier, évidemment. Il y a un intérêt si t'as la 3DS, c'est pas du tout Wii U, voilà, quoi. T'as pas de Wii U, puisque finalement, peu de gens ont la Wii U par rapport à la 3DS. Après, on aura Super Mario Maker, donc pour le coup, là, ça semblait assez inévitable, puisque le jeu est vraiment pensé pour du tactile, donc la 3DS, ça va vraiment fonctionner. Ça arrive le 2 décembre, donc ça va être vraiment leur jeu de Noël avec Pokémon. Hein. Ils ont Pokémon plus Mario Maker sur 3DS, donc ça devrait quand même lui assurer un bon... Surtout que Mario Maker, c'est très très bien vendu sur, sur Wii U. Alors là, quelques petits soucis, c'est qu'on pourra jouer sur les niveaux créés sur Wii U, mais pas tous. Et en fait, on pourra pas rechercher des niveaux par ID. Ah, ce qui était quand même assez pratique sur Wii U. Et il y aura pas, tu pourras pas, c'est pas vraiment en ligne. C'est-à-dire, c'est avec comment ils appellent ça, la fonction Street Pass. Du Minitel. Non, c'est le partage en local. Et ah oui, d'accord. D'accord. Donc tu vois quand tu récupères des niveaux, mais t'auras pas un espèce de portail dédié apparemment. C'est un peu dommage. C'est un peu une version un peu limitée. Après, tu pourras peut-être créer tes niveaux. Peut-être qu'il y aura une fonctionnalité après pour les ramener sur Wii U et les utiliser. Peut-être qu'il y aura une espèce de synergie entre les deux plateformes. Là, encore une fois, là, ça fait vraiment. Ça sent le Nintendo, quoi. Ça sent le truc. C'est pas poussé. Les trucs sont pas réfléchis. C'est même pas une base de données commune entre les deux trucs. Enfin, mon Dieu, quoi. À voir. Après, c'est le problème de la. Tu peux pas tout le temps connecter ta 3DS. Il y a plein de 3DS qui sont pas connectés. Maintenant, je trouve que c'est un jeu qui se porte assez bien à l'usage d'une plateforme mobile. Alors, dans les surprises, on a eu Mario Sport Superstar. Je ne dis pas que c'est une surprise, hein, ça reste toujours un jeu Mario avec des gens qui font. Mais simplement, c'est 5 disciplines, donc football à 11, tennis, golf, baseball et équitation. Alors, à voir si le gameplay va s'inspirer plutôt de ce qu'il faisait avec, tu sais, golf, tennis et striker, qui sont plutôt des bons gameplays, ou de Mario et Sonic au JO. Tu vois, il y avait notamment un gameplay, il y avait de l'équitation dedans, qu'on retrouvera également. Il y avait du foot, mais du foot à 4. Donc voilà, est-ce que ça va être le côté un peu light de Mario et Sonic ou le côté un peu plus poussé des Mario Striker, qui était plutôt cool, du Mario Tennis, du Mario Golf aussi, qui sont plutôt pas mal, même s'il y en a peut-être un peu trop. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et à mon avis, la meilleure annonce, c'est l'arrivée d'un Pikmin sur 3DS. Ouais. Donc un Pikmin, pour le coup, pas en 3D, mais en 2D. Ouais. Donc qui pourra rappeler au plus vieux Lost Viking, pour ceux qui se rappellent de ce jeu de Blizzard, à l'époque. Ou même un peu Trine, ça rappelle aussi un peu Trine. Moi, je suis un gros fan de Pikmin 3. Là, je suis en train de le refaire, notamment avec ma fille. Et vraiment, on s'éclate. Je trouve que c'est un super jeu. C'est trop mignon, les Pikmin. Voilà, sur Wii U, c'est un jeu qui est hyper intelligent, hyper bien foutu en termes de level design. Au niveau des contrôles, vraiment la répartition des tâches entre les différents capitaines, ça fonctionne super bien. Donc voilà, là, je suis quand même plutôt, c'est vraiment l'annonce. Alors, je sais pas si c'est le Pikmin 4 dont parlait Miyamoto à une époque. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait allusion à ça. Voilà, alors est-ce qu'ils l'ont transformé en Pikmin 3DS ? Est-ce qu'on en verra un sur NX ? Mais moi, pour le coup, c'est vraiment la seule annonce où j'étais assez enthousiaste. On est content de voir cette licence. Voilà. En plus, c'est une licence qu'on voit pas souvent, Pikmin, en Europe. J'ai l'impression que ça passe pas. Enfin, le 3 est passé un peu inaperçu. Il est sorti au début en 2013. Moi, je savais même pas qu'il était sorti. C'est toi qui me l'as appris. Hein. Enfin, quand vous me l'aviez prêté avec Stan, je l'ai encore là d'ailleurs. Ouais. J'étais même pas au courant, quoi. Enfin, c'est il grave. Est sorti dans l'été 2013. C'est ça, voilà, au milieu de l'été. Donc. Et pour moi, c'est vraiment un super jeu. Je conseille à ceux qui l'ont pas fait sur Wii U et qui savent pas quoi faire et qui n'auraient pas fait Pikmin 3. Si vous avez une Wii U, elle sert à rien. Voilà, c'est en ce moment, bon, en attendant Mario Paper Mario et surtout Zelda, bon, on fera peut-être sur NX, mais voilà, c'est vraiment un jeu à rattraper pour le coup. Voilà, et puis finalement, ce qui était, alors c'était pas dans le Nintendo Direct, mais c'était dans la keynote d'Apple, mais on va parler dans les jeux vidéo. Ouais. C'était Super Mario Run, donc c'est peut-être la plus forte annonce de Nintendo depuis des dernières semaines. Je pense que c'est celle qui va avoir un impact financier le plus important pour eux, quoi. On a déjà vu, il y a eu l'action qui a monté encore en flèche. Hein. On a vu qu'avec Pokémon Go, ça avait monté en flèche, c'était un peu redescendu parce que Nintendo a été obligé de faire un communiqué pour dire c'est pas vraiment nous parce qu'ils voulaient pas que l'action monte trop, c'est toujours risqué. Oui, parce que c'est compliqué. Au Japon, ça marche pas exactement pareil que chez nous, la bourse, en fait. Hein, c'est beaucoup plus, entre guillemets, sans être péjoratif, amateur, c'est beaucoup plus les particuliers qui font vivre les bourses au Japon que les entreprises et les fonds d'investissement, etc. Donc c'est vrai que les gens sont peut-être pas aussi renseignés qu'un fonds d'investissement qui va pas investir des milliards dans Nintendo en croyant que c'est eux qui ont fait Pokémon Go. Là, c'était des particuliers qui ont investi en masse dans Nintendo en croyant que c'était Nintendo est jamais mécontent quand la réaction est basse, puisque ça leur permet de racheter des parts. Ouais, ils ont fait assez souvent, notamment quand l'ancien président est mort, Yamauchi. C'est ça. Puis le risque après de décevoir le marché en n'ayant pas démenti rumeur, ça aurait été trop violent. Donc là, ils ont repris des points grâce à l'annonce de Super Mario Run. Pour le coup, je pense que les actionnaires là ont été très contents. Je pense que ça a été des montagnes de coca. Oui, un Super Mario sur téléphone portable. Donc c'est quoi ? C'est Super Mario Run. Donc c'est un peu quand même un peu flemmard de faire un runner avec Mario. On savait que ça allait être ça. Hein. Enfin, je sais pas, non, tu pensais. Bah, moi, je trouvais qu'ils avaient l'air de dire on va plutôt faire des choses un peu différentes sur mobile. Parce que finalement, un runner et un Mario plateforme, c'est un peu la même chose. Bah les inputs sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que tu sautes à un certain moment. Bon là, ok, ça avance tout seul, mais c'est pas très éloigné en termes de level design, c'est très proche. Donc, c'est très proche, c'est clair, mais bon, après, voilà, on peut faire de très bonnes choses, effectivement. Ah oui, on a trouvé Rayman, par exemple. Rayman Jungle Run. Rayman Jungle Run, qui était un jeu d'une cruauté absolue dans sa difficulté vers la fin, notamment. Non, c'est un très très bon jeu. Et il y a possibilité de faire des bonnes choses, donc c'est pas la qualité qu'on va questionner. Après, c'est vrai que sur le fond, ils avaient déclaré vouloir faire des choses très différentes, etc. Parce qu'ils ont toujours l'idée que finalement, le téléphone, enfin les jeux mobiles, ça va amener les gens sur les plateformes Nintendo. Je pense que c'est une idée qui est une idée liée à la communication de Nintendo. Je pense qu'ils disent que c'est ça l'idée, mais qu'en vrai, c'est pas ça l'idée. En vrai, c'est de se faire de la thune grâce au smartphone. Et après, si ça marche vraiment bien, ils feront plus que ça un moment. Enfin, soyons clairs. Je pense qu'ils veulent aussi pérenniser leur licence. Hein, là, ils se sont aperçus que chez les jeunes, ils avaient plutôt des téléphones portables que des Nintendo 3DS. Donc l'idée pour que finalement les gens n'oublient pas Mario et continuent à manger du Mario, c'est de le mettre sur les devices qui sont les plus répandus dans le monde. Là, ils ont fait un partenariat avec Apple. Voilà. Mais le jeu va sortir aussi sur Android. Et on va le télécharger, ça c'est sûr. D'ailleurs, donc ça sera payant. Hein. Alors c'est un freemium. Un freemium. Tu as des niveaux, les premiers niveaux seront gratuits. Ah d'accord. Et après tu devras payer pour la suite, donc il est quand même payant. Ouais, c'est ça. Si on veut le faire vraiment, il est payant. Annonce du coup hautement, à la fois un peu surprise parce que c'était un peu l'invité surprise de Miyamoto, la conférence Apple, Miyamoto qui débarque sur scène. Ouais. On s'attendait à ce qu'il y ait ce genre de jeu. Voilà, c'est un runner. Bon, clairement, maintenant les prévisions. Enfin voilà, j'ai lu des trucs. Ouais, pourrait que ça soit téléchargé à 1,5 milliard d'exemplaires selon déjà certains cabinets. on va voir. Si c'est ça, c'est la cash machine. Hein, si c'est ça, Nintendo va arrêter les consoles tout de suite en fait. Moi après, j'étais un peu déçu presque de les voir chez Apple parce que j'avais tendance à croire que Nintendo pourrait faire un truc presque séparément en fait, presque un. Ouais, parce que pendant longtemps ça a été le truc de dire finalement le concurrent de Nintendo c'est Apple. Bah ouais, en fait ça aurait, pour moi c'est un peu ça dans l'esprit, concurrent de Nintendo c'est Apple. Après ça n'empêche pas, on a déjà vu Bill Gates dans des conférences Apple, donc pourquoi pas redevenir après concurrent vraiment. Ouais. C'est un premier pas en tout cas qui est un pas dans la porte, qui est un coup de pied dans la fourmilière qui est énorme je trouve en termes de com. Ils ont super bien joué pour le coup Nintendo. Ouais. Je pense qu'Apple était très content d'avoir mis Miyamoto sur scène. Carrément, en plus rien n'avait fuité alors que tu vois l'iPhone 7, tout le monde savait ce que c'était. Alors que, mais paradoxalement, moi je pense que c'est Nintendo qui a fait la meilleure opération de com là-dedans, parce que c'est clairement, comme tu le dis, l'occasion de remettre Nintendo devant sur le devant de la scène. Maintenant, les Apple, les iPhone, etc., c'est un produit de mass market que s'achètent des gens qui ne connaissent pas, par exemple, forcément Nintendo. Avant, c'était un peu geek, les premiers iPhone, etc. Maintenant, c'est tout le monde qui en a un. Du coup, c'est vrai que ces gens-là, le monsieur tout le monde, l'ado qui va avoir son premier iPhone... Tu sais qu'il va être bien mis en avant. Voilà, il va être exposé à Nintendo... ils vont en parler encore à nouveau à fond. Moi, je trouve que c'est vraiment bien pour Nintendo. Donc, parce que là, ils ont 4 jeux mobiles. Finalement, c'est plus 5, mais 4. Donc, Miitomo qui est déjà sorti, que tout le monde a déjà oublié. Voilà, on l'a déjà désinstallé. Qui était plus un truc pour récupérer des comptes Nintendo et lancer leur nouveau programme. Donc, il y aura le Mario Run, c'est fin de l'année. Ouais. Également, pas été encore montré, c'est Animal Crossing, et Fire Emblem. Et alors ça... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là-dessus? Parce que du coup, est-ce que ça va être Animal Crossing Running? je pense qu'ils vont aller. Ça peut plutôt être Animal Crossing Farmville, tu vois. Je pense que ça va être un truc. Tu récoltes des fruits, tu fais ton petit truc, ta déco. Et puis pour Fire Emblem, ça va être plus un truc un tactico. Là, peut-être plus ciblé pour un public un peu plus joueur. J'ai du mal à croire que Animal Crossing et Fire Emblem soient aussi porteurs en termes de nom. Animal Crossing, quand même. Je crois que le grand public ne connaisse pas Animal Crossing. Ouais, mais ça peut, si c'est bien vendu, c'est moins populaire que Mario. Par contre, non, je parle pas du potentiel. Je parle, tu dis au grand public, lors d'une conférence Apple, on vous sort un Mario, ça crée une vague de commentaires monstrueuses. Tu dis, on sort un Animal Crossing, je sais pas si les gens connaissent, tu vois. Mais bon, après, on verra ce que Nintendo va nous faire. Je suis très confiant, par contre, sur le potentiel d'Animal Crossing en portable, sur mobile, je veux dire, sur téléphone mobile. Ça va être énorme, ça pourrait être énorme. Ça pourrait être un jeu hyper addictif, hyper bien foutu, tout s'y prête. Enfin, ça peut être une très très grosse appli, ça. Donc, on verra fin d'année, le Mario arrivera. Ça y est, ça se concrétise. Et la NX en mars prochain, du coup. On est quand même assez impatients. Au niveau des news de Art Ludique, je crois que c'est un peu tout. Moi, on va passer à la partie techno. On a déjà un petit peu commencé. Je propose qu'on l'enchaîne dans l'enregistrement. Oui. Dim, tu n'avais rien à ajouter sur Nintendo et la NX Non, pas grand-chose. Je chargerai sûrement l'appli Mario, mais bon, je verrai. Les premiers niveaux seront gratuits, tu pourras te faire plaisir avec. Voilà, au moins. Je suis quand même impatient de voir ça, voir au moins s'ils ont mis la difficulté à leur rendez-vous, comment ils vont. Ouais, comment à ils la fin, je pense que ça sera. Ouais. Il y aura des packs de niveaux à acheter. Il faudra acheter des vies sur Facebook. Ouais, vous avez perdu une vie, demandez à Facebook. Ah non, pitié, quoi, faites ce genre de truc. Bon, on va passer tout de suite à la partie techno, une partie assez courte avant de passer aux deux prochaines semaines au cinéma. Voilà pour la partie techno qui va conclure nos trois parties traditionnelles du podcast. Alors dans cette partie techno, on a déjà commencé un petit peu à en parler dans la partie jeux vidéo si vous l'avez sauté. On a commencé à parler un peu de la keynote d'Apple qui a été un peu le gros morceau de cette partie techno qui va nous occuper. Keynote Apple, alors pas passionnante, moi j'ai trouvé. Par contre, il y a eu des choses qui ont suscité le débat. Julien, qu'est-ce qui s'est passé dans cette keynote Apple ? Disons que c'était pas révolutionnaire, mais il y avait quand même eu des changements assez intéressants. Pourtant, eux l'ont dit, c'est une révolution. Oui, c'est une révolution. Mais disons que je pense qu'elle se situe un peu au milieu. Ouais. Elle n'était pas totalement décevante. Elle a instauré pas mal de trucs. Donc déjà, ils ont présenté iOS 10. Ouais. Bon, ça intéresse que ceux qui sont sur chez Apple. Mais surtout, ce qu'on attendait, c'était surtout Greg, tu l'attendais, l'iPhone 7. Bah oui, je l'attendais bien sûr. Et l'iPhone 7 Plus. Pour pouvoir le critiquer, bien sûr, vous me connaissez. Pour pouvoir le comparer au Samsung. Putain, quelle merde. Donc, et aussi l'Apple Watch 2, on en parlera assez rapidement. Donc, ça se déroulait au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco où on avait envoyé Dim, c'était notre envoyé spécial là-bas, on lui avait payé le voyage. Exactement. Grâce à. Apparemment, c'était que de la coke et des putes. Voilà, il est même pas allé, je crois, on l'avait aussi envoyé. On l'avait... Il a tout claqué en pute et coke. Il est même pas allé, je crois, il est allé à San Francisco. C'est quoi Apple? Il est allé dans les bars gays, il a rien fait de. Ah, on a essayé de l'envoyer à New York pour le PlayStation Meeting, il est pas allé non plus. Donc, mais il y va à la mauvaise date, ce coup. Voilà. oui, on t'a payé un billet, tu vas dans deux semaines, donc ça sert à rien, c'était là qu'il fallait y aller le 7. Bref, c'est un peu raté, mais alors du coup cette conférence, l'iPhone 7 qui a été, qui a divisé, on va dire, dans sa partie plus classique, peut-être on parlera de l'absence. Ouais, j'ai expédié un peu les affaires courantes, ils ont parlé d'Apple Music, 70 exclusivités par an, donc ça fait un peu chier. Ouais, on en a déjà parlé quand on parlait beaucoup du streaming musical, à vraiment avoir des exclus sur des... Ça c'est pas juste. Faut pas faire ça, parce que ça va mener au piratage. Voilà, ça va. Bah, nous on va les pirater en fait, si c'est des artistes qu'on aime bien, concrètement on aura quel choix à part s'abonner En fait, revenir vers ça, c'est retuer le modèle de la musique en fait, concrètement, parce que ça pousse à pirater, alors que justement l'accès en liberté c'était ce qui avait diminué le piratage. Les Spotify, une fois que t'es abonné à Spotify, tu n'as plus besoin de pirater. Ou t'es abonné à Apple Music, ou t'es abonné à Deezer. Mais du coup, avoir des exclusivités, mais j'aurais le même critique si Spotify se met à faire beaucoup d'exclusivités, c'est une mauvaise idée parce que vous allez repousser vos utilisateurs à pirater des contenus. Ce qu'a fait aussi Tidal. Voilà, et c'est pas bon ça, c'est pas bon pour l'industrie musicale. Bref, ça c'est le petit point Apple Music. Aussi Apple Store, 140 milliards d'applications téléchargées. c'est pas grand chose. Voilà, on ne sait pas ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Donc l'Apple Watch Series 2. Ouais. Alors, bon, on le sait, hein, Apple Watch, il domine le marché. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce marché ? Qu'est-ce que c'est que ce marché, justement ? Assez ridicule. Hein. C'est un marché qui est en berne, hein, justement. Ça m'a fait penser, quand ils ont montré l'Apple Watch série 2, il y a eu l'IFA en même temps, là, qui s'est fini au début du mois. Où le plus gros moment de l'IFA, finalement, ça a été au moment où Samsung a montré sa Gear S3, donc sa montre connectée aussi. Et finalement, dans la presse et dans ce que j'ai suivi de ce salon et de l'Apple Watch série 2, c'est qu'on est quand même sur un marché qui est. En fait, on est sur un faux marché. Un marché qui n'existe pas, un marché qui est mort-né presque. C'est presque un peu triste de dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, annoncer une Apple Watch série 2 ou annoncer une Gear S3, ça fait plus du tout de retombées quasiment. Il y a quelques retombées qui en parlent, mais c'est un marché qui peine clairement à décoller auprès du public. Le buzz est retombé. Il y a seulement 3,5 millions de montres connectées qui ont été vendues au cours du second semestre, soit une baisse de 32% sur un an, alors que c'est quand même un produit encore assez nouveau. On ne devrait pas être dans des cycles de baisse déjà aussi importants. Bon, Apple, tu l'as dit, domine le marché, mais ils sont en grosse difficulté. Ils ont perdu des ventes. Leurs ventes ont décliné de 55% entre avril et juin. Par rapport à la même période en 2015. Donc lui, Samsung, de son côté, se porte mieux. Hein. Bon, c'est un marché qui reste du potentiel. Hein. Beaucoup l'estiment à 30 millions de montres connectées environ vendues en 2015. 30 millions, c'est pas rien pour un produit qui reste relativement nouveau. Mais en fait, le marché des wearables, hein, comme on appelle ça, produits connectés portables, je ne sais pas comment le traduire en français, c'est un marché qui se porte en fait bien, qui continue de croître, mais qui n'est pas du tout lié aux montres. En fait, hein. Les gens ne veulent pas acheter des montres. C'est pas du tout les montres connectées qui tirent la croissance de ce marché-là. En fait, c'est les tracteurs de fitness, les montres analogiques avec des fonctions intelligentes, ce genre de choses. Mais d'ailleurs, ils ont beaucoup plus axé sur l'activité physique. Exactement, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que, et ils sont en train de le comprendre peu à peu, mais personne n'a envie de payer 449 euros pour une montre. Oui, ils l'avaient vendu comme un accessoire de mode. Alors bah, c'est ça, c'est un accessoire de mode qui en plus a le problème de la batterie, de se décharger beaucoup, ouais. d'être volumineux, d'être pas très beau finalement par rapport parfois à des accessoires type Fitbit qui sont assez discrets ou à des montres analogiques qui ont une fonction numérique à l'intérieur qui est dissimulée comme peut le faire Withings par exemple. Donc je suis quand même assez étonné de la direction de ce que fait l'Apple Watch Series 2 pour revenir sur la conférence Apple, bah, parce qu'ils ne se remettent pas vraiment en question. Hein, l'Apple Watch Series 2, c'est l'Apple Watch Series 1, mais un peu en mieux. Quoi. L'écran un peu lumineux. Oui, le processeur est plus puissant, elle est étanche jusqu'à 50 mètres. C'est ce genre de conneries, mais comme l'a résumé un tweet, on est pressé de ne pas l'acheter. Quoi. En gros, tu vois, on est content qu'il l'annonce et on est pressé de ne pas l'acheter. Donc voilà, bon, ça sera. Je ne sais pas si tu veux en dire plus. Moi, ce que je me demande, c'est s'ils vont insister longtemps avec l'Apple Watch. Bah, je pense qu'ils sont maintenant convaincus que ça restera un marché de niche pendant très très longtemps, voire toujours, et qu'ils sont lancés dedans, ils ne peuvent pas se permettre de dire bah, on arrête tout. Bah, ils disent qu'ils sont leaders du marché, mais bon. Voilà, après c'est un marché qui reste. C'est une classe de cancre, quoi. Par rapport à un iPhone, ce n'est pas ça qui les fait vivre, quoi. Même l'iPad à l'époque. Je pense que là, c'est un marché sur lequel peut-être pas ils perdent de l'argent parce que ça reste Apple, mais pas loin, quoi. Donc bon, je suis assez circonspect sur l'Apple Watch Series 2. C'était pas la plus grosse annonce. Non, la plus grosse annonce, bah, c'était le nouvel iPhone, l'iPhone 7 et 7 Plus. C'était vraiment l'annonce que tout le monde attendait. Donc il va tourner sous iOS 10, hein, j'en parlais tout à l'heure. Alors c'est pas une révolution, mais il y a quand même pas mal de petits changements notables. Donc déjà, ils ont repensé le bouton Home. Ça paraît à rien, mais quand ça veut dire beaucoup. Mais le truc, c'est que c'est une des causes principales de panne dans les iPhones, parce que c'est un bouton mécanique. Ouais. Moi, j'ai jamais trouvé très agréable. Là, ça va être alors. Apparemment, il a été repensé, mais il est haptique. Oui, il est haptique, c'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un bouton. Mais il n'y en a pas, en fait. Moi, il n'y en a pas. Ouais. Donc ça évite que il s'abîme mécaniquement. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, jamais testé. Apparemment, ceux qui l'ont testé disent que tu as quand même une bonne sensation de bouton grâce au retour haptique. Bon. Oui, c'est une simple vibration qu'on t'envoie dans le pouce au moment où tu appuies au bon endroit, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, bon, c'est pas une grosse révolution. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. C'est peut-être la plus grosse innovation. Ouais. Après, il y a toujours. Alors, moi, ce que je suis jamais, c'est les appareils photo. Oui, alors oui, bon, ils les améliorent. Ils les améliorent. On va résumer ça comme ça. Voilà, hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ils en mettent 2, ils en mettent 3, ils en mettent 8. Voilà. Non, mais là, ils en ont mis 2, ils les ont améliorés. Ça permet d'affaire un zoom qui sera plus numérique, mais qui sera aussi analogique, en fait. Ce qui est très bien tout ça, c'est sûr que maintenant en fait on le commente moins parce que les appareils photo arrivés sur smartphone sont à un niveau qui est quasiment comparable à des photos qu'on peut faire maintenant avec des appareils des vrais appareils photo, quoi. Donc c'est sûr que ça devient difficile de les commenter, voilà, à part les millions de pixels et la définition des trucs, on en est quasiment à des étapes où l'œil humain le décerne plus, donc bon, en tout cas ils les améliorent, ça c'était sûr. Elle sera étanche, donc ça c'est pas mal quand même, parce que ça c'est pas mal. Autant la montre, bon, si tu peux aller faire de la plongée, et là c'est si tu fais tomber dans l'eau, quoi. Voilà, ce qui était un gros problème quand même, qui arrive régulièrement, même dans une flaque d'eau ou ce genre de choses arrive, et ça c'était un des problèmes, donc tant mieux si ça peut être étanche, d'ailleurs comme l'Apple Watch, on l'a pas précisé, mais comme l'Apple Watch. Il y a un nouvel écran Retina HD, donc 25% plus lumineux et un panel de couleurs plus large. Bon là voilà, c'est vrai que par contre moi c'est toujours, je trouve, le point fort des iPhones, c'est leur écran. Je trouve qu'il est toujours un peu devant la concurrence quand même. Ouais. Toujours vraiment très très très beau, l'effet Retina est magnifique. Toujours des très beaux écrans. Donc l'iPhone 7 ne va pas déroger à ça. Ça va être vraiment un très beau produit encore là-dessus. L'autonomie 14 heures pour le 7 et 15 heures pour le 7 Plus. C'est annoncé. Annoncé, c'est si vous le laissez dans un tiroir avec un chargeur pas loin et que vous en servez pas, en gros. Alors surtout, le gros changement, c'est côté audio. Ouais. Puisque déjà, il y a des haut-parleurs stéréo. Mmh. Un qui est donc en haut et un en bas. Ouais. Donc, quand tu le mets sur le côté, ça te fait des haut-parleurs stéréo. Si tu regardes un concert. Bah, c'est surtout dans le bus, on va pouvoir mieux entendre la musique de blaireau des autres. Ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Ah, moi, j'ai hâte de mettre du Maître Gims à fond dans le bureau gauche-droite. Franchement, franchement, ça va être trop bien, quoi. Et donc, forcément, ce que certains ont parlé de sacrilège, c'est ils ont enlevé la prise jack. Ouais. Alors voilà, ça, c'est vraiment le gros truc sur les réseaux sociaux. Et alors, en fait, qui est aussi lié à l'étanchéité, qui est aussi lié à une autre raison, c'est la place. Hein. Tout simplement, mettre une prise jack dans un téléphone, ça prend de la place. Là, la place libérée par l'absence permet de mettre plus de batterie, notamment. Donc, permet de rallonger la durée d'utilisation de votre téléphone. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Si je suis un peu plus cynique, je dirais que la plupart des moyens de paiement aux États-Unis par téléphone se servent en fait de la prise jack pour se brancher sur les téléphones, hein, pour faire des smartphones qui payent. En l'enlevant, il s'assure un petit peu que les gens vont rester sur Apple Pay, mine de rien. Donc, c'est un petit truc, mais il faut y penser. Et alors, l'autre vraie chose aussi, c'est que ça ne disparaît pas vraiment. On peut avoir un cordon qu'on achète et qui fait prise jack. Il est fourni avec. Ah, il est fourni avec. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un adaptateur qui se branche sur la prise Lightning. Voilà, c'est Par contre, tu ne peux pas recharger ton iPhone et écouter de la musique en même temps. Non, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce que tu utilises la prise Lightning et la prise à tout faire, on va dire. Alors le truc un peu abusé, c'est que du coup, ils ont profité de cette absence de trucs pour sortir leurs propres écouteurs Bluetooth, je sais pas quoi là. Alors les AirPods. Voilà, et c'est pas donné. Déjà. C'est 149 euros, 149 dollars ou un truc comme ça. Donc, bon, c'est encore une fois, on est habitué avec les... 180 euros. 180 bon, d'accord. Alors, je ne sais pas la conversion, peut-être dollar-euro. Bah, du coup, voilà, en fait, ils ont rajouté un accessoire encore à acheter pour les iPhones, machin. Tu n'es pas obligé de l'acheter. Ils te fournissent un casque traditionnel avec l'adaptateur. Voilà. Les AirPods, hein, qui sont les casques classiques iPod. Après, ceux-là, ils sont forcément sans fil. Et tu les places en fait, directement dans ton oreille et la musique démarre automatiquement. Voilà, ils s'allument en fonction de, des mouvements que tu fais. Il y a des retours accéléromètres, etc. dans les écouteurs. D'où leur prix, j'imagine, assez élevé. Et bon, après, l'objet en lui-même, moi, je le trouve déjà, on est loin d'un objet très design, personnellement, je trouve. Alors, très sobre. C'est ce qui caractérisait Apple, mais moi, je suis un peu déçu. Hein. T'as des espèces de deux morceaux blancs qui te sortent des oreilles, t'as juste l'air d'un con. Bref, et puis après, bah, c'est l'objet en lui-même, c'est un objet... Tu peux le perdre. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Puis bon, voilà, toi, je sais que t'es amateur de musique, t'as des casques, t'aimes bien écouter de la musique avec ton casque. Bon, c'est un peu dommage d'avoir retiré de base, en fait. Il faut repasser par un adaptateur. Cet adaptateur, soit tu le perds, soit tu le rachètes. Enfin bon, voilà. Ouais. Encore une fois, ils ont tué une technologie qui n'était pas... Moi, je trouve pas nécessaire de tuer pour l'instant. Autant quand ils ont tué la disquette, tu vois, ça me posait aucun problème. Ouais, mais t'as pas l'impression que c'est un peu c'est le dernier moment un peu old school du baladeur, enfin du téléphone. C'est-à-dire, c'est les téléphones ultra connectés, ultra intelligents, et t'as toujours un fil, un casque. Ouais, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Mais moi, pour moi, après la prise de jack, c'est parce qu'elle existait toujours parce qu'elle est très bonne qualité et qu'elle marche bien. Ouais. Le problème des baladés... Moi, j'avais un casque Bluetooth. J'en ai eu deux, même des casques Bluetooth. Ça se décharge hyper vite. Enfin, tu retombes sur des problèmes... Mais c'est ce qui se vend le mieux. Voilà. Ah bah, aux États-Unis, c'est 55% des ventes du marché. Ouais, c'est le Bluetooth, c'est les casques sans fil. Donc, non, mais que Apple veuille suivre le marché, etc. Tout ça. Là, pour l'instant, tout le monde sur Internet surréagit comme d'habitude en disant, mon Dieu, c'est honteux de supprimer le prise jack, etc. Au final, je pense que ça va marcher. Je pense que les gens, dans 6 mois, ils auront tous leur espèce de casque avec leurs deux AirPods, là, je sais pas quoi, là, dans les oreilles et ailleurs. Là, si tu le fais tomber, parce que ça arrive souvent, tu sais qu'ils se détachent de ton oreille, les casques. Ah, mais ça arrive juste super souvent. Mais je vois pas comment on va pas le paumer tout le temps, ce truc-là, en fait. Bon, ça, des gens vont te l'arracher. Mais oui, rien que ça vaut 149 euros, donc t'en arraches deux, tu vois, tu croises deux connards dans la rue qu'en auront. Tu fais l'oreille droite d'un mec, l'oreille gauche de l'autre, et c'est bon, quoi. Ah, non, puis tu peux pas les prêter à des gens, parce que ça se met que sur un iCloud. Donc tu peux avoir toute ta musique partagée, c'est-à-dire qu'il va reconnaître un compte iCloud, mais si par exemple, moi, je veux te prêter mon casque, bon, en même temps, c'est des trucs dans les oreilles, pas non plus te prêter. Ouais, bah non, mais en fait, quelque part, en fait, ce truc-là, c'est symbolique, quoi. Ce système-là, c'est Apple qui ferme encore plus son système qui était déjà très, très, très fermé. Et ils se sont dit, attendez, le dernier truc, la dernière prise qui n'est pas propriétaire Apple et que tout le monde peut utiliser, c'est la prise jack. Et regardez, il y a des gens qui peuvent mettre des systèmes de paiement sur les trucs jack, ou il y a des gens qui peuvent mettre des casques qui ne sont pas des casques Beats sur les casques jack et sur lesquels on ne touche pas d'argent. Si on enlevait ce truc-là, tu vois, et ils ont encore fermé le système pour pouvoir se faire plus de thunes. Ou le truc très con, c'est quand tu branchais par exemple ton iPhone sur ta chaîne. Oui, voilà. Enfin, avec une prise classique. Bon, bah du coup, maintenant tu le feras en Bluetooth, mais bon, voilà, donc c'est toujours faisable, hein. C'est pas le problème, mais c'est très révélateur d'Apple. Donc les gens qui adorent Apple vont continuer à adorer. Se dire c'est génial, mon Dieu, pourquoi j'avais encore des casques avec des prises jack. Et puis vous avez compris, hein, moi je fais partie de l'autre catégorie qui est moins fan d'Apple. Je trouve que ça va trop loin dans la fermeture d'un système en fait qui n'était pas nécessaire. Le casque jack ont toujours marché et on pouvait déjà avoir un casque Bluetooth avant, enfin ça c'était pas interdit, quoi. Et du coup, bon, voilà, hein, je suis pas... Ouais, et puis on peut aussi, on en parle assez souvent depuis la mort de Steve Jobs, l'innovation chez Apple. Voilà, pour l'instant, tu vois, l'iPhone 7, ok, c'est une... tu vois, ce qui fait que maintenant, on fait passer le fait d'avoir enlevé la prise casque pour une espèce comme ça de révolution. Enfin, pas de révolution, mais une prise de risque, une espèce comme de tentative de renouveler le marché. Alors que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un produit. Le dernier, c'était l'Apple Watch, c'était pas tellement... Non, bah à l'arrière, ça aurait peut-être été ça, alors. Plus grosse prise de risque et volonté de révolutionner un marché existant, c'était les montres connectées et de la démocratiser, puisque ça existait déjà. Mais c'est pas je vois pas en supprimant un truc jack. Moi, vraiment, je le vois juste comme une manœuvre de fermer son système encore plus. Peut-être les voitures, hein, peut-être. Si... Peut-être certainement les voitures, ça, là-dessus. On est. Mais on n'a pas encore vu l'après Steve Jobs. Hein. Je pense que. Bah, en tout cas, c'est pas avec l'absence d'un casque jack que ça nous montre une, oui, une innovation. Mais d'ailleurs, tout le monde est très partagé sur l'iPhone 7. Ça va être un très bon produit et il va se vendre 1 milliard d'exemplaires, comme d'hab. Mais c'est pas la rupture d'un iPhone. Comme d'ailleurs, l'iPhone 6 n'était pas monstrueux. Non, l'iPhone 7 ne l'est pas non plus. Quoi. On va préciser aussi que c'est le même prix que l'iPhone 6. Hein. Ils n'ont pas fait plus cher. Et il y a plus de stockage. Ils ont doublé le stockage pour tous les modèles. Donc, vous pourrez faire la file d'attente et dormir devant l'Apple Store à partir du 9. C'était le 9, je crois, non ? C'est pas vendredi ? Je sais pas. Il sort le 16. Ouais. Donc il sort là cette bien, semaine. Ouais, ouais, enfin, il sort, personne pourra l'avoir parce qu'il n'aura plus. Oui, on peut commencer la file d'attente maintenant. On peut aller planter nos tentes devant Opéra, l'Apple Store Opéra, quoi. Bon. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la keynote. Moi, je vais parler d'un autre truc qui est en actualité, mais qui est un peu moins, on va dire, qui prend un peu moins toute la lumière de l'actualité, comme quand Apple fait une conférence. C'est Google, mais Google cette fois-ci avec leurs projets qui ont un peu échoué. Il y a plusieurs projets qui se sont terminés pour Google et des choses qui sont un peu étranges pour Google qui sont en train de se passer. Donc, je voulais en parler. On sait que les projets annulés de Google, c'est une longue histoire, notamment Google Wave qui était le plus connu à l'époque où ils voulaient révolutionner les mails. Ça n'a pas trop marché. Hein. Google Buzz aussi, un peu moins connu. Là, cette semaine, on a eu l'abandon d'un autre projet dont on avait déjà parlé dans le podcast, c'est Google Fiber. Donc, en fait, c'était en février 2010. Google a rendu public le projet de déployer la fibre optique pour connecter l'Internet à très haut débit les utilisateurs jusqu'à leur domicile aux États-Unis. Notamment, hein, ça avait fait trembler les mastodontes de télécom et ils avaient même évoqué la possibilité de le faire en Europe et en France. Tout ça, c'était à des prix en plus moins chers que les abonnements qui sont extrêmement chers aux États-Unis. Hein. C'est souvent plus de $100 pour s'abonner à Internet aux États-Unis. Donc là, c'était beaucoup moins cher. Bah finalement, Google Fiber, c'est un peu un fail. Hein. Finalement, il y a très peu d'abonnés, en tout cas très loin des objectifs de la maison mère Alphabet. Et justement, elle a décidé de réduire la voilure et diviser par deux les effectifs de sa filiale dédiée donc, à Google Fiber. Donc, c'est Larry Page en personne, hein, le patron d'Alphabet et cofondateur de Google, qui a demandé le mois dernier au chef de Google Fiber, donc Craig Barratt, de ramener son équipe à 500 personnes et de réduire de 10% ses coûts. Donc voilà, hein, il pensait conquérir 5 millions d'abonnés en 5 ans. On est quand même très loin du compte, puisque fin 2014, Google Fiber avait un peu plus seulement de 30 000 souscriptions. Donc on est loin des 5 millions d'abonnés. Donc Google Fiber... Ah, 30 000 30 000 seulement. D'accord. C'est vraiment très très peu. Hein. Ah oui, là, le type... Ah, ouais, t'en 5... es où de tes objectifs? Voilà, bon, on va peut-être... Par rapport aux 5 millions, je suis pas très loin. Hein, je suis à 30 000 quand même. Hein. Donc ouais, gros échec pour Google Fiber. Ah, là, effectivement, je m'attendais pas à ça. Quoi. Ah ouais, non, c'est super. Je sais pas, ils sont à 2 millions, tu vois, quand même. Bon, écoute, 2 500 000. Non, voilà, tu vois, un truc. 30 000. Non, 30 000, ok. Bon, bah, il y a un pote là qu'on a pris un, donc on est à 30 000 2 en fait. Ils ont déjà 1% dans la boîte. Autre échec qu'on a entendu là, entre ces, enfin, proche de ce nouveau podcast, c'est le projet ARA. Tu as peut-être vu ça, Julien. C'est Google qui a suspendu le projet ARA. Cet projet ARA, qu'est-ce que c'était ? C'était le téléphone modulaire dont on avait entendu parler dans divers salons depuis des années. Hein. C'était le prochain grand bouleversement promis dans l'univers de la téléphonie mobile. Eh bien non, en fait, ça ne le sera pas. Donc le principe, c'était un smartphone dont les composants étaient séparés, par exemple. Vous pouviez, un peu comme des briques de Lego, finalement, changer la caméra, changer l'écran. Un peu comme un PC où on peut tout personnaliser, changer la carte son, etc. Bah, là, c'était un peu pareil, mais avec un téléphone. Donc il y avait déjà eu, bien sûr c'est un projet compliqué, on s'en doute, hein, déjà le concept en lui-même est compliqué, il y avait eu plusieurs reports, un lancement test avait été envisagé puis annulé à Porto Rico. On avait eu des retards avec des équipes un peu à bout qui avaient annoncé plusieurs itérations et beaucoup plus que prévu. Et puis bah, finalement, en réfléchissant un petit peu, on voit du côté utilisateur aussi que c'est compliqué en termes de faisabilité. Hein. On a plusieurs blocs à associer, chaque bloc prend de la place. Associer des blocs, forcément, on fait des pertes de place rien que pour les associer entre eux. Donc on se retrouvait avec un téléphone qui était relativement énorme en termes de taille. Et puis il y avait un problème commercial en fait, hein. Difficile de savoir quel public va pouvoir acheter un téléphone ARA à construire soi-même et à changer, etc. On parle vraiment d'une niche de bidouilleurs, des fans de Lego, voilà, extrêmement spécialisés, des fans de Lego, des fans de techno. Donc finalement, moi j'y croyais beaucoup, perso j'y croyais, ça paraît bizarre parce que ça faisait vraiment très gadget, mais j'y croyais quand même un petit peu au projet ARA, et là c'est un peu l'échec. C'est un échec en plus auquel on ne s'attendait pas, parce que là Google, à sa dernière conférence au mois de mai, à la conférence annuelle Google I.O., avait reparler du projet ARA. Donc quand ils parlent en général d'un projet, ça veut dire qu'ils y croient. Bon, bah, finalement, tout s'est arrêté pour le projet ARA pour l'instant. Et puis alors, c'est pas un échec, mais c'est quelque chose que je surveille un petit peu, qui m'a étonné. C'est là, depuis quelques jours, en fait, on a des YouTubers qui ont déclaré avoir découvert que certaines de leurs vidéos avaient été supprimées du programme de monétisation. T'as peut-être vu ça, en gros, ils touchaient plus d'argent dessus. Et le prétexte qui est annoncé m'a fait un peu des sueurs dans le dos, parce que c'est tout simplement que le contenu n'est pas annonceur-friendly de la part de ces YouTube qui déclarent ça. Donc voilà, hein, YouTube inciterait visiblement les YouTubeurs professionnels à s'auto-censurer, puisqu'elles ne monétiseraient plus les vidéos qui posent problème. Hein, elles n'y afficheraient plus de de publicité. Donc, qu'est-ce qui pose problème ? C'est dès qu'on a des contenus traitant de sujets et d'événements controversés ou sensibles, tels que la guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie, même si des images choquantes ne sont pas diffusées. Donc, voilà, il suffit, vous faites une vidéo, vous faites une référence à la con avec une blague un petit peu naze sur un événement récent, un peu catastrophique, ou même vaguement relaté à un conflit politique, à Donald Trump ou une connerie comme ça. Hop, vous pouvez plus toucher d'argent dessus et c'est démonétisé. Donc voilà, Google, YouTube, enfin du coup, Google s'est défendu en disant qu'en fait la politique n'était pas nouvelle. Donc on va dire que c'est pas une très grosse défense. Ils ont pas dit non, on le fait pas. On le fait déjà. Ils ont dit on le fait depuis longtemps en fait. C'est juste que là on l'a mis en avant à travers nos conditions d'utilisation qui ont été plus clairement changées et donc les gens s'en sont rendu compte. Mais en fait on le faisait depuis longtemps. Et c'est tout. Donc voilà, ils ont un peu que dit ça. Donc il y a des internautes qui ont un peu fait une fronde avec carrément un hashtag, hein, comme d'habitude à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde de la techno, avec YouTube is over party, fête de fin de YouTube. Donc voilà, il y a eu des milliers de tweets là-dessus. Mais finalement ça reste un petit peu un problème là-dessus. On ne sait pas exactement si... Il y en a certains qui disent que la firme va faire marche arrière. Certaines vidéos auraient été remonétisées. Mais j'imagine que ça ne sera pas le cas pour toutes. Donc un peu étrange de suivre là-dessus la politique de Google là-dessus. Surtout que YouTube est en train quand même de devenir un média d'expression assez important. Enfin, oui. Et un média d'expression assez important. Ah, ils nettoient tout quoi. Ils font... Ah bah là, ouais, y a un gros nettoyage automatique. Donc voilà. On va finir la partie techno ouais. Avec des chiffres. Julien, jouons avec les chiffres. Qu'est-ce que c'est à dire ouais, non, alors, s'il y a du calcul mental, on va encore l'air con. Non, c'est simplement une petite question chiffres. À votre avis, quels sont les navigateurs Internet hein, qui sont les plus utilisés dans le monde en alors, pourcentage hein, ça... En Chrome en premier. Voilà, donc ouais, Chrome. Ouais. Ouais, Chrome. À votre avis, à combien de pourcentage de pages vues? C'est en pages vues qui calcule. 23%. Voilà. Ouais, tu es très loin du compte. Ah merde, j'ai tenté un truc. 57%. Ah, tu es beaucoup plus près. 68%. 62,3% ah, putain, des pages vues sont vues sous Chrome. Putain, c'est énorme en fait. Je ne m'attendais vraiment pas autant parce que je m'étais dit derrière, donc j'imagine qu'il y a Firefox. Ouais, Firefox c'est deuxième avec 15,31%. Putain seulement, en fait, c'est ça. Je surévalue beaucoup la poids de Firefox par rapport à Chrome. Et puis bah du coup Internet Explorer ouais, doit être encore troisième. Là. Ouais, parce que 10,73%. Installé sur beaucoup d'équipes, beaucoup de ouais. trucs de base. Hein, tous les gens qui ont des vieux PC. Bon bah après t'as les Opera, les trucs comme ça. Safari, Opera. Safari ouais. 4,64% et Opera 1,79%. Putain, c'est quand même la domination monstrueuse de Chrome quoi. Ah ouais. 62% t'as dit. Hein. C'est ça ? Ah ouais, 62,3% de pages vues au monde. Et Firefox est à 15%. 15%. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc bon, là, on peut dire que c'est un certain succès pour Chrome. Hein. Ah bah oui, la Chrome, mais moi, je pensais pas parce que c'est. Ah, je le trouve très bien, alors d'ailleurs, il est très bien. Il est très bien, mais. Pas à ce point-là, quoi. Bah, disons que Firefox, voilà. Je le trouve mieux, perso. Ouais, et puis surtout, je pensais pas qu'il l'avait. Parce qu'il est quand même. Il... Enfin, récent, entre guillemets, Chrome. Il est pas. Oui, c'est pas le plus vu. Bah, c'est le plus récent de tous. C'est le plus récent de tous, cité, tu vois. Je crois. Enfin, dans leur apparition, ouais. Ouais, parce que Firefox, c'est bien avant, Safari. Même Opera, c'est vieux. Ouais. Ouais. Et tu te dis, ils ont grignoté autant de parts de marché en si peu de temps. Totalement leader, quoi, en fait. Ils gagnent encore des points chaque année, en plus. Je crois que là, ils ont gagné 6 points. Et deuxième petit chiffre, à votre avis, les OS pour smartphone. Ah. Ça va pas être très dur, mais... Bah, iOS, du coup, en premier, je dirais. Ah, voilà. Enfin, ah bah non oui je suis con c'est Android ouais. Mais alors tu veux le M enfin il faut non Android ah oui d'accord Android donc en pourcentage 67 c'est beaucoup plus c'est vrai putain il y a quand même moins d'iPhone que je pensais alors ah bah non bah après Android aussi 80 ouais 86 bah après Android ils ont enfin voilà c'est logique aussi que ah, ils ont toutes les gammes de tous les téléphones voilà. Samsung Nokia enfin pas plus Nokia ah, faut, mais, ouais, ils sont tout seuls Sony etc non mais c'est vrai que je pensais que par contre il y avait quand même plus de 12% d'iOS. Alors Windows Phone, hein, 0,5%. Ouais, ça, c'est normal. Mais ça dépend des pays. Hein. Je crois qu'aux États-Unis, c'est genre 12% et en France, c'est 0,5%. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des pays où oui. les Windows Phone marchent mieux que les autres, en fait. Et pour le coup, Android ne cesse d'augmenter pendant que iOS décline. Ouais, ce qui peut être logique, en fait. Après, ils sont tout seuls. Hein. Ouais. Déjà 12% quand t'es tout seul. Ouais, c'est déjà énorme, en fait. C'est... Bah putain. Bon. Voilà, c'était juste ça. Ah bah écoute, parfait, ça va conclure notre partie techno. On n'aura donc pas de partie conseil pour cette fois-ci. Hein. Non, je... Référez-vous à la toute première partie du podcast qui a duré une heure. Conseil de a l'été. Fait 10 000 conseils. Vous avez la chaise longue dire, de l'été, la chaise longue canapé. Vous avez 3 semaines d'occupation facile avec tout ce qu'on a conseillé. Promo chaise longue. On va terminer avec les sorties ciné les 15 prochains jours au ciné. Donc le 14 septembre et le 21 septembre. Alors le 14 septembre, qu'est-ce que vous nous avez sélectionné? Bah, je vais commencer par toi, Dim. 14 septembre, est-ce que tu as sélectionné des films déjà qui avaient l'air sympas? Bah déjà dans notre document de travail j'avais à chaque fois marqué sans conviction. Oui, ouais, sans conviction. C'est vraiment pour choisir des films. Donc j'ai choisi en premier pour le 14 septembre The Free State of Jones. un film de guerre biopic. Je l'ai surtout sélectionné parce que l'acteur principal, c'est Matthew McConaughey. Ouais. Et bon, voilà, c'est quand même un acteur assez solide dans ses choix. Il fait quand même toujours des films plutôt, plutôt sympas. Donc bon, après, pourquoi pas, quoi, si on a le temps. C'est vraiment sans conviction, quoi. Ouais. Et j'ai choisi aussi War Dogs avec Miles Teller, l'acteur de... Whiplash. Voilà. Et Jonah Hill. Pas de blague sur Jonah Hill, hein. Non, attention. Pas de blague. Ouais, on non, voudrait l'interviewer. Tu ne viendras pas ici, il viendra pas sur Upcast. Si on lui dit qu'on est belge, peut-être. Ou, tu vas pas français. Voilà. Suisse, on est suisse. On est suisse. Upcast suisse. Et je l'ai choisi surtout parce que c'est le réalisateur Todd Phillips qui avait fait Very Bad Trip. Alors, bon, Very Bad Trip, c'est un film qui l'a autant servi que desservi. Tu l'as choisi pour ça. On est d'accord. Moi, c'est ce qui m'a fait plutôt fuir. Very Bad Trip, le premier, ça reste quand même une bonne comédie. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon film de comédie. Après les, suites, après les suites, c'est un autre problème. Mais bon, voilà, par curiosité, on va dire. Et puis, comme j'ai dit, hein, c'est sans conviction. Ouais, ouais, c'est un peu pareil. Moi, je l'avais noté aussi, toi, Julien. Ouais, aussi, moi aussi. Mais depuis le scandale, ouais. Jonah Hill, je vais pas y aller. Non, on soutient Jonah Hill. Non, ben non. Sur cette affaire-là, tu Ah, moi, je soutiens Jonah Hill. Ah bon? Ah, ouais, ouais. Moi, je trouve que la nana, elle était juste pas drôle, ça se fait pas. Et putain, mais tu peux avoir un peu d'humour quand même, un peu d'autodérision. Oui, c'est pas le sujet. Enfin, de l'humour, je pense qu'il en a, je pense qu'il a pas approuvé ça. Comment ? Depuis la rentrée, c'est pas son premier scandale à la nana, je crois, non ? Elle a déjà aussi offusqué d'autres personnes, il me semble. Ah je bon sais plus qui, mais après que je revois, ouais. Non, mais enfin, voilà, bon, pour ceux qui savent pas, donc Jonah Hill. Ouais, donc en fait, gros, il était invité au grand journal. Voilà, elle l'a traité de moche. Ouais, en fait, elle avait fait une blague en disant voilà, je vous adore, vous me faites marrer, je rêverais qu'on passe une soirée ensemble. Et à un moment donné, vous appelez vos potes Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, et vous sortez. Voilà. Et c'était la chute de la blague. Donc voilà, il a pas du tout apprécié. Au point d'annuler tous ces interviews, notamment pour Deauville, puisque le film était présenté en sa réaction, clairement, elle est forte après la blague. Je pense que le mec ne manque pas d'humour. Il s'est moqué de son propre physique dans tous ses films, quasiment, Jonah Hill. Enfin, tu vois, je sais pas, il est un peu le melon, j'ai l'impression. Quand il fait super grave, etc. Enfin, clairement, il joue sur son physique, il le sait. Ça, c'était avant l'Oscar. Et tu vois, depuis, je pense qu'il a eu peut-être un melon. Je pense que la blague est vraiment naze, qu'elle est déplacée, et il a réagi un peu fort. Enfin, tout le monde a des torts. Honnêtement, tu penses que si c'est Seth Rogen, il se comporte comme ça? Je pense pas, moi. Je sais pas, j'avoue. Pourtant, que t'es dans pas. Des physiques similaires. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Après, bon, voilà. Moi, de toute façon, pour revenir à War Dogs. J'aime bien Jonah Hill en plus, tout ça. Ouais, ouais, non. Terme. Moi, je pense que j'allais le voir plus pour l'acteur, ouais. Jonah Hill. Voilà. Bon, après, la personne en elle-même, je sais pas trop. Effectivement, peut-être qu'il est en train de prendre le melon, comme toi, tu le suspectes. Ou peut-être, comme moi, je pense qu'il a eu. Voilà, une réaction un peu exagérée, mais à une problématique de fond qui l'a peut-être touché plus qu'on ne le pense. Voilà, tu n'es peut-être pas habitué à ce que les Miss Météo fassent de l'humour, hein. C'est un truc très canal. Hein. Enfin, de l'humour. Moi, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça drôle. Moyen, très moyen, je trouve. Ah, je trouve ça pas. Je trouve la blague est bonne. Donc, War Dogs, ça sera voilà. Sans conviction. Bah, ça a l'air pas. Enfin, après. Après, le film en lui-même, ouais, voilà, a l'air marrant, mais. Ça fait un peu Lord of War Dogs quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu Lord of War mélangé avec Very Bad Trip, quoi, un peu. Toi, tu avais sélectionné aussi un film qu'on a sélectionné tous les deux, Julien, 8 Days a Week. Oui, hein. Parce que je ne sais pas ce que Ron Howard fait dans cette histoire. Ouais, bah, c'est un documentaire. C'est un documentaire réalisé par Ron Howard qui. Il a fait le montage, quoi, il a fait le. Je sais pas trop. Ouais, mais... c'est ça. Ou alors... Ah, si, il y a des interviews de. On voit Paul McCartney. Je pense qu'il est aussi passionné, peut-être, donc des Beatles, ouais. Parce que ça concerne les Beatles, et qu'il a voulu écrire un truc dessus. Il a fait finalement un documentaire ouais. Donc, sur les Beatles. Et sur quoi en particulier ? Il y a une chose en particulier ou c'est sur leur carrière en entier ? C'est présenté sur le début, en fait. Ça a l'air vraiment d'être le début de leur histoire. Ouais. En fait, le principe de la bande-annonce, c'est de dire vous connaissez le groupe, mais vous ne connaissez pas leur histoire. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Ouais. Parce que, tout le monde connaît l'histoire des Beatles. Et ça montre au moment... Enfin, de ce que je comprends de la bande-annonce, c'est tu sais, ce moment où ils sont un peu des stars interplanétaires avec des tubes un peu légers et qui vont passer dans la catégorie au-dessus, notamment plus proche de ce que fait Bob Dylan. Voilà, une chanson un peu plus consciente. Voilà, avec l'arrivée d'albums beaucoup plus importants, donc j'ai l'impression que c'est ce passage en fait, et c'est surtout pour montrer la façon dont ils étaient très soudés à l'époque par rapport au tsunami qu'étaient les Beatles quand ils arrivaient n'importe où. Enfin, c'était de la folie, quoi. Après, vraie question, effectivement, qu'est-ce que fout Ron Howard voilà, là-dedans? Qu'est-ce que fout? Je vois pas trop le parti pris du même j'ai envie de le voir parce que j'adore les Beatles, même dans sa carrière, quoi. Enfin, tu vois, Ron Howard, il est pas réalisateur de documentaires. Alors, oui, pas... on en discutait, il me semble, une fois sur le forum avec ton pute où on disait est-ce qu'il y a des bons films de Ron Howard, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en avait pas tellement. C'est vrai que Ron Howard Howard arrive. Je pense qu'il avait raison. Ça va faire réagir chaton, putain. Ouais, Ron Howard, une carrière assez particulière. Et au final, on ne sait pas trop quoi en penser de ce mec. Hein. Donc voilà, là, moi, c'est plus parce que c'est les Beatles et que ça fait toujours plaisir d'entendre les Beatles. Mais pour le coup, j'avais pas une grosse. C'est un peu sans conviction aussi. Hein, par rapport c'est un peu sans conviction. C'est un peu une semaine sans conviction pour le ciné. J'avais rajouté, moi, en plus de ces films, Where to Invade Next. Ouais, alors là, voilà, pareil, sans conviction non plus. Hein, donc c'est le prochain documentaire un peu comédie, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça un documentaire de Michael Moore, hein, voilà, qui va dans chaque pays pour essayer de trouver les bonnes idées qu'il pourrait ramener aux États-Unis. Donc c'est à la fois sur un fond de critique des États-Unis, genre regardez, on n'est pas le meilleur pays, on n'a pas ça. En même temps, il y a des bonnes idées à côté, prenons-les, montrons-les, etc. On n'est plus vraiment dans le documentaire depuis longtemps avec Michael Moore. Bon, moi après, il m'avait fait marrer de temps en temps dans certains de ses documentaires. J'ai apprécié un moment, donc je me suis dit que j'ai quand même envie de voir ce qui se passe. Je trouve qu'il était pertinent à l'époque de Bush. Peut-être si Trump passe, il faut un Michael Moore en contre-pied. Après, pour les années Barack Obama, c'est peut-être un peu différent. Le problème, c'est qu'il est devenu un peu le cliché de lui-même aussi, Michael Moore. Quoi. Alors là, moi, j'ai trouvé le truc très, très bizarre. C'est-à-dire, il va dans des pays, par exemple, il vient en France. C'est-à-dire, t'as l'impression que la France, c'est idyllique. Quoi. C'est le truc, c'est hallucinant, tout va bien. Tu vois, c'était sur le système de santé. Ouais, déjà, il était venu en France et il avait fait la partie. Nous, en tant que Français, on voyait ce documentaire en France. On était genre, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Enfin, je veux dire, il montrait des trucs, ça se passait pas comme ça en vrai en France. Oui. Il prenait le cas du mec qui a effectivement, la sécu lui avait payé un voyage de 3 mois dans le sud de la France. Enfin, tu vois. Non, et puis là, tu sais, il parle, ah oui, alors vous avez combien de congés payés imaginez combien nous on en a aux États-Unis. Alors il dit, oh, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. Il dit, non, on en a pas du tout. Et les gens font, ah, oh. C'est tellement cliché. Ah ouais, c'est hyper cliché. Bah, c'est ça, Michael Moore devient un cliché de lui-même. J'ai l'impression de voir Borat, quoi. Tu vois, inversé. Bah, c'est ça le problème, c'est que du coup, normalement, quand tu fais un documentaire, tu forces pas le trait. C'est justement le principe du documentaire. Après, Michael Moore, il force plutôt le trait quand même. Et lui, voilà, on est clairement loin du documentaire et on est loin de. Je sais pas en fait ce qu'il veut faire avec ce film, mais bon, pourquoi. Après, pas. Tu vois, c'est pas gênant qu'il ait un parti pris. C'est... Non, mais là, en fait, je trouve c'est très cliché, c'est surtout faux. C'est-à-dire qu'il va dans des pays, t'as l'impression qu'il va aller, je sais pas, dans le pays le plus pauvre du monde et il va dire, regardez, c'est génial ce pays, les gens sont. Regardez, ok, ils sont assez pauvres. Bon, ils vivent dans la rue, bon, ok, mais au moins ils ont le soleil. Voilà, au moins ils sont. Il y a de la chaleur humaine, ils sont entre eux, regardez aux États-Unis, tout le monde est individualiste, tout le monde est sur son téléphone. Enfin, c'est des effets de clichés en plus. C'est grave ça, quoi. Alors peut-être que le film est différent, c'est la bonne annonce, mais. Je trouve que c'est une espèce de, à la fois de mépris pour les pays dans lesquels tu vas en faisant passer ça, tu vois, pour tout va bien. Ouais, et en même temps, un espèce de truc anti-américain primaire. Presque. Je trouve ça un peu étonnant comme parti pris. Donc voilà, on verra. Donc ça, c'était pour le 14 septembre. Le 21 septembre, on n'a pas sélectionné grand-chose non plus. Julien et moi-même, on a sélectionné avec conviction cette fois-ci un film. Plutôt. Julien, tu nous en parles ? C'est le prochain film de Xavier Dolan hein, qui avait été présenté à Cannes. Je vois Greg qui fait une tête bizarre. Attendez, je regarde juste un petit truc au niveau de l'enregistrement. J'arrive, continue. Vas-y, donc voilà. Voilà la bande-annonce, c'est son dernier film, on va dire, francophone. Avec, il y a un gros casting. Je crois qu'il y a, Vincent Cassel, il y a Marion Cotillard, il y a qui d'autre dedans Marion Cotillard, il doit y avoir peut-être Nathalie Baye. Voilà, gros casting français. Gaspard Ulliel aussi. Gaspard Ulliel, voilà. Donc, bon, c'est du Dolan. Moi, je m'attends à un truc qui. Fresque familiale. Voilà, ça claque des portes. C'est adapté d'un bouquin aussi. Bon, pas mal se plaignait qu'il l'a très très mal adapté aussi. Enfin, il fait du Dolan. Moi, je suis plutôt client. Moi aussi. La bonne annonce, je trouve, elle est assez. Enfin, elle prend au trip un peu déjà. Elle est assez réussie, je trouve. On sent bien que c'est Dolan, quoi. Bon, après, voilà, je comprends que les gens qui n'aiment pas Dolan, c'est quand même un réalisateur un peu tête à claque, même à la fois dans son cinéma, même personnellement, ça c'est moins intéressant, mais même dans son cinéma, il y a comme. Voilà, mais je pense que c'est quelqu'un qui tente des trucs. Après, le personnage en lui-même. En tout cas, ça, on a envie de le voir. Bah, disons, dans les 15 jours-là, il n'y avait quand même pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il y a quand même un autre film. Il y a quand même un autre film que Dimitri a sélectionné avec, mais sans conviction, avec appétit. Ou... Mais sans conviction. Non, sans conviction. sans conviction, toujours. Sans conviction, ouais. C'est Blair Witch, donc Blair Witch 3. J'ai même pas vu la bande-annonce, mais bon, un film d'horreur. C'est pour toi. Pourquoi pas, ça peut toujours, ça doit pas durer trop longtemps en plus, donc ça peut un peu occuper. Les critères de sélection de Dim, tu sais, ça peut. Je sais pas trop quoi dire. Le truc intéressant que je peux quand même dire dessus, c'est qu'il a eu longtemps un titre de travail, je le retrouve plus. Si je le retrouve, je le mettrai dans les commentaires. Et il avait fait quand même parler un petit peu de lui, ce film, et au dernier Comic-Con. Ils ont présenté ce film-là et le titre d'un coup s'est changé en Blair Witch, donc c'était un peu le buzz du moment parce que voilà, il y avait un nouveau Blair Witch qui était annoncé, un peu comme ils avaient fait avec Cloverfield. un peu par surprise. Enfin bon, je retiendrai quand même que ton argument principal, c'est ça dure pas très longtemps. Genre le bah non, genre t'en as marre. Maintenant, ça dure toujours 2 heures, 2 heures et demie. C'est le gars qui en a marre de sélectionner des films. Ah, et celui-là, il dure 1 heure, c'est bien, j'y vais. Allez, parce que là, ce sera fini, cette merde. Bon, bah écoute, ouais, le 21 septembre, c'est assez pauvre, hein, finalement, ces deux prochaines semaines au ciné. On vous racontera dans le prochain épisode si on y a été. En attendant le prochain épisode, en général, on finit Upcast avec de la musique, Julien. Ouais, enfin, tout à fait. En fait, ça s'appelle Isaac Gracie, donc c'est un jeune anglais, ouais, qui a sorti un EP juste avant les vacances, qui est entre, comment le qualifier, entre Jeff Buckley, Kurt Cobain et le chanteur de Pearl Jam, Eddie Vedder. Ouais, Eddie Vedder. Moi, j'aime beaucoup. C'est le morceau qui s'appelle Terrified. D'accord. Je trouve c'est un morceau, voilà, qui va bien ouvrir septembre. Hein, on est tous terrifiés par ce qui peut arriver. On parle souvent de finalement quels sont les grands courants musicaux. Je sais pas, les années 90, c'était quoi? J'ai l'impression que c'est plus des types. On a eu le grunge, des types qui s'auto-dépréciaient, qui ne s'aimaient pas. Qui voilà, on a eu Kurt Cobain, on a eu même, tu vois, un morceau comme Creep de Radiohead. Les années 2000, t'as l'impression que c'est plus des types qui fanfaronnaient un peu, les Strokes, les Libertines, qui la jouaient un peu, genre on se la raconte un peu. Et j'ai l'impression que les années 2000, c'est plus finalement dans la sincérité de dire juste, bah voilà, pour tout et n'importe quoi, je suis terrifié par une histoire d'amour, je suis terrifié par ce qui peut se passer. Je trouve que le masque est un peu tombé dans les années 2000. On en parlait à une époque aussi, quand on parlait de Christopher Owens, ouais, des Girls, ouais, de War on Drugs, qu'on avait vu, voilà, où c'est des concerts peut-être plus honnêtes, on joue moins un personnage, on est peut-être plus proche de ce qu'on est vraiment. Et je pense que ce morceau, Terrified, ça peut être un morceau qui peut être emblématique des années 2010. Bah écoute, pour ça, voilà, c'est un très beau morceau. Je sais pas quelle version on mettra, parce que la version EP est assez dure à trouver, je l'ai pas vu sur YouTube, mais il y a une version qu'il a enregistrée pour la BBC qui est assez jolie, un peu moins sèche. Bon, moi je préfère la version EP, mais alors on voilà. vous laissera avec une version, on vous dira voilà, avec Isaac Gracie, donc Isaac Gracie, Terrified. On vous laisse là-dessus, on vous dit à dans 15 jours pour un autre épisode, ouais. On reprendra peut-être un peu le rythme plus voilà, classique. On ne sait pas qui sera présent, qui voilà. ne sera pas là. Non, c'est rien du tout. Dim sera peut-être à New York, peut-être Dim qu'on l'aura, York, on l'a envoyé à New York pour rien. Donc on vous dit à dans 2 semaines, et puis d'ici là, n'hésitez pas à venir nous dire un petit coucou sur upcast.fr, hein, donc vous pourrez laisser des commentaires, vous pouvez aussi aller sur iTunes, nous mettre des étoiles, ce genre de choses, ça fait toujours plaisir. Upcast.fr, on est un peu sur Twitter de temps en temps, @upcastfrance, venez nous voir, et puis on vous dit à dans 2 semaines. Salut à tous. Salut. À très bientôt. Well, I sleep all day, drink all night. Just give me one good reason and I'll turn out my light now. Terrified. Now I'm terrified. And I've heard all the people calling my name, but they'll never see just how I have changed. Now I'm terrified. Terrified, but I don't wanna be your boy, I wanna be your mom, but something's got me wrong inside, and I'm looking for the answer I don't understand, and darling, I'm cut out for this. You know it's hard to explain how it got this way now. People only wanna know why, and I wish I had an answer that would make it okay, but the truth is I'm just terrified. And now but something's got me wrong inside, and I'm looking for the answer I don't understand, and darling, I'm terrified, I'm terrified that maybe I wasn't cut out for this. Cut off.